Dieu te bénisse. Ça, c'est Junior. Le frère Junior de Douala au Cameroun. Mais ça, c'est la voix de frère, vraiment. Jeune fille. Mais moi, je voulais demander, c'est dans ce quartier, si on a fait le Camerounais avec les côtes, les Ivoiriens, on fait. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, mon mari? C'est parce que c'est. Non, c'est pas dans ce quartier, c'est dans la majorité des Ivoiriens. Les Camerounais et Camerounais habitent dans le secteur. Dans le secteur, c'est moi. C'est de l'autre côté que cela fait s'est passé. Mais comme on a plus de étrangers ici, des subsahariens ici, c'est pourquoi. Sinon, ça s'est passé du côté de 109. C'est au 109, hein. Oui. Ici, c'est combien? Ici, c'est hasard. Ici, c'est hasard. Si tu es je suis à l'aise comme ça, je vais toucher le sol. Ça me fait plaisir. Et ça va. Non, je crois que ce serait pas honteux. Non, maman. Quand vous chantez fort comme ça, là, les Arabes ne vont pas vous déranger. En tout cas, quand vous dérange, si on vous dérange, après, il rentre au Cameroun, il n'y a pas de problème. C'est vous qui aurez le problème de vie. Le problème là. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre maison. Amen. Dans ma question, la vie, ça va. Son petit appartement est plus joli et plus grand que ceci. Où elle essayait de faire son petit truc pour avoir son enfant. Elle a mis deux fils ivoiriens dans sa maison. Les filles là travaillaient pour elle et elle dormait là. Ils ont commencé à discuter. Ça allait au même. Elle a dit que vous mentez. Elle a dit que pardon. Pour avoir la maison venir ici, c'est pas facile. Non, si vous voulez aller discuter, sortir. Les deux filles aiment. Ils ont bagarré de 23h, c'est 23h. Les deux Ivoiriens. Une des deux Ivoiriens. Bagarré de 23h jusqu'à. C'est comme ça, alors là, les voisins sont sortis. Tout le quartier est sorti. Tout le quartier s'est sorti maintenant. On a appelé le bailleur. Le bailleur a demandé seulement qu'il faut qu'elle le bailleur. Elle a l'homme maintenant. Elle s'est fâchée. Elle a dit que bon, comme les filles ont fait, on lui a demandé de sortir, que les filles doivent payer. Et avec toutes les installations et tous les trucs qu'elle a fait. Tout. Lorsque comme ça, elle a demandé l'argent aux filles. Les filles ont pu fuir. Elles sont parties se cacher. C'est une ivoirienne même. Elle appelle maintenant les, parce que deux jours, elle n'a pas réussi. Elle a appelé maintenant les Camerounais, les autres délinquants de ce coin-ci. Et comme ça, ils sont montés maintenant. Les gars appellent les anciens, ils font des nouvelles. Ah merde. C'est qu'ils ont montré au fil, c'est tout ce que c'est. Ils ont tabassé bien. Maintenant, en voulant faire du chantage aux parents, je ne sais pas quel intrus est entré là, puis il a commencé à partager sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que ça. Bien. C'est parti. Et là, ils ont fini de parler sur le problème. Comment alors? La diplomatie camerounaise n'a même pas intervenu. C'est un autre domaine là-bas. Ça, là, c'est terrible. Tu connais pas le Cameroun là? Ah, ok. Là, ils ont intervenu. Ils n'interviennent jamais. Dans ce fait, n'est pas quoi ce mot. Ils n'interviennent jamais. Ici au Maroc. Les autorités camerounaises. Leur rôle, c'est quoi là? Mais ils ne font pas les choses officielles. Ils ont appelé. Non, en fait, ambassade, ambassade, ils appellent. Mmh. Mais l'ambassade du Cameroun, ils n'ont rien à voir. Ils vont vous dire que pardon. Gérer ça. Gérer ça là-bas, quand ça a commencé, on n'était pas. Ils ont appelé. C'est arrivé au Cameroun. C'est pour eux que ça arrive même jusqu'à. Bon, on va faire quelque chose. On va faire une pétition. On va signer. On va dire maintenant, on va nommer ambassadeur du Maroc au Cameroun. On va demander Francis Ntame. On va faire la pétition des gens signent. Pour que les choses changent, n'est-ce pas, frère? C'est pas ça. On va le tuer comment? Quand on voit son charisme, la carrière, quel est le charisme d'un ambassadeur? On lui donne un petit service. Il est plus charismatique que celui-là. Il est charismatique, bien sûr. Ça ne va pas donner. Oh. Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je suis content d'être obligé. Prions d'abord que Dieu vous bénisse, d'accord? On prie. Père, nous te sommes reconnaissants pour cette maison, pour cette réunion ici à Casablanca, pour cette autre réunion que tu nous as accordée maintenant. Merci pour cette famille qui nous accueille, merci pour tous celles-là et celle qui est venue d'Abidjan et celle qui est venue de la France. Merci Père de gloire pour tout ce que tu fais pour nous. Nous saluons et nous bénissons tous ceux de cette maison-ci, tous ceux qui entrent, tous ceux qui en sortent. Tiens, dis, lorsque nous entrons dans une maison, qu'on la salue afin que si s'y trouve quelques enfants de paix, que notre paix, notre bénédiction, notre joie puisse lui être répandue. Nous prions au Dieu de gloire que nos joies se répandent, que notre paix se répande et que notre bénédiction vont sur tous ceux de cette maison-ci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous soumettons ce moment-ci entre tes mains. Nous prions, Père, que tu nous enseignes et que tu nous diriges dans la voie où tu veux pour nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, je suis à votre service. C'est Elisabeth du Maroc. Mais voici à l'ordre. Avec les tournées qu'on a faites là, la soeur Grâce est fatiguée, donc on l'a laissée à la maison. Elle est restée à la maison. Pour se reposer, un peu, c'est pas évident pour elle. On l'a beaucoup fatiguée hier, on était à Rabat. Je me lève mal à voir. Hein? Eh bien, je crois que si le Seigneur permet, on va se voir avant de retourner sur le Cameroun. Donc, je suis donc à votre service. En tout cas, vraiment, ça fait plaisir de te voir. Non, pas de toi. On te connaît. Mais là, c'est ok. Parle, ma soeur. Parle alors. Ça fait plaisir de te voir mieux de nous. Vraiment, pour moi, ça me fait vraiment de la joie au cœur. Parce que tellement, c'est quelque chose que je demandais vraiment à Dieu en prière. Vraiment, de connecter notre cœur avec les frères qui nous servent avec crainte et tremblement. Il cherche vraiment sa volonté. Et vraiment, ça me fait beaucoup plaisir. J'attendais vraiment ce moment. Vraiment ce moment de tout mon cœur. Pour moi, c'est... On ne fait plus rien. Je te vois mieux de nous. Comment tu as fait pour être en contact avec Bamba Iba Lance? Comment ça a commencé aussi? Mais comment ça a commencé? Bon, parce que en fait, j'étais sur YouTube, j'ai vu des messages et c'est quand j'étais malade, vraiment que j'ai commencé à vraiment écouter tes messages. Et c'était avec le frère Francis. Quand j'étais interné, il est venu avec la clé. C'est là vraiment que j'ai commencé à m'intéresser à vos messages. Et à un moment, quand je suis sorti de l'hôpital, parce que j'ai tellement mis longue dans la maladie, quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai continué à écouter les messages. Mais à un moment, il faut que je dise la vérité. Et à un moment, j'ai un peu lâché. Je me suis un peu lassé. Pourquoi je me suis lassé? Et parce qu'en fait, quand j'écoutais les messages, le moment c'était tellement long. Alors, des 5 heures, des 6 heures. Tu dis, mais le gars, si tu as dit, le gars, c'est bavard. Oui, il y a un message que je ne finissais pas. Et après un moment, j'ai laissé ce que je vais dire. Et je tente d'écouter le message à la maison. Et je dis, ah, j'étais avec Dieu sur la maison. Je dis, ah, Seigneur, guide-moi. Parce que maintenant, ça ne va pas. On ne sait pas qui écouter, on ne sait même plus où aller. Un jour même, j'ai appelé même le frère Francis, dit, ah vraiment, c'est chaud ici. C'est chaud ici, et moi-même, mon cœur là, ça trouble un peu. Je sais un peu qui écouter, parce que tout maintenant, tout ce qu'on écoute, ça ne va pas. Et j'ai dit, ah, c'est lui, il m'a dit, non, même si c'est comme ça, Dieu te l'améliorera. J'ai dit, ah frère, merci pour le conseil. Un jour, maintenant, je suis en train d'écouter le message, et finalement, je suis en train, ah, frère, parce que moi, je veux vraiment chercher la face du Seigneur pour que vraiment qu'il me guide qui je vais dire, je dois écouter. Et pour moi aussi, a commencé là où il y avait le péché originaire. Tu as dit, ah, oui. C'est encore quoi ça? Raconte tout, ma soeur. Oui, je vais parler, je suis là pour ça. Voilà. Et le péché originaire, parce que bien avant, je n'avais pas écouté le message. Et en fait, des frères parlaient, non, les soeurs disaient que non, ah, le frère, là, vraiment, ce qu'il avait dit là, ça ne vaut pas la peine. Le frère n'est pas les dieux et tout. J'ai dit, non, moi, je dois chercher la face du Seigneur. Amen. Voilà, ce qu'il faut faire. Pas écouter ce que les gens disent. Moi, je dois d'abord, j'espère que nous allons partager ça une fois sur WhatsApp. Je dis, non, Seigneur, il faut que moi, je cherche la face du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu m'as dit, non, que quand j'écoute le message, je dois prier. Et en priant, quand j'écoute le message, je dois d'abord prier. On va d'abord prier, ouais. Et tellement j'entendais les hommes dire, ah, le frère là, ça ne va pas, le frère là, ça ne va pas, le frère là, même, le frère là même n'est pas de Dieu. J'ai dit, ok, maintenant. Que c'est sûr que c'est le diable qu'il a envoyé dans le corps de Christ. Maintenant, dans la présence de Dieu, je dis, non, maintenant, parce qu'en tout cas, il faut l'intimité de Dieu. Il faut que c'est le Saint-Esprit qui atteste certaines choses. J'ai dit, maintenant, ok, maintenant, dans le domaine, je commence à prier, je cherche la voix de Dieu. Et vraiment, sincèrement, à chaque fois que j'écoutais, quand j'écoutais nos prédications, ce n'était pas vraiment ça. Et chaque fois, j'étais peiné. J'étais vraiment peiné. Et je dis, oh, à chaque fois, ce nom me revenait dedans. Ton nom me revenait dedans de moi. Que c'est le nom que j'ai encore fait quoi? En dedans de moi, en tout cas, je voulais avoir une confirmation du Saint-Esprit. Parce qu'avant de dire, oh, Dieu, vraiment, même quand j'écoute mes sangs, moi, sincèrement, je vais dans les Écritures. Amen. Je vais vraiment dans les Écritures, je vais vraiment que le Saint-Esprit m'atteste comme les disciples de Béret. Il faut vraiment, je ne vais plus, je n'écoute pas les messages pour écouter aujourd'hui. Parce que quand j'écoute les messages, il faut que j'ai la parole de Dieu. Amen. J'ai la Bible devant moi. C'est là où maintenant, j'ai appelé la soeur et dit, ah, il y a quelque chose là qui me trouve dans les mots là. Depuis ces derniers temps, je ne sais même plus qui écouter, même le frère, même là. Vraiment. Ça ne donne pas. Je le mets d'abord de côté, il faut d'abord qu'elle cherche la face de Dieu. Et c'est comme ça. Parce que même dans les messages, il y a des choses que moi, ça, je n'étais pas convaincu. Même dans tes messages. Oui. Je dis, ah, parce que surtout quand tu parles de la femme. Oui. Il est trop dur. Tu es tellement sévère au point où. En fait, il y a les propos qui sortent un peu durs. Mais un peu vraiment, qu'est-ce que je peux dire? Moi, j'appelle ça un peu vulgaire. Ça n'entre pas vraiment dans mon esprit. Je dis, ah, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à chercher la face de Dieu, Et à un moment même, j'ai d'abord même coupé le message. C'est comme ça. J'ai arrêté d'écouter le message parce que Dieu dit en toutes choses qu'il faut demander au Saint-Esprit, être convaincu par le Saint-Esprit, parce qu'on écoute plus les messages pour écouter, parce qu'il y en a tellement. Tellement. Et je n'ai pas arrêté. J'ai arrêté d'écouter les messages. Vraiment, j'ai arrêté ça. Je dis, c'est une vérité. J'ai arrêté d'écouter les messages. J'ai dit, bon, ok, maintenant j'arrête. Tout, il faut que je cherche la face de Dieu. Amen. Qui réellement je vais écouter présentement. Parce qu'il y en a tellement. Il y a la Bible, mais c'est pas ça. Oui. En présente ta parole, en présente la Bible, mais c'est pas ça. Et dans mes prières, dit Seigneur, connaître-moi. Ça, je dis une vérité. Connaître-moi avec des frères qui te cherchent, qui ont cette soif, qui ont ce désir de te connaître. Parce que le désir de connaître Dieu, c'est la révélation. Il dit Seigneur, connaître-moi avec des frères, ceux et frères qui cherchent à faire ta volonté. Je ne veux plus me rassembler avec qui que ce soit aujourd'hui. Parce que en fait, c'est ce que j'ai compris dans mon intimité avec le Seigneur. Mm. Parce que bien avant, je suivais la foule. Je faisais des choses par suivisme. Mm. Et parce que le frère, la soeur a dit que non, c'est là où moi aussi bon, j'ai fait. Non, aujourd'hui, je vais être convaincu par le Saint-Esprit. Mm. Dans tout ce que je fais avec le Seigneur. Amen. Et j'ai arrêté. Même quand le frère a dit que vous devez être là, tu devais être là. C'est un débat. En fait, je dis la vérité, je dis ce qui est clair. Ce qui n'est pas trop ça dans moi. Mm-hmm. Mais à un moment, c'est revenu. Mm-hmm. C'est revenu. La semaine dont je pensais que je devais passer, j'ai préparé le même sang dans le jeûne. Mm-hmm. Et puis, parce que le Seigneur, ce n'est pas de toi, chasse-le de moi. Je dis, Seigneur, là, je viens là. Moi, je dis, c'est vrai. Seigneur, là, je viens là. Même quand je viens là, je dis, Seigneur, il faut que les choses soient claires. Seigneur, parce que Seigneur Jésus, maintenant, là, c'est trop. Oh, je ne veux plus aller dans la perdition. Mm. Là où tu m'as enlevé, là, je vais écouter les choses qui viennent de toi. Amen. J'attends pas un homme. J'attends quelque chose du Saint-Esprit, quelque chose qui va me changer, quelque chose, un plus de moi. Amen. Donc, sincèrement, frère, c'est pas toi que j'attends. Ma soeur. C'est Dieu que je vais écouter ici, parce que c'est le Saint-Esprit que je vais écouter. Amen. Tellement j'ai attendu ce moment, je dis, oh Seigneur, quand même, comme il est en train de venir là, dans le monde, il dit, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, soit ôté. Amen. Que la chair disparaisse. Que c'est toi qui coûte, tu dois croire en lui. Tout ce que nous allons partager ici vient de toi. Ma soeur, c'est fini. Oui, parce qu'il y a une question. Non, non, non. On va prendre le. C'est pour vous, frère. Vous êtes... Non, non. On a du temps. Mm. C'est pour ça que cette journée, je vous ai consacré, c'est pour vous. On prend du temps, on parle. Vous avez la Bible, on parle n'importe quoi. Toutes les questions, on va les répondre. C'est trop, même. On prend les. On prend... Voilà, on prend la parole où maintenant? Voilà. Et toi aussi. La parole. Qu'est-ce que tu as à dire? Seigneur qui est au-dessus de toutes choses. Chacun. Et à l'époque aussi, parce que nous n'étions pas là à cette époque-là. Mm. Et le nombre des serviteurs était de combien? Ceux qui étaient vraiment appelés pour. Écoutez bien la question, hein, parce que quand il veut commencer à répondre, que vous compreniez dans quel sens on est allé. C'est pourquoi frère, je voulais qu'on réponde à chacun. Et puis, on commence comment alors? C'est dans ce sens des questions, on va prendre. Bon, on commence par là-bas, d'accord? Okay. Feu. Question numéro 1. Oui. C'est ça qui est dans le cahier là comme ça. Seigneur, aide-moi. Les accumulations des questions au courant de l'année. Ouais, c'est trop lourd. Oh, oui. Balance ma soeur. On cherche le Seigneur. Amen. Allez, c'est pas bon. Pendant que tu cherches les questions, moi je pose la question. Quand tu avais suivi le truc de péché originel, quand tu avais suivi que tel a dit ça, tel a... Toi tu as suivi également ça. Non. C'est qu'elle dit là. Ah, le chiffre, le chiffre. Quand moi j'ai écouté ce message, oui. En fait, je n'avais pas fini ce message. Mm-hmm. Moi, en fait, j'étais convaincu par ce message dès le départ, dès le début, parce que le Seigneur est trop clair. Là, je te pose maintenant, je te pose une question. Oui. Les gens qui t'ont parlé, comme tu entendais, tu as dit toi-même que tu entendais ici, j'entends ici. Oui. Là, qu'est-ce qui était leur problème? En fait, ces gens, en fait, d'autres aussi écoutaient ce que les autres disaient. Ils écoutaient plutôt les ondes. Les ondes. Ils n'avaient pas écouté le message. Oui, au lieu de rentrer dans la vie. Ils ont posé l'enquête et vu sur WhatsApp. Ils ont dit, frère, j'ai un souci ici. Le péché originel fait partie de son arbre. Oui. Donc, tout le monde dit que tu n'as pas un prêtre à écouter le Dieu. Donc, j'ai besoin moi d'écouter ce message. Maintenant, tu m'as envoyé le lien. J'ai dit qu'on va écouter, mais prie d'abord. Prie d'abord. Que le Seigneur te dise. Oui. Parce que je ne voulais plus faire, je ne vais plus faire les choses selon les hommes. Oui, parce que le tel frère, tel frère, j'ai tellement marché. Parce que je parle de moi, j'ai tellement marché par rapport à la cuisine, le suivisme, la foule, le rassemblement. Et aujourd'hui, je vraiment sincèrement, je cherche l'intimité avec lui. Amen. Le Seigneur m'a même vraiment cherché son intimité. Parce que j'ai compris qu'à sans l'intimité de Dieu, on ne peut rien faire. Il y a d'abord ces relations personnelles, d'abord que nous devons d'abord avoir le Saint-Esprit avant d'être rassemblés avec les frères. Exact. Parce que si on n'a pas cette intimité, On peut te manipuler n'importe comment. On peut nous manipuler n'importe comment et c'est ce qui s'est passé bien avant. Mm-hmm. Parce que même quand je suis mal affronté bien avant, dans ma nouvelle conversion, mm-hmm. c'est seulement j'avais ce feu qui brûlait en moi, mm-hmm. dedans de moi. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Au cours de ma vie, j'avais vraiment ce zèle, mm-hmm. vraiment ce zèle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je n'avais pas vraiment la connaissance de qui était Jésus. Oui. Je n'avais pas vraiment cette révélation parce qu'il y a, cette différence. Mm-hmm. Parce que quand nous venons, Jésus-Christ nous prend. Mm-hmm. Alors nous sommes dans la joie. Mm-hmm. Il nous fait des choses merveilleuses, il nous délivre. Mais l'étape, l'étape de l'adolescence, étape par étape, oui. nous allons monter enfant avec maturité. Le Seigneur, enfant maturité. Et c'est ça. Parce qu'à un niveau, je n'avais pas cette connaissance mm-hmm. avec le Seigneur. Et il faut comprendre que quand on n'a pas la connaissance de qui est Jésus-Christ, mm-hmm. on peut être ballotté par tout vent de doctrine. Mm-hmm. Et même être ballotté même par quand même les frères qui sont tout autour de nous. Mm-hmm. Parce qu'il y a aussi ce problème de suivi aussi. Mm-hmm. Parce que quand tu es nouvellement convaincu, tu as besoin ici des gens mm-hmm. qui ont vraiment cette connaissance qui est Jésus. Pour pouvoir t'amener et aussi. Pour pouvoir t'amener aussi parce que nous sommes... Mm-hmm. Ils sont là pour ça. Parce que le Seigneur Jésus a établi des pasteurs, oui. des apôtres, tout ce monde-là, des prophètes. Et je comprends que la base n'était pas bonne. Mm-hmm. Le fondement n'était pas bon. Mm-hmm. Parce que c'est le fondement. Mm-hmm. C'est d'abord le fondement. Quand le fondement est... Parce que vous savez que je veux que nous allons vraiment t'aider beaucoup, vraiment pour moi. Mm-hmm. Et comme Somme 11 le dit... Si le fondement est renversé, le jusque fera-t-il? C'est une bonne question. Que nous traitons ça. Le fondement. Mm-hmm. Et que fera-t-il? Que fera le juste? Mm-hmm. Parce que quand le fondement, la base, c'est le fondement. Mm-hmm. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Mm-hmm. Et si on te présente un autre Jésus, tu ne peux pas avancer. Amen. Tu ne peux pas avancer. Mm-hmm. Parce que c'est ce Saint-Esprit qui vient t'amener à avoir l'intimité. Mm-hmm. Parce qu'au départ, il n'y avait pas cette intimité, mm-hmm. il n'y avait pas de quand il faut avoir l'intimité. Oui, tu pouvais prier, tu pouvais louer Dieu, tu pouvais célébrer Dieu, mais pas avec révélation. Absolument. C'est ce qui se passait dans ma vie. Mm-hmm. Il y a des choses que oui, je faisais parce que oui, je vois aussi les autres faire. Moi, je comprends que tout c'est par révélation. Et c'est dangereux d'essayer de d'imiter. D'imiter. Mm-hmm. J'ai compris, j'avais le Saint-Esprit amené à comprendre que non, tout ce que tu parles avec moi, ça doit être par révélation. Amen. Parce que si tu n'as pas l'intimité avec moi, comment tu pourras faire? Parce que quand le Seigneur m'a pris, j'ai tissé cette alliance avec le Seigneur parce que Dieu, c'est une alliance. J'ai dit, Seigneur, lors tu m'as élevé dans la boue du péché, dans l'esclavage du péché, j'ai célébré ton nom, tu m'as dit. Amen. Et c'est ce qui faisait qu'à tout moment, je célèbre le Seigneur, même jusqu'à présent, même si mon pied part à gauche, à droite, je vais célébrer le Seigneur. Parce que c'est une alliance que j'ai tissée avec le Seigneur Jésus. Parce que c'est un Dieu d'alliance. Mm-hmm. Parce que je réalisais où il m'a enlevé. Ma vie n'était pas... J'étais vraiment misérable, qu'on appelle misérable. Mm-hmm. J'étais une esclave du péché. Je vivais dans l'esclavage du péché. Mm-hmm. J'ai fait des choses qu'il ne fallait même pas faire. Mm-hmm. Mais ce qui faisait que, à chaque fois que je réalisais son amour, je dansais. Mm-hmm. Je célébrais. Parce que, en fait, c'est une alliance que j'ai tissée avec lui, avec Jésus-Christ. Et c'est comme ça, dans ma marche, au fur et à mesure, je faisais des choses contre la volonté de Dieu, ça c'est clair. Juste à ce que tu entres dans la révélation pour voir vraiment comment marcher. Oui, parce que j'ai été malade. Mm-hmm. Parce que en fait c'est le péché qui m'a rendu, parce que je suis à l'horreur du péché. Mm-hmm. Parce que la maladie vient par le péché. Mm-hmm. Il n'y a pas de chose. Mm-hmm. Parce que je partage dans une tournure qui n'est pas normale, et moi-même je le sais, je partage dans l'égarement. Mm-hmm. Et la façon dont, parce que dans cette vie, Jésus-Christ c'est le renoncement. Mm-hmm. Tu ne peux pas dire que tu es en Jésus, tu ne renonces pas. Et le renoncement, ça vient par la révélation, mm-hmm. ça vient par les épreuves, mm-hmm. ça vient par le feu, mm-hmm. ça vient pour aimer Jésus, il faut passer par le feu. Mm-hmm. On n'aime pas Jésus comme ça. Amen. On se lève le matin pour aimer Jésus. On n'aime pas Jésus par la lettre, on n'aime pas Jésus parce que je me lève et dis que non, pas la bouche, non. Il faut qu'il te passe par des situations qu'un homme ne peut. Mm-hmm. Il faut qu'il éprouve ta foi. À son école à lui. À son école à lui. Mm-hmm. Et j'ai compris que Paris m'a fait passer, je t'insiste vraiment, c'est une école. Il a m'a mené quelque part. Sincèrement, j'étais aveugle. J'étais vraiment aveugle. Parce que quand je m'assois, je dis, « Wow, Seigneur, mais c'est comme ça que tu es. Mais c'est tellement puissant, tu es tellement beau. » Mais il m'amène à l'adorer, il m'amène à... Sincèrement, il m'amène... Son amour me presse. Son amour me presse parce que chaque seconde que je réalise l'amour de Dieu dans ma vie, je suis attristé. Je dis, Seigneur, mais pourquoi je ne peux pas faire ta volonté? Quand tu me demandes de renoncer à tes choses, mais pourquoi je n'arrive pas? Saint-Esprit, donne-moi la force de renoncer. Parce que là, il m'a enlevé. Aucun homme ne pouvait le faire. Amen. Je vivais avec quelqu'un dans la même maison, dans, comme si on était mariés, on a fait 10 ans ensemble. Nous sommes quittés, on a quitté le pays, on est venus ensemble, ici dans ce pays. Mmh. En fait, c'est ici que le Seigneur Jésus t'a visité. T'a visité. Mmh. Et dans ça, il disait c'est pareil que je ne comprenais pas. Mmh. Le frère là, il était toujours derrière moi. Sœur Elisabeth, c'est pas ton mari. Il te persécutait avec le frère. Oh, le frère dit, tu es sûr que tu es sûr que c'est ton mari. J'ai dit, ah, en fait, il faut d'abord laisser l'affaire là. L'affaire là, d'abord là. Laisse d'abord l'affaire là. Jésus comprend. Mais il fallait que Jésus puisse lui-même me brutaliser. Il m'a levé là-bas avec brutalité. Parce que quoi? Par là, il m'a levé là. Il fallait jeter Jésus. Aucun homme ne pouvait le faire. Il m'a levé là-bas avec force et brutalité. Sincèrement, j'étais vraiment, j'ai vu la mort de mes propres yeux. Là où je suis là, j'étais paralysé. J'étais pas, parce que dans mon témoignage, amen, j'étais paralysé parce que ça fait partie de Jésus. Il m'a enlevé de la mort et je te parle de lui. Amen. À tout moment. Parle, ma soeur. Ouais, parle. Et je te parle de mon père. Et c'est ça. Parce qu'avant même que le Saint-Esprit, Jésus-Christ me visite, oui, j'étais une prostituée. Prostituée de long, comme on dit qu'elle grande prostituée là, de long chemin. Je n'avais pas de vie, ma vie était sans espoir. Moi, j'étais lesbienne, j'ai sorti avec les femmes, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire dans ma vie, j'ai fait trop de choses. Et c'est ça, en fait, parce qu'il faut pas l'être, j'étais lesbienne, je sortais avec des hommes, je sortais avec des hommes n'importe comment. Tout ça, ça pour l'argent. Tout ça pour l'argent. Même étant au pays. Non, c'est là-bas au pays. Que ça se passait comme ça. Oui, c'est ici que Jésus qui m'a visité au Maroc. Puisque quand même, avant de me visiter, j'étais prostituée. Je faisais la prostitution. Et malgré que tu fais la prostitution, comment quand tu rentrais le soir, tu dormais, comment était le cœur? Ça vient. Qu'est-ce qui se passait quand je rentrais? J'ai passé toute ma vie à pleurer. Pourquoi tu te délivres de ça? Oui, je pleurais. Donc tu essaies de sortir. Il y avait quelque chose dedans de moi qui n'allait pas. Je me lamentais matin, midi, soir. Mais quand tu sors, tu mets le maquillage, personne ne sait comment tu souffres. Mais en tout cas, frère, laisse-moi parler d'abord, c'est mon affaire, frère. Parle. Va maintenant, qu'est-ce qui se passait? Avant de sortir le soir, je pleurais. Je pleurais parce que je faisais le maraboutage. J'ai fait les sacrifices de mon temps. J'ai fait tout genre de sacrifices pour avoir de l'argent. Parce qu'il fallait que quand je sors, parce qu'on m'appelait la fille à la peau de lune, je croyais que j'étais très belle. Parce que j'étais, quand je me levais, je disais, oh, quelle belle femme. Mais pourtant, j'étais dans la mort. Mais il y avait quelque chose dedans de moi qui n'allait pas. À chaque fois que je veux sortir la nuit, je pleure. À chaque fois que je veux sortir la nuit, je pleure. Oui. Je pleurais, sincèrement, je pleurais. Je dis, Seigneur, mais il y avait quelque chose. Sortir la nuit pour aller faire la position. Aller prendre, je pleure à Dieu. Je dis, Seigneur, ce que je dois. Je pleurais, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le monde. Parfois, je tombais même sur des autres personnalités qui me disaient, non, qu'est-ce que tu fais dehors? T'as vu les chiens. Même ceux-là qui font chercher les choses dehors. Oui. Eux-mêmes, ils t'évangélisent en disant que la position, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour moi. Oui. Parfois, je rencontrais les messieurs, ils me disent, prends l'argent, va dormir. Je parle à l'aise, toi, mais tu me racontes comme cela. Moi, j'ai vu mon arrière, tu me parles, tu vas dormir. Je vais dormir, je n'ai pas dormi pour moi. Je prends encore, je pars dans une autre boîte. J'ai fait tous les boîtes de nuit, je n'ai pas dormi. J'ai dormi dans les maisons où, quand c'était que pas les télécommandes. Oui. Tu sens que c'est le mauvais esprit. Oui. Tu n'as plus que les télécommandes. Oui. Donc, quand tu dors là-dedans, tout est en blanc. Mais qui m'est sorti de ces maisons-là? J'ai sorti avec des francs-maçons. J'ai sorti avec tout genre de personnes. Parfois, je suis couché sur le lit, dans l'hôtel, la même homme me dit, je ne sais pas ce qui m'empêche de te tuer. Il y a quelque chose en toi. Peut-être que vous voulez te livrer en sacrifice, mais oui, n'a pas peu. Même quand je avant d'aller avec un homme, j'avais mon somme 23. Là, tu lisais la Bible. Oui, j'avais mon petit Nouveau Testament. C'était dans mon sac. Je monte et descends, la police m'arrête juste avec ça dans le sac. Oui. Chaque fois qu'on me rafle, je suis avec ça dans le sac. Oui. Avant d'aller avec un homme, je pars dans les toilettes, je prie Seigneur, l'Éternel mon berger, il est ma clé de Dieu, Seigneur, protège-moi de cet homme, Seigneur, je ne le connais pas. Parce qu'il y avait des hommes qui demandaient, oui, il y avait des malades. J'ai sorti avec des hommes qui avaient beaucoup d'argent. Oui. Parce que l'argent, je ne me fais plus rien. Moi, je sais qu'aujourd'hui, pourquoi le Seigneur m'est pas fait passer par là. Oui. Je demandais des hommes qui avaient des malades et des malades d'argent. Donc quand je dors là comme ça, il dit, Seigneur, avant d'aller avec lui, sur le lit, je pars d'aller prier. Mais c'est pas, je ne sais pas ce qui m'a amené à moi prier. Je vais aux toilettes, tu fais quoi? Il dit, non, je me lave. Et pourtant, je ne me lave pas. Je prie d'abord. Quand je vais encore sur le lit, il me dit, mais je ne sais pas. Je voulais te faire du mal, mais je ne sais pas ce qui m'a fait, je te fais du mal. Là, tu comprends que le Seigneur te veillait sur toi déjà. Oui, je comprenais déjà que le Seigneur veillait sur moi. Et c'est comme ça, dans ma marche, c'est comme ça. À cause de l'argent, j'ai sorti avec des grands vainqueurs et autres personnalités. Les francs-maçons, quand ça me pique, je plains. Voilà, moi, c'est ça. Je peux te dire au revoir maintenant. Je te dis que j'arrive. Mm-hmm. Je suis à Paris dans une autre ville. Mm-hmm. Je dis, j'étais international. Prostituée internationale. Prostituée internationale. Donc, je peux te dire maintenant que, oh, mon frère, bonjour. Hein. Mm-hmm. D'abord, je n'avais même pas égard à quelqu'un. J'étais tellement orgueilleuse. Mm-hmm. Donc, quand je me réveillais, c'est que j'étais belle. Je marchais nue. Wow. Même en plein jour. Ça, tout ce que tu racontes là, c'est dans quelle année là? Non, attends. Avant que je vienne ici au pays, parce que ça fait 6 ans. 6 ans. Oui, que je suis ici. Donc, ça date des environs de 2011. Oui, 2011. Oui, avant même 2011, c'est la même. Avant même 2011, j'étais là-dedans. Mm-hmm. Continue à raconter parce qu'il faut qu'il pose la question pour essayer de les structurer. Oui. Pour que tu nous dises comment tu as commencé dans cette genèse-là. Tu vois la genèse de ta vie pour comment tu es entré dedans. Oui. Continue. Donc c'est comme ça que quand je me lève le matin comme ça, tout ce qui me met dans la tête, c'est porter les talons. Oui. Quand il faut me laver, je mets les talons, regardez avec ma taille. Oui. Je prends les talons, la joue jusqu'ici. Oui. Je marche presque nu. Oui. Déjà avec 1m70. Les seins dehors. Tu mets encore les. Ah oui, les seins dehors. Oui. Et je n'avais pas peur de qui que ce soit. Oui. Même si on me dit que la voix de nulle, le président de la République, parce qu'au Cameroun, le César, c'est vrai que les gens connaissent le César. Pour entrer au César, il faut l'audience pour entrer au César. Le César, c'est où? C'est une voix de nuit. On ne perd pas le ticket pour entrer au César. C'est l'audience du président qu'il faut. Pardon? C'était la plus grande voix de nuit. À Yaoundé. Oui, à Yaoundé. Et moi, quand je suis arrivé, elle a dit, mon frère. J'ai jamais entendu. Tu as dit, c'est quoi tu parles à ces plutôt? Tu me charles et dis, je ne parle pas. Oh, j'ai bandé avec les portiers, dit je vais entrer ici. Tu m'as dit, entrer ici pourquoi? Il a dit que tu vas voir comment je vais entrer. Tu vas comment que quelqu'un va me tenir, j'entre dedans. Oui. Parce que le diable est mauvais. Je marchais avec Lucifer. Il m'a amené à faire des choses pas bien. Je suis entré dans les pratiques. J'ai sacrifié le mouton pour que l'homme me voie. Mm. Donc je parle comme ça. On me donne les calebasses dans les pays des gens au Niger. Attends, tu vas m'obliger seulement pour faire le sacrifice. Non, c'est comme ça, moi, la vie de mon aventure. Même dans mon aventure, je faisais la prostitution. Ok. Ok. C'est comme ça. Wow. Mais au pays, je n'ai pas touché vraiment au fétiche. Mm-hmm. Je n'ai pas vraiment touché au fétiche. Mm-hmm. Mais je vous dis que le départ de ma prostitution a commencé comment? Parce que, en fait, j'étais à l'école. Moi, je veux commencer ma base. Mm-hmm. Je ne sais pas comment j'ai eu mon CPE. Oui. Parce que devant le Seigneur, il faut dire tout. Mmh. Quand je suis allé au cours moyen 2, c'est le cours moyen 2, mon papa est allé, on est allé dans son village. J'ai fait, moi, sincèrement, moi, je n'ai pas fait les études, hein, mais j'ai dit que j'ai l'étude céleste. Amen. Je n'ai pas besoin de diplôme. Mmh. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de diplôme. Parce que le Seigneur a pu les choses vivre comme on les sache. Oui. Il n'y a aucun homme dans la parole de Dieu qui a dit que j'ai les diplômes. Mmh. Aucun passage biblique. Mmh. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous suffit. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça, on est allé au village de papa. Parce que maman n'était pas mariée avec papa. Ils sont partis, je ne sais pas comment j'ai eu le CPE. Mm-hmm. C'est une seconde. Il avait donné l'argent pour que j'ai le CPE. Je suis allé en sixième. Oui. Mais tellement je mentais. Mm-hmm. J'utilisais le nom de Stéphanie Beniquez. Dans ma position, personne ne connaît mon nom. Mm-hmm. Mon prénom. Yeah. Elisabeth, c'est au Seigneur. Le Seigneur mm-hmm. a dit, change ce que tu fais là. Mm-hmm. Il faut que tu aies ton véritable nom. Mmh. Après, j'ai fait des choses et que moi, quand je regarde ma vie, je dis là, je ne dois que louer Dieu. Amen. Ma vie, la Seigneur, c'est le Seigneur. Parce qu'elle m'a enlevé depuis le sein de ma mère. Mmh. J'ai été sacrifié. Raconte-nous tout, ma soeur, c'est ton témoignage. Il s'agit de j'ai été sacrifié. Non, je suis là pour ça. Mmh. J'ai été sacrifié aux esclaves. Parce que chez nous, mon grand-père était esclave. Il avait des esclaves. Mmh. Il était chef. Mmh. Bon, les massages, puis maman. Oui. Il était esclave. Moi, ma vie, ce n'était que l'esclavage. Personne n'avait également. Même ma propre famille, j'étais l'aîné de ma maman. Mmh. Mais vraiment, ce que je faisais était horrible. Mmh. Mais si ma mère, même de son vivant, on lui disait, elle, si elle vivait, on lui disait que c'est moi qui faisais ces choses-là, elle dit non. Donc, on ne savait pas ce que tu faisais en réalité. Quand donc, je sortais là, je viens, je mens. Personne ne connaissait comment tu vas vivre. Non, c'est vrai que je faisais quelque part la proposition. Oui. Mais ma vie était horrible. Ça sentait mauvais. Mmh. Mais ma mère ne savait pas au fond ce que je pratiquais d'ailleurs. Mmh. Elle ne peut pas imaginer que j'ai sorti avec les femmes. C'est horrible d'entendre ça, que ta vie soit avec les femmes. Mmh. Parlons de cet épisode de ta vie. Comment tu es arrivé à sortir avec une fille? D'où comment c'est venu? C'est venu comment j'étais d'ailleurs dans ma vie de prostitution. Parce que moi, je dis aux gens que quand j'ai l'autre personnalité vient, moi, je place les filles. Mm-hmm. Quand je suis devenu maintenant comme une neuf. Oui, moi, quand je suis là comme ça, les filles viennent, ils me prennent, ils disent oui, cherche-moi des filles. Mm-hmm. Moi, je les cherche. Et c'est moi qui dois chercher. Mm-hmm. C'est moi qui décide. Mm-hmm. Même l'argent qu'on doit donner. J'avais le ministre, les. Oui, toutes ces autres personnalités là, oui. C'est comme ça. J'ai parti aussi même avec trois hommes. Comment ça? Oui, trois frères. Même avec le papa, grand-père. Tu les dames. Et eux, ils savaient cela. Mais ils savent pas comment. Tu es là pour l'argent, lui-même, eux-mêmes sont là pour leur business. Tiens. Essaie d'éclaircir, c'est qu'on puisse saisir. Parce que ces mots-là, on ne connaît pas bien. Le père, là. Le père connaît que c'est le. Il connaît le frère, c'est que tu sors. Vous êtes là ensemble. Vous sortez ensemble dans la même chambre. Et eux, ils sont mariés aussi en deux temps. Qui? Les hommes là sont mariés. Moi, j'ai sorti beaucoup. Les hommes mariés qui même j'ai vécu comme ça, ils disent que vivre comme ça, que comme amis, oui. Comprendre la cité des hommes mariés. J'ai détruit beaucoup de foyers avant. Oui. Parce que j'avais laissé les situations à moi, je savais comment séduire l'homme. Mm-hmm. Tu vas être assis avec ta femme, déjà, je t'ai séduit. La femme n'est même pas au courant. Elle ne voit pas. Elle ne voit pas. Tu es assis là, je suis en train de consommer, ils sont en train de prendre le pot, vous êtes assis là. Je l'ai délogé. Comment ça se passe? Comment tu parvenais à faire? Frère, je vais t'expliquer. Explique-nous. Je suis assis comme ça. Je suis assis comme ça avec ta femme. Oui. Hein? Oui. Dès que seulement mes yeux, pas mes regards. Oui. Parce que déjà, j'étais une femme, je ne mettais pas les femmes de terre. Oui. Non. Je ne mettais pas les femmes de terre. Naturellement. Juste que pour un mec, oui. Naturellement, je mettais, je mets beaucoup de tissages. Oui. C'est ce que je mets net. Légèrement le noir. Mm. Mais les trucs, trop les. Je n'étais pas dans l'extravagance. Donc, ce qu'il faisait quand il m'assoit là, tellement il savait que j'étais très belle. C'est seulement au fond de moi, il savait que j'étais belle. Le diable m'a amené à comprendre que je suis belle. Et que tu peux utiliser cette beauté-là pour détruire. Oui, pour détruire. Je savais que j'avais des belles jambes, j'étais bien, bien foutu. Tu es assis avec ta femme là. Je suis en train de consommer. Quand je suis en train de consommer, je te tape un clin d'œil. Donc, le clin d'œil là. Ça t'envoie le message. Ça t'envoie le message. Ça t'envoie le message. Ta femme, elle ne voit rien. Elle est après, comme... après, il trouve le moyen pour déjà regarder ça. Et en même temps, je fais un geste, je vais aux toilettes. Tu me suis en même temps. C'est terrible, hein? Donc, c'est comme ça que les prostituées font. C'est comme ça. Les grandes prostituées ne disent pas. Parce que moi, je ne faisais pas les petits milieux, hein? Je ne faisais pas les bars. Parce qu'elles disaient que les grands milieux, les grands hommes. Oui. Donc, c'est comme ça que je faisais. Quand je quitte là, comme ça, je pars. Donc, quand je fais, toi, tu me suis derrière. Tu as la femme qui m'avait fait pipi. Je change, on change les numéros. Il dit à sa femme, je m'avais été déposé. Dieu, tu vas me déjà là. Il revient. Il revient en même temps. Il n'a plus le cœur sur sa femme. Et ça, ce sont les grandes personnalités du pays. Ce sont les grandes personnalités du pays. Ce n'est pas les petits hommes. Ce n'est pas les petits hommes. Donc, si ce n'est pas juste qu'il protège quelqu'un, un foyer, là, c'est fini. C'est fini. Donc, si quelqu'un n'est pas assis, moi, je parle parce que j'ai vécu ces choses. Si quelqu'un n'est pas assis dans la parole, il est séduit. Il est séduit. Il est séduit. Parce que ces filles, elles sont avec le Lucifer. Oui. Et Lucifer les utilise à fond. À fond. Tu comprends ce qu'elle dit, non? Parce qu'il y a les manières que quand tu fais même, ça dit non. Tu n'as pas besoin de parler. Oui. Même quand tu es assis, quand tu es dans une boîte, quand tu sais que tu vas entrer en boîte, il y a les démarches. Tu changes en image. Parce que tu portes les talons là. Tu comprends que les talons, c'est quoi? C'est la sirène des autres. Donc là, tu peux parler aux femmes directement. Parce que quand ils parlent, on dit que c'est moi qui exagère. Non. Moi, c'est quand tu portes les talents, tu changes l'image. Quand je parle de l'enseignement, je dis la femme comme arme de destruction massive. Tu comprends bien ce que oui, ça veut dire? Oui, je comprends bien. Parce que je suis passé par là. J'ai dormi sur le lit conjugal des femmes, des hommes. Sur les conjugales. Je suis passé par là. Je suis passé par là. Je sais ce que ça produit. Donc, avec les talons là, quand tu entres, tu changes les démarches. Oui. Donc, le talon a pour but de modifier les démarches. De modifier les démarches. Et quand tu es au milieu des hommes, oui. Tu changes de démarche. Oui. Puisque ce n'est pas la même chose quand tu prends les chaussures basses. Oui. Il y a une très grande différence. Et les chrétiennes qui discutent aujourd'hui, quand on parle de talent, il n'y a pas de problème. Je suis passé par là. Oui, là maintenant, il y a les chrétiennes qui nous écoutent, qui discutent par rapport à ces talents-là. Qu'est-ce que tu peux dire aux chrétiennes, femmes chrétiennes qui font la même chose avec hommes milieu chrétien aujourd'hui? C'est la séduction toujours. C'est la séduction. Le talent, c'est la séduction. Parce que quand tu mets le talon, tu changes de démarche. Tu es comme la sirène parce que tu n'as plus envie de trémousses. Et surtout quand tu es en face des hommes, tu trémousses. Davantage. Davantage pour être attiré. C'est terrible. Pour être attiré. Et tu vois comment l'homme quitte sa femme pour te suivre. Moi, j'ai fait dormir les hommes mariés de jour et je joue dehors. C'est moi qui commandais. Et là, tu es content. Très content, je ne suis pas donné comment. J'ai la joie. Et dans ce match-là, ça ne te pensait pas, tu ne pensais pas fonder toi le propre foyer ou bien. J'ai pensé. Mais dans les pleurs, mais parfois même, je pose la question au monsieur, un moment, ça m'a tué, j'ai dit, mais pourquoi tu laisses ta femme? Il dit, mais. Alors, c'est toi qui l'as fait sortir. Oui, ma femme a tout, mais je t'impose de te monter, où tu dors. Waouh. Il le fait. L'homme était devenu comme un baguette qu'on peut mettre. Il le fait. Il dit, si je ne vais pas, que moi, on se sépare. Et là, il court derrière. Non, il court seulement derrière moi. Il fait le boulot, il m'appelle seulement. Qu'est-ce que tu faisais que sa femme ne parvient pas à faire? Pourtant, c'est une femme, vous êtes des femmes. C'est quoi le problème? Mais il y a beaucoup de choses que les prostituées font. Hein? Il y a beaucoup de vices. Oh Seigneur. Il y a beaucoup de vices. Parce que les hommes, quand tu vas avec les hommes, ils veulent que tu fasses seulement le service. Vous ne partez pas dans les rapports sexuels. Parce que les prostituées marchent avec les strings. Les prostituées marchent avec les sous-vêtements. Les sous-vêtements pour faire le striptease. Moi, je suis tombé sur des hommes comme ça dans la chambre d'hôtel. Ils disent non, je fais juste. Pas quand tu sors, tu es préparé à tout. Oui. Tu peux tomber. Seulement de faire tel autre chose. Oui. Tu es seulement là. Lui, tu es couché. Lui, laisse-moi là. Il est couché. Tu dis, il est content. Il est seulement là. Il est content. Il dit, oh Seigneur Jésus. Il dit, Seigneur. Ceux qui ne savent pas, moi je suis passé par là. Viens même. Donc j'ai fait ces choses à fond. À fond. À fond même. Je suis sorti avec les sodomaso. Les hommes. Les quoi? Les sodo. Sodo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Oui, non, pas la sodomie. Les sodo, les hommes qui marchent avec les bâtons dans le. C'est les francs-maçons. Attends, toujours au Cameroun. Toujours au Cameroun. Ah, ils sont aussi là-bas. Ils sont pleins. Ils sont pleins. Oui, c'est les francs-maçons. C'est vrai, Nicole, là, ils ne vont pas à toi avec le corps, mais avec les bâtons. Avec et qu'est-ce que tu fais? Ils ont une mallette spécialement. Oui. C'est dans le sac. Oui. La chicole est dans le sac. Quand vous avez tout la chicote. Oui, c'est une chicote. Vous appelez ça en fait, il faut expliquer. Les sodomaso, ce sont des gens qui vont à une route. C'est les mazos. C'est des gens qui sont. Il y a beaucoup sont malades avec la brutalité, voilà. Que c'est brutal. Que c'est brutal, c'est quand c'est brutal là que ça n'est plus. Mais là, ça, c'est que c'est non, le satanisme. Ça, non, ça, c'est le satanisme. C'est que ça, c'est le satanisme. Ça, c'est le satanisme. Ça, c'est le satanisme. Explique-nous, ma soeur. C'est moi, et maintenant, quand on va maintenant, ça, c'est mon histoire. Personne n'a c'est mes. Oui, vous ne mêlez pas où elle est. Maintenant, quand on va dans la chambre de tête, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il a sa mallette. Non, il a sa mallette. Oui. Parce que c'est pas normal. Mm-hmm. Les gens, quand je suis entré, le Seigneur, le Seigneur m'a visité, il a commencé à comprendre que c'est pas normal. Oui. Parce que nous faisons des choses, nous n'avons pas la connaissance. Oui. Hein? Donc, quand on entre dans la chambre, il sort cette mallette. Il ouvre la mallette. Il te donne la chicotte. À toi. C'est toi qui tapes. Tapez qui? Le monsieur. Je tape lui, c'est lui. Mais elle. Ah non, mais explique ton problème. Explique. Mon frère, sors de loin. Hein? Oui, non. Quand on entend parler de Jésus, là, c'est pas parce que je veux parler. Hein? Je crois qu'il faut qu'il te serve l'eau là. Ne je sors, je sors de loin, frère. Non, mais, ma vie là. Oui, pour servir, frère. Oui, pardon. Je sors de trop loin. Le Seigneur m'a levé, mon papa m'a levé de trop loin. C'est mon amoureux. Amen. Mon âge, je l'appelle amoureux. Les hommes là, je ne veux plus. Ouais. Je ne veux plus les hommes. Oui. Bois, bon, ma soeur. Là. Mince. On te donne la chicotte. Attends, avant d'avancer, à l'issue de ça, il m'a été payé. Mais non, mais je suis là pour faire, je suis censé, mon frère. Ok, exprime-nous. La position est là, pourquoi elle est là pour s'engager? Tu n'as pas son nom dans la bagarre. Elle te livre au cas. Il y a les bagarres. Il y a ceux aussi qui me tapaient. Oui. D'autres même qui volent ton argent. Après, on va finir avec toi. Bah, raconte ton histoire. Non, madame, maintenant, le pseudo, quand vous êtes dans la chambre, il ouvre sa mallette. Oui. Il ouvre sa mallette, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne la chicotte. Oui. Ça, attends, pardon, c'est un Camerounais ou c'est un seul de blanc au Cameroun? J'ai dit, hein? Oui. Des blancs, oh, j'ai sorti. Les, mais vous voulez dire, c'est pratique, c'est particulièrement là, oui, au Cameroun. Même les Camerounais parmi. Oui, les Camerounais dedans, les blancs parmi. Oui. Oui, oui, avançons. Il te donne la chicotte. Parce que tu le prends comme ton bon payeur. On les a surnommés bon payeur. Mougou. Donc quand ton mougou vient, il t'appelle, il te dit, raconte-moi là. Dans le milieu, parce que vous avez un milieu, un hôtel propice. Oui. Il est arrivé, tu te sors la chicotte, comme tu sais, là, c'est ce que tu dois faire. Oui. Dans la chicotte, il est nu, tu tapes, tu le tapes, il crie, waouh, comme un bœuf. On a dit, crie, on entend la voix au carrefour. Vous croyez que c'est quoi, c'est le satanisme? Parce que c'est, tu ne sais pas ce qui te transmet. Oui, c'est ça. Tu ne sais pas ce qui te transmet. Il a tout écrit, il crie quoi? Et la chicotte qu'il a, c'est une chicotte appropriée. Appropriée rien que pour ça. Oui. Et quand il finit, il met dans la mallette. Oui. Il te remercie, tu donnes la qu'est-ce que tu fais si c'est la chicotte dans la mallette? Dans la mallette. Mais ça, tu n'as pas la conscience là. Oui. Hein? Oui. Que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Oui. Mais par moments, je pleurais. Je pleurais à Dieu. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Et dans une séance de chicotage, on a pu donner combien comme argent en termes d'argent? Quand il te chicote, attends. Non, quand toi, tu le chicotes, il te donne par exemple combien? Attends, quand tu le chicotes là, oui. Il y a deux, tu peux te donner les 50 000, les 100 000. environ, oui. montant, ça dépend de celui que tu tombes. Oui. Oui. Parce que quand il devient maintenant, vous devenez habituel. Oui. Maintenant, quand tu viens maintenant là, oui. tu sais hein, ce que tu dois faire. Oui. Tu es dans ton argent, tranquillement. Et quand. Quand c'est lui maintenant qui chicote. Non, il ne me chicote pas. Mmh. Ok. Quand on finit là, je porte mes habits. Mmh. Non, moi je ne porte même pas mes habits. Moi, je n'ai pas besoin de me déshabiller. Tu portes ça comme ça? Oui. Moi, je n'ai pas besoin de me déshabiller. Lui, mmh. c'est déshabillé. Comprends bien, oui. c'est le satanisme. C'est le satanisme. Quand il finit encore, il met dans la mallette. Encore ça, je peux plus me dire. On se dit au revoir. Ça, c'est les grandes personnalités du pays. C'est les grandes personnalités du pays. Moi, j'aime sortir avec le fils de Faucho Vistor, Eric. Tous là font ça. Lui, il y a son fils qui appelle Eric. Oui, ça fait Eric. Oui. J'ai sorti avec tous ces gens-là. Quand tu entres chez eux, mais c'est, tu sens que ça, c'est un autre monde. C'est notre monde. Mais qui m'a enlevé de ça? Jésus-Christ. Qui m'a sorti de ce monde-là? Hein? Je suis ici et Jésus-là. Ce n'est pas parce que je ne sais pas Jésus, ce n'est pas parce que je veux parler de lui. Mmh. Parce qu'il a mis son amour dans ma vie. Amen. Hein? Parfois, les hommes m'embarquent comme ça. Ils m'amènent au parc de Bonandiola. Ils m'amènent avec les armes pour me tuer. Pourquoi? Hein? Pour rien. Des grands braqueurs. Tu tombes sur quelqu'un. Tu sais qu'il est braqueur. Tu sais qu'est-ce qu'il est là pour tuer les filles? Mais qu'est-ce qui a empêché ça dans ma vie? Mais Jésus me rappelle que c'est moi. Depuis le sein de ta mère, on t'avait vendu esclave. Mais c'est moi qui a permis ça dans ta vie. C'est moi, j'ai vu des choses terribles dans ma vie. Dans mon enfance, ma vie n'avait pas de paix. J'étais différent par rapport à tous mes enfants de ma maman. Et pourtant, je suis l'aîné. Ma mère pleurait tous les jours. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On ne savait pas dans la famille, c'est qui est on ne savait pas que tu faisais. On ne savait pas que j'ai fait. On savait que je sors. Oui, mais on ne sait pas. Tu as ramené oui. l'argent, on te voit, tu as oui. une vie de grosse taille. Je vole même. Il y a des gens que j'ai volé de l'argent. Comment ça, Marceau? Comment tu faisais? À l'hôtel. Moi, j'avais les comprimés pour faire dormir les gens, pour les droguer. Explique-nous. Tu vois qu'au fur et à mesure qu'elle pose la question, des choses, une fois qu'elles sont sorties. Tu faisais comment, par exemple? Il y a les comprimés, on vend ça en pharmacie, on ne vend pas ça comment? Oui. Comme ça, les petits comprimés, tu écrases ça. Oui. Elle devient poudre. Oui. Quand il est en train de boire, tu sens qu'il a l'argent. Oui. Il faut le saouler. Après, quand il t'amène, tu lui il dort. Il dort, je prends mon argent, je sors. Moi, j'ai fait partout les babousins partout là, j'ai volé les hommes partout là-bas. Pardon? Mais il y a les filles qui sont décédées dans ça. Ils sont morts comme ça. Ils sont morts dans ça. Mmh. Moi, j'ai vu les filles avec qui on a fait la prison, elles sont mortes. De maladie, de VIH et tout ça. Oui. Les filles qui ont vu les hommes les ont laissé les maladies, jeté les maladies, les sorts. Oui. Elles sont décédées. Mais qui suis-je? Il y a aussi les histoires des hommes qui ont des serpents, ainsi de suite, des totems. Tu en as rencontré aussi comme beaucoup. Ça. Beaucoup. Donc, il y a les hommes que, en tout cas, tu tombes sur un homme qui est là, qui fait ses fétiches. Mm-hmm. Mais il te dit, vous êtes dans la chambre. Mm-hmm. Voilà la maladie qui est posée. Oui. Vous amusez avec le monde spirituel. Parce que parfois, quand je parle souvent, les gens parlent que c'est ma vie que j'ai menée. Mm-hmm. Et quand tu parles de ta vie, tu es convaincu de ce que tu dis. Parce que je sais ce que tu l'as vécu. Oui. Mm-hmm. Tu entres dans la chambre d'hôtel, l'homme te teste, il ouvre sa mallette d'argent. Devant toi comme ça. Devant toi, c'est là. L'argent, tu vois l'argent te trouble. L'argent ne m'influence plus, frère. Les grands de notre pays, le Cameroun. Les grands du pays. Il te met là. Quand il t'amène, non, il fait exprès, il laisse sa mallette ouvrir. Il fait comme s'il est distrait. Non, il te laisse dans sa chambre, parce que la majorité te laisse dans la chambre d'hôtel. Parce qu'il y a des esprits qui surveillent. Et le mauvais esprit est dans l'argent. Oui. L'argent est travaillé. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il fait? Je vous assure, Dieu m'a beaucoup épargné. Donc, il met l'argent comme ça alors qu'il a traité ça. Cet argent est traité. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui se passe? Il fait sciemment, il sort, il dit que le reste de ma chérie, si tu as besoin de quelque chose, appelle au bar. Comment tout ce que tu veux m'appeler? Il te met en confiance. Oui. En confiance. Effectivement. Mm-hmm. Et quand ça se passe comme ça, tu es dans la chambre. Moi, une fois, c'est comme je suis tombé sur un monsieur, frère. Mmh. Je guette l'argent me guette. Je guette l'argent me guette, l'argent dit tout. Il y a les attirances. Je me lève, je tourne, je pars aux toilettes, je tourne, je tourne, je fais les gestes. Je dis, toi, dans tout ça, ma bouche, il y a Jésus. Mmh. Oh Dieu, Seigneur, si tu es vivant. Et en guettant l'argent. Mais mon argent, ça guette seulement. Monsieur se manquette. Mais ce qui te fait croire que c'est ta lettre avec quand le monsieur rentre. Oui. Il te parle tout. Mmh. Il te regarde, il dit, mais tu t'es pas servi de cet argent. Pour dire, pour dire que tu n'es pas tombé dans le piège. Mmh. Jésus, mais c'est sérieux, comment tu ne vas pas donner l'argent à celui-là? Frère, l'argent est diabolique. Diabolique. N'importe qui ne peut pas avoir l'argent comme ça. Mmh. Et rester. Même si tu es en Christ, tu seras attiré. Oui. Parce que si tu n'es pas vraiment, ce n'est pas le Saint-Esprit qui peut te guider là. Oui. Tu vas tomber. Oui. Ce n'est pas le petit argent. Hein. Quand on dit mallette, parce qu'il y a mallette et mallette d'argent. Mmh. Parce que je connais la différence des mallettes d'argent. Mmh. Parce que j'ai fréquenté ces hommes-là. Mmh. Il y a les malades que moi-même je forçais, je compose, moi-même je me lève la nuit comme ça, tu dors, je peine, je réfléchis, je cherche le code, pendant le temps que tu tapes le code, je guette. Mm-hmm. Ah oui? Pendant qu'il fait son code, tu sais. Oui, je guette. Avec tes yeux pour arrêter le code dans la table. Oui. Pendant qu'il dort maintenant. Il dort, je prends la main, je sors, je prends la. Je ferme parfois, quand je sors, je ferme pas la porte bien. Parfois, je pars avec les clés. Et toi, tu jettes la clé. Parce que je suis là, je ne fais pas comme attrape. Mm-hmm. Parce que si il sort la fois de la lettre. Oui, je disparais. Et quand je vole comme ça, il peut me faire deux semaines sans sortir. Tu es à la maison. Je cherche lui, je suis là. Tu me caches. Mais il y a beaucoup de filles qui sont mortes dans ça. On les envoie, oui, les hommes, les tuer. Oui, parce qu'il y a les hommes, quand les autres personnels ils envoient la police, maintenant il y a le RAF, il y a RAF maintenant dans toute la vie. Mm-hmm. Mais on comprend, on, là, quand il y a le RAF, on croit que c'est parce que... Non, il vient dans les hôtels, hein. Oui. Il vient que, il dit que non, j'ai dormi avec telle fille comme ça, comme ça. Les filles, tu lui, on la connaît. Oui. Est-ce que vous remarquez, vous connaissez? Oui. On dit, lui, on la connaît, oui, la costole, fille, basta, là, oui, c'est comme ça. Mais fait deux mois, étapes, bien silencieusement, deux semaines. Tu ne mets plus les pieds dans les trucs. Oui, bien celle que je connais, j'appelle, c'est comment? Comment c'est grave. Moi, je sais que j'ai volé. Et pour voler ces hommes-là, mm-hmm. Non, c'est pas comme ça. Ah oui, c'est pas comme ça. Ou bien tu le fais sous le whisky. Et tout cet argent, quand tu le voles, que fais-tu avec cela? C'est là, alors, voilà dans la véritable qui est son frère. Mm-hmm. C'est l'argent mal, c'est l'argent puissant. Tu ne peux jamais progresser. Tu ne peux jamais progresser dans ça. Mm-hmm. Tu es quand on te donne l'argent, tu es dans le matin. Mm-hmm. Tu as la joie. De voir l'argent comme ça. Tu, quand tu rentres, tu comptes. Maman, de toute façon, tu as quelqu'un comme ça ici. Le jour que tu n'as pas de client, tu te fâches. De toute façon, on les appelle les clients. Mm-hmm. Le jour que tu n'as pas les clients, tu te fâches. Mm-hmm. Hein? Quand tu vas 4, 5 heures, tu n'as pas un client. Mm-hmm. Mais maman, il faut créer le client. Non, il faut créer. Non, vraiment, où tu es assis là. Oui. Tu vois le jour arriver. Non, non, non, non, non. Il faut créer les amis. Non, en même temps, là, il faut dans, le cas, dans ce cas, quelle est la stratégie, par exemple, que vous adoptiez? Quand on adopte, tu vois, elle est très en colère. Oui. Elle ne rit plus. Oui. Tu passes même, tu la petite, la bagarre. Et dans ce circonstance, comment tu fais non pour avoir les clients? C'est-à-dire que les clients sont... Ce qu'elle fait maintenant, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Je suis un grand partout, partout, parce que c'est là où les voix les nuits sont en train de 5h, 6h, là, parce qu'elle voit les nuits qui fait à midi. Oui. Mmh? Mmh. Parce que tellement le week-end. On ne sera même pas qu'on me dit. Mm-hmm. Ça te surprend. Mm-hmm. Hein? Tu comprends que c'est le diable. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Tu as dit, mais si on est partout, partout, comment? Tu vois, quand tu vois là, quand tu es rentré, non, machin, machin, tu vois un qui tombe comme ça. Hein? Sa façon de parler là, tu sens qu'il est sous. Mm-hmm. Non, tu le récupères, tu tiens la main. Que quoi, tu viens t'aider, chérie. Tu dis, oh, mon bébé, il n'y a pas Dieu comme toi, mais tu es le plus beau. La prostituée, elle est parole, hein? Elle est parole, hein? Mais pour séduire l'homme ici, elle ne rit pas. Je te dis que tu es inspiré par le démon. Mmh. Donc, quand tu donnes la parole adéquate au moment adéquat. Adéquate. Mmh. Ce n'est pas de gauche à droite. Quand tu vois le soulan entre, tu sais que celui-ci, là, en bas, je mets là l'argent. Mmh. Tu sais. Tu sais. Mmh. Tu n'as, parce que oh, là, le mot, celui qui est très beau là, on réfléchit trop. Mmh. Mais celui qui entre là, on le guette bien, on dit je te guette, on dit il se cache. Non, il parle bien, tu dis qu'ils sont sur un angle là. Mmh. C'est l'angle là que tu pars entrer. Mmh. Tu le tiens là. Tu le saisis là. Non, une autre fille ne peut pas entrer. Mmh. Jamais, parce que c'est un cercle. Quand tu as récupéré ton œuf, ton poule, ton corps, tu protèges. Et la prostitution, c'est ça. Hein. Ce n'est pas ce qu'on fait la prostitution. Et là, il y avait la guerre entre vous-même, les prostituées. Les prostituées. Les guerres des territoires. Oui, les guerres des territoires. Parce que quand tu as donné, voilà un gros poisson qui est entré, mais tout le monde regarde le gros poisson. Ou bien voilà un blanc qui a beaucoup d'argent. Mais pourquoi t'as-tu appris ce blanc-là? Hein? La jalousie aussi. Non, c'est grave. Donc tu es là, toi-même, là, tes yeux brillent. Tes yeux, tu es pressé pour battre. Waouh. Mais c'est terrible. Hein? Donc c'est pour ça que je vais dire, quand on parle de prostitution, peut-être les gens, parce qu'ils n'ont pas passé, sont pas passés par cette vie-là. La prostitution, c'est un autre monde. C'est diabolique. Il y a une question, il y a un endroit où on a avancé jusqu'à laisser avant de virer. Parce que c'est tellement, tu ne peux pas dire de façon chronologique, ça va sortir au fur et à mesure. Il y a même des choses, même que au fur et à mesure, tu vas comprendre. Mais je vais poser la question. Les personnalités du Cameroun savent que la prostitution est prohibée par la constitution, par le code du Cameroun. Le Cameroun condamne la prostitution. Et ce sont ceux-là qui votent les lois. Non, ça c'est faux. Oui. Parce que chaque fois, ils ont décrété. Oui. Même nous, parce qu'il y a le décret, on était au courant. Oui, oui, que les filles n'ont plus porté des mini-jupes. Oui. On était au courant parce qu'on avait affaire aux policiers, les gendarmes et les militaires. Oui. Ils nous donnent les informations. Oui. Parce que la prostituée, elle est informée. Elle est toujours avec les commandants, tout ça. Oui. Et ils nous informent. Oui. Et ils peuvent serrer comme ils disent, hey, oula, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous donc, oui, tout ce mois, ce n'est porté pas les mini-jupes. Ils sortent les décrets, nous sommes bien. Mais c'est les mêmes gens qui viennent encore en renfort, derrière, chercher les prostituées. Je ne comprends pas. Ça dit que les gens qui travaillent dans la loi, oui, dans la justice, oui, au niveau des militaires et autres, les ministres, oui, savent que c'est la loi dit telle chose. Oui, c'est la loi dit telle chose. Et c'est eux qui votent. Mais c'est le premier ministre, c'est lui-même là même qui vient chercher encore les femmes. Parce que comment ils font? Oui. On ne les reconnaît pas comme ça. Ils ne prennent pas les voitures. Oui. Ils envoient, explique-nous. Ils envoient les gars du corps. Oui. Ok. Même les filles, tu vois les filles qui se passent en bordure de route là. Oui. Mais c'est là aussi ils sortent beaucoup avec les autres personnalités. Hein. Wow. Oui. Parce que lui-même ne se présente pas. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir un problème avec une prostituée. Ils vont en prison. Non, tu vas rester là-bas. On te laisse. Non, tu vas rester. Un coup de fils, c'est moi, tu t'as en prison. Non, c'est comme j'avais fait avec le père de mon enfant. Soit disant le père de mon enfant, parce que Dieu l'a. J'ai invité. Soit disant le père de mon enfant, il me disait c'était le père de mon enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été traîné en justice. Hein. Qu'est-ce qui s'était passé? Parce que moi-même, je savais que j'avais mes côtes. Oui. Je l'ai amené chez le commandant de brigade à Bonanjo. Oui. On l'a secoué. On l'a secoué. Il y a prostitution et prostitution. Hein. Il y a les prostitutions que tu ne peux pas toucher, maman. Tu ne peux pas les toucher. Hein. Parce que toutes ces autres personnalités, elle a en relation avec eux. Ce n'est pas parce qu'elles sont avec eux. Qu'est-ce que les personnalités, là, dans la sphère, là, cherchent chez les prostituées ou juste? Elles viennent chercher quelque chose qui est là, que tu as. Pour augmenter les grades. Les grades. Donc ils savent que les prostituées ont des dépôts. Oui, ils ont les dépôts. Dans le monde spirituel. Pour la puissance, oui. Pour la puissance. C'est comme ça. Les autres personnalités ne cherchent pas les filles, ils cherchent beaucoup les filles. Ils ne cherchent pas tout simplement pour les prostituées. Oui. À cause de l'énergie. Spirituelle. À cause de l'énergie. Par exemple, quelqu'un qui vient comme ça, mais tu te poses même la question, qu'est-ce qu'il amène dehors? Est-ce qu'il n'a pas une femme? Voilà, pourtant d'autres ont de belles femmes. Les belles femmes, mais elle va te dire que ma femme, ça ne vaut pas la peine. Vous êtes couché sur le lit et dit ça. Tu dis que non, moi je préfère aller avec prostituer les filles comme vous, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous connaissez. Les hommes qu'on respecte, qui ont des enfants, qui fréquentent, qui ont des enfants, qui travaillent. Mais... Oui, il va te dire ça. Tu as les qualités que ma femme n'a pas. Alors qu'il a de vouloir te sucer. Il a de te sucer, mais dans ses paroles, tu te dis que... Ah oui, il te flatte, il t'aime. Alors qu'eux ils savent que ce sont des satanistes. C'est toi les satanistes. Ils savent ce que vous avez. Ils savent ce que nous avons, les prostituées. Oh. Wow. Donc c'est comme et ça. Et ce sont eux qui dirigent dans le pays. Ce sont eux qui dirigent. Parce qu'ils font tout ça dans la nuit. Et le jour, on les voit à la télévision. On les voit à la télévision. Et là, mais là, je pose une question. Quand vous voyez donc ces gens à la télévision en train de dire des beaux discours et en sachant que vous avez fait telle chose dans les ténèbres, quel est votre sentiment en voyant toutes ces choses-là? Mais quand tu es dans le monde là-bas, c'est un problème. Après la nuit, tu vas le voir ici, il va me chercher ici. Il n'a pas besoin de m'appeler. Mais c'est ce qu'on s'est dit. Ou bien tu appelles et tu dis, ah, tu as vu l'autre là à la télévision tout à l'heure là, non? Regarde-moi, c'est lui, parle-lui. C'est un menteur. Après la nuit, il va venir chercher ici. Les politiciens aussi. Les politiciens. Mais ils sont pleins là. Les codocs, tout ça. Je me suis assis avec eux. Tous. Parce qu'à Yaoundé, ils ont un hôtel spécifique pour ça. Hôtel, comment on appelle l'hôtel là? Député. Pas le député, à Yaoundé. Non, c'est pas Itaou. C'est pas Itaou. Mon fils est dans un hôtel. Donc c'est dans un hôtel, ils faisaient ça. Ils ont construit un hôtel. Le Diega Palace. Le Diega. Oui, c'est le Diega. Donc c'est là-bas que maintenant tout s'est réunissé. Le Diega, même souvent, tu peux être là jusqu'à. Jusqu'à 15h, tu sais pas qu'il est 15h. Tu ne sais pas. À l'intérieur. Oui. C'est quand tu sors, que tu te rends, que tu regardes ta montre comme ça là. Donc ils ont les heures qui se réunissent là-bas. Parce que mon frère est venu. Donc maintenant ils ont les heures 15h, 16h, tu les trouves tous là. Dieu n'a pas là, c'est construit nouvellement. Hein. Oui, oui, ça ne fait pas encore, ça ne fait pas encore. 15 ans. Ça fait pas 15 ans. Parce que j'ai laissé ça. Ça fait pas 15 ans. S'il faut que peut-être pas, parce que d'autres préfèrent souvent donner les rendez-vous la nuit et tout et tout. Mais il y a d'autres hommes aussi, quand tu tombes avec lui, il y a les hommes, ils préfèrent voir la femme le jour. Pourquoi? De façon exprès. Quand il te prend peut-être dans une boîte de nuit, il dit non. Rendez-vous le jour. Je veux bien te voir le jour. Il a peur des fantômes. Il dit parce qu'il y a beaucoup qui ont été affrontés par rapport. Parce que les filles qui font beaucoup les fonds d'éteint là. Les fonds d'éteint, les faux maquillages là. Et le matin, quand tu te réveilles, ce n'est pas la même femme. C'est ton grand visage. Oui, mon fils, tu connais. C'est une grand-mère. Donc, c'est comme si c'était ta grand-mère qui était couchée. Donc, tu te déchaînes. Oui. Tu dis, mais c'est quoi ça? Donc, ce n'est même plus les cheveux, c'est la perruque qu'elle avait sur la tête. Tu te rends compte que donc même perruque là, parce qu'il y a les policiers qui fabriquent les seins. Fabriquer le sein comment? Mettre les silicone ou bien? Pas le silicone. Mais les faux seins. Avant de sortir là, elles n'ont pas les seins non. Parce que ça que les blancs aiment les seins. Oui. Les hautes personnalités aiment les seins. Oui. Ils aiment les bassins et les fesses. Oui. Et les seins. Oui. Donc avant de sortir, c'est qu'elles n'ont pas les éponges. Oui. Elles arrangent bien les seins. D'autres quand ils arrivent, d'autres les tapent. Oui. On tape sur elles. Parce qu'on a découvert qu'elles ont les seins. On a découvert qu'elles n'ont pas les seins. Ça veut dire que les objets de travail. Il y a trop d'objets, frère. Il y a trop d'objets. Parfois, tu pars avec un homme, comme j'avais un monsieur qui sortait de la France, il est venu, lui c'était ça. Moi, c'est ce roman, même il y a de ces pervertis, vraiment des trucs, de ces désirs. Des perversions. Des perversions. Moi, il m'a mis le saucisson. Hein. Le saucisson. Il voit jamais le saucisson. Moi, j'ai fait les choses. Lui, on parle super machin, on achète le saucisson. Il savait ça qui fait. Oui. Et il est content. Moi, je suis content. Parce à cause de quoi? Le saucisson et l'argent. À cause de l'argent. Ma soeur, courage, tu viens vraiment de loin. Et les trucs là, les parties génitales de l'homme artificiel. Oui. Oui. Qu'ils ont acheté. Oui, artificiel là, oui. Il utilisait ça. Comment le saucisson qu'on mange là? Oui. Ça parle dans la partie génitale. Après ça, quand il finit de faire ça, il fait quoi de saucisson? Hein? Après, il fait quoi de ça? Le saucisson. Oui. Quand on fait là, on mange là. Avec le champagne, là, on va sur le champagne, man. Parfois l'autre il dort, on te verse sur le champagne, à mon champagne. Là j'ai fait des choses. Il verse le champagne, j'ai dit la champagne. Mais quand nous sommes couchés, à moi champagne. Bon, attends, je pose une question dans une autre main avant qu'on continue. Quand tu dormais, oui. N'avais-tu pas des cauchemars, des esprits qui te poursuivaient? Frère, moi j'avais même mal de nuit. Oui. J'avais mal de nuit. Et tu étais conscient de sa présence? Très conscient de sa présence. Raconte-nous ce domaine-là. Parce que c'est ici, chaque prostituée a ces choses aussi. J'avais mal plutôt le serpent. Qui venait vraiment avec l'âge. Oui. Il ne me fallait pas me voir avec elle. Si je fréquente un homme constamment, ça ne va pas. Il veut que tu ne sais pas. Oui, parfois il vient même avec le frère de Ferdinand là. Mmh. Il venait comme ça, même dans la journée, je sens la présence. Il vient, regarde dans la nuit, on est couché comme ça, comme ça, il vient au milieu. Je lui sens sa présence. Mais lui, il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas. Moi, je seulement sais que c'est lui ça. C'est chaud. Il me faisait la rapport, c'est que. Et là, tu ne disais ça à personne. Je parlais, non. Donc, j'étais en fait, le mari de lui m'a traumatisé. Tu étais enchaîné, tu ne pouvais pas. Je pouvais, quand même, frère, tu vas parler même si tu parlais même là. Ça ne change rien. Tu es toujours là. Frère. Qui délivre l'homme si ce n'est pas Jésus? Hein? J'étais là, je vivais ces choses-là, j'ai pleuré matin, midi, soir, mais il y avait quelque chose, ça n'allait pas au-delà. Et quand avec lui, quand tu partais avec la prostitution, quelle était la réaction? Ça veut dire qu'il aimait que tu fais. Moi, j'avais les désirs, je n'aimais pas quand l'homme me pénètre. Oui. J'aimais quand c'est la femme. Attends, dans la prostitution, quand tu partais là, ce n'était pas pour le désir. Non, c'était pas pour le désir, c'était pour le désir. Oui, je suis faible, je suis pressé. Oui. Et là maintenant, c'est là où nous trouvons, là où on avait mis pause. Oui. Parce qu'il avait posé la question, comment es-tu arrivé à sortir avec les femmes? Oui. Expliquons ce domaine normalement. Un soir, j'étais comme ça, j'étais en train de consommer. Mmh. Il y a la fille, je la connaissais très bien. Mmh. Tu étais déjà dans la prostitution? Non, j'étais dans la prostitution. Mmh. C'est maintenant la fille, elle venait, elle me dit, il y a un monsieur là-bas. Ce monsieur donne beaucoup d'argent. Oui. On peut aller ensemble parce que le monsieur aime deux femmes. Mmh. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est la première fois. Non, mais quand j'étais petit, j'avais les touchés. Oui. Justement, quand il parle ça, parce qu'il veut se regarder, on veut chaque fois chercher parce la que source. Ça, je devais oublier ça. Oui. Quand j'étais petite, je faisais peut-être la classe de 6e, c'est bien. Elle s'appelle Pili, ça va, elle est pas ça. Donc c'était dans une confusion, on habitait avec maman, on avait le voisin là. On avait les touchés sexuels. Permets-moi de parler avant de continuer ce domaine. Mm-hmm. Le pourquoi il pose cette question, c'est parce que toutes les prostituées que j'ai rencontrées, ou bien ceux qui font dans le lesbianisme, je fais tout parce que Dieu m'a enseigné dans ce domaine-ci là. C'est que si quelqu'un se trouve dans le lesbianisme comme homosexuel, il y a toujours un point de départ. Oui. C'est à partir de là où déclenche la chose. Donc, là, et à 100%, sans exception, les femmes qui sont dans le lesbianisme ont eu dès le départ des attouchements, soit des choses, des attouchements de leur tante ou de quelqu'un, d'une fille qui les a initiés. En fait, l'enfant peut être comme ça, comme cette petite fille ici. Mmh. Ils font des attouchements. Après, grandit, elle l'ouvre, elle pense que c'est oublié. Ces accouchements sur un pot ont fait entrer des esprits dans la vie de l'enfant, que tôt ou tard, ça va se manifester. Amen. Continue, ma soeur. Et c'est comme ça, cette fille, on était comment? Quand il n'y a personne dans la maison, quand ma mère sort, tellement ma mère était sévère. Là, c'est quel âge? Là, j'avais peut-être 16 ans, 17 ans. 16 ans, c'est pas encore les hommes. Tu ne connaissais pas l'homme? Oui. Je ne sortais pas les hommes. Et elle avait combien? Quel âge? Elle était mariée. Elle avait presque la même génération. Oui, mais apparemment, elle était mue déjà dans la chose des. Non, il voulait dire qu'elle était bien mature dans son pensée, quoi. Oui, oui. Mm-hmm. Parce que chaque fois qu'on se retrouvait celle dans notre chambre d'enfant, elle venait, on se faisait l'attouchement, elle monte sur moi comme un homme. Comme un homme. C'est comme ça qu'elle était d'aller. C'était naturel, on ne vous causait pas. C'était naturel. Dès qu'on voit un peu un petit espace là. Parce que maman, en fait, tellement maman était sévère. Dès qu'on voit que mes petits sorciers sont dans la couette, sont en train de jouer, nous aussi, celui-là, on s'inquiète, on fait rapidement le pas. Elle a aussi fait comme ça. Dès qu'on entend le bruit, pif. C'est comme s'il y avait. Revenons, c'est comme ça aussi. Revenons donc dans la soirée là donc, où le monsieur veut deux femmes. Pour partir. Donc, et ça, c'est la première fois, la première réaction. La première réaction. Et j'étais, quand je me retrouvais, ça, je me masturbais. Oui. Qu'est-ce qui veut dire? Beaucoup de mauvaises pensées. Sans connaître les hommes. Sans connaître l'homme. Sans avoir connu. Oui, sans connaître l'homme. Oui. J'en m'enferme dans la chambre, je me masturbe. Et là, tu es à l'aise. Je suis à l'aise. Je ferme les yeux. Si tu sais dans la chambre, je ne connais pas l'homme. Mais je me masturbe. J'avais ce désir de masturbation, ça. Oui. Sans avoir le désir d'avoir un homme. D'avoir le désir d'un homme. Je n'avais pas ce désir. Je n'avais pas ce désir. Et donc, là, en soirée, donc, comment ça s'est passé dans votre soirée? C'est comme ça que quand nous sommes partis maintenant, on est parti à l'hôtel avec le monsieur. En fait, quand nous sommes entrés dans la chambre, parce que quand on partait comme ça, lui il est là. Il s'assoit. Il vous observe. Donc, il dit, vous faites l'amour à vous deux et Dieu, je vous paye. Je vous paye. Le grand sataniste. Oui, ça c'est le satanisme. Ça, c'est le satanisme. Il s'assoit, il est bien assis. Il est bien assis. Oui. Il vous regarde, il vous observe. Vous savez qu'il vous regarde avec les yeux, quoi. Vous ne savez pas qui est là. Peut-être les yeux, pas, vous n'avez pas payé ses lumières. Peut-être les yeux, là. Mais nous deux, vous commencez, vous savez. Avec celle qui est venue t'appeler. Celle qui est venue m'appeler. On s'est déshabillé normalement comme deux femmes. Sinon, j'avais eu vraiment un rapport, mes premiers rapports avec la femme. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on a commencé dans maintenant. Elle suit dans la chambre. Dans, c'est comme ça. Elle me suce, moi aussi, je la suce, elle me suce. En fait, je ne sais pas ce qui m'était arrivé le jour-là. Moi. Celui-là qui fait ça, c'est un Camerounais aussi. Il dit le monsieur qui vous amène pour la première fois. C'est un Camerounais. Une autre personnalité. Une autre personnalité. C'est la fille qui connaissait le monsieur. La fille qui connaissait ce monsieur. Oui, c'est la fille qui connaissait. Parce que constamment, elle appelait le monsieur l'appelait pour aller. Fait la même chose, elle choisit une autre fille. Et maintenant, elle est venue le jour là tomber sur moi. Tomber sur toi. Je suis parti avec elle. Et c'est comme ça, donc maintenant, elle et moi, on a commencé. Et ce qui m'avait dit que c'est quoi? Moi, j'avais fait à la. En fait, j'avais. Elle fait l'achat de la fille. Mais quand la fille. Attends, non. Elle, la fille, m'avait fait plus l'achat. Tu vois un peu, non? Mais quand moi je vais lui faire, elle me refusait. Oui. Cela, ça m'a tiqué un peu. Sincèrement, je vous dis la vérité. Ça m'a tiqué un peu. Quand on a fini ça, je me suis dit, mais Qu'est-ce qui se passe même? C'est comme si la fille a la connivence avec le monsieur. Le monsieur, si. Et ce soir, pratiquement, tu as eu combien comme paye pour cet acte-là? Entre moi la fille, parce que c'est parce que quand tu cherches l'homme, c'est donc elle vient payer. C'est elle, on donne l'argent à la fille. Oui. Et donne ma part. Oui. Donc on paye, c'est chez elle. Non, parce que c'est moi qui cherche. Mais là, on me paye. Et tu peux la payer. Non, mais quand on parle, non, c'est fixé de vie. Oui. Il n'y a pas que tu me tu vas prendre un centime, mon frère. Quand on parle, on s'entend. Oui. Le monsieur a donné d'habitude combien? Et quand on est en face du monsieur, monsieur, tu payes combien? Il dit. Et ça ne donne pas, on ne sait pas. Et là, cette soirée, tu as pris combien? Je ne me rappelle même plus bien. Sincèrement, je ne peux pas mentir. Ça fait longtemps. Ok. Maintenant, continuons. Et c'est le premier acte de lesbianisme là-bas. Et là maintenant, est-ce qu'il y a aussi des gars, parce que tout à l'heure nous touchons les hommes du pays. Est-ce qu'il y a donc des grandes femmes du pays qui sont des lesbiennes et que tu as rencontrées? Raconte-nous, ma soeur. Je suis tombé sur une autre femme, des femmes même haute personnalité qui me suivaient pour sortir avec moi. Quand je sors en ville comme ça, elles me suivent avec les voitures. Les femmes mariées aussi. J'avais l'esprit de séduction qui était poussé. C'était très fort, j'étais attiré par les femmes. Tellement attiré par les femmes, par les petites femmes. Pas les filles du quartier. Non. Je sors peut-être comme ça pour aller faire des courses en ville. Peut-être je vais seulement comme ça. La femme me suit, elle me suit. Tu es très belle. Ah, qu'est-ce que tu mets comme produit? Oh, je vais avoir le teint comme toi. Pourtant, c'est la séduction. C'est la séduction. Elle va aller avec toi. Je suis sorti avec une. Son mari avait l'argent, elle me avait l'argent. Nous sommes partis comme ça à l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe? On est couché là. On est là, son mari est là. Attends, son mari est présent devant vous. Oui. Mais est-ce qu'elles sont mariées? Vous êtes dehors, frère. Attends, explique-nous. Vous êtes dehors. C'est-à-dire qu'elles sont mariées, ils sont dans une maison. Ils sont dans une maison. Non, ils sont à l'hôtel. Non, je voulais dire qu'ils sont mariés, ils vivent dans une maison. Ils sont mariés. Mariés. Ils sont mariés. Et elle vient te draguer. Elle vient me chercher là où je vais parce qu'elles connaissent. Oui. Elle t'amène à l'hôtel. Elle m'amène à l'hôtel. Et son mari aussi. Elle-même, avant de partir, elle ne t'amène pas comme ça. Oui. Elle te dit non, ma chérie, tu es très belle. J'ai besoin que maman, on fasse de la peau avec mon mari. Je dis c'est ton mari, elle me dit c'est ton mari. Mais toi, tu as besoin de ton argent, frère. Et toi, tu as besoin de quelque chose. Beaucoup font ça avec. Surtout les maris font ça beaucoup. Pas les célibataires. Elle fait comme ça, son mari est assis là. Oui, on va maintenant dans la voiture. Oui. Elle me dit vraiment mon mari. Mais c'est son mari. Vraiment, c'est son mari. Oui. Quand on va maintenant dans la chambre d'hôtel, parce qu'il faut qu'ils peinent. C'est un hôtel qu'ils ont habituellement d'aller. Parce que quand tu vois, tu sens que. Ils sont connus. Oui. Parce que c'est les accueillent bien, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand on va? Ils ont tout amené, les serviettes, les gels de douche. En tout cas, on fait le sagate. Son mari est là. Il est là, il ne participe pas. Ouais, après ça, il ne participe pas. Est-ce qu'elle a voulu? C'est terrible le monde. Il ne participe. Et est-ce qu'il est venu pour lui? Mais il vous laisse d'avoir le temps vous-même de jubler comme vous voulez jubler. Il vous regarde, il est content. Ça, ce sont les Camerounais. Ce sont les Camerounais. De la haute société. Et aussi les étrangers qui viennent aussi au pays, les Burkinabés. Tous ces pays-là, il y a d'autres comme tu tombes même sur quelqu'un que même son truc ne se lève pas. Et il vient dans la prostitution, fait quoi? Quand il vient là, il te dit que c'est sa femme qui l'attache. Donc vous êtes dans la chambre d'hôtel. Je dis que il y a quoi non? Son truc est mort. Il dit mais il y a quoi? Il dit ah, chaque fois qu'elle sort, déjà ça ne fonctionne pas. Là, chaque fois qu'elle sort, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Ma femme petite. Et à chaque fois qu'elle sort là, quand elle va en mission, parce qu'il y a beaucoup qui viennent en mission. Bon, je ne peux pas, je ne peux pas me lever. Donc, tu fais tout, rien ne se passe. Rien ne se passe, mais tu donnes l'argent. Y a-t-il donc des personnalités féminines du pays que tu connais, que tu as eu à traverser dans ton parcours? Et oui, il y a bien là. Il y a celle même qu'ils ont les clubs. Et le week-end, ils peuvent prendre les filles. Oui. Avec les maris, parce qu'ils sont dans les grands châteaux. Oui. Il y a toutes les piscines, tout ce mari-là. Ils peuvent te prendre une semaine en otage, même un mois en otage. On te paye ton salaire. Mamie, on a dit de faire quelque chose d'important ici. Tu fais même pas chanter au cantique là. Oui. Donc c'est comme ça, donc ils vous en allez. Dans les grands hôtels alors c'est pour les prostituées. Non, les gens déjà des nouvelles choses. Laissons ce qu'on raconte. Ça veut dire que même les gens, les réceptionnistes, les hôtels, si ça pouvait parler. Les réceptionnistes là, ils savent ce qui se passe. Parce qu'elles-mêmes, quand elles viennent comme ça, les messieurs, elles donnent l'argent. Oui. Elles ont les pouvoirs. Oui. Elles ont beaucoup de choses qu'on les donne. Tu peux même te donner l'argent, mais t'es là. Même les plats, tu vois le frère. Même les serviettes, tu vois. Donc, tous, dans la position, ça va. Mais c'est toi qui as les gros sacs. Oui. Les sacs, ça va pour rien. Les photos. Les photos. Les photos. Je si tu n'as pas d'argent, jamais le petit sac. Quand tu finis la diction, ils ont tellement de jolies serviettes blanches là. Des grands serviettes. Frère, tu plies. Oh, on a les positions et tout. Tu mets même plat là, fouchette, verre, tu mets dedans. Quand tu rentres chez elle, je te dis que vrai. Tu as acheté ça, elle a volé. Elle a volé. Bon, y avait-il des regrets dans tout ça? Beaucoup. J'ai marché avec beaucoup de lamentations, beaucoup de pleurs. Vraiment, même le frère peut vous témoigner. Je pleurais beaucoup. J'étais emprisonné à l'intérieur. Oui, que réellement, je dis, Seigneur, si tu existes, révèle-toi en moi. Je souffre tellement. J'ai une vie sans. J'ai une vie qui n'a pas de sens. Pourquoi parmi tous les enfants, maman, je suis comme ça? Mais pourtant, d'autres choses que tu as envie avec parce que tu as de l'argent, ce que tu veux. Mais on ne sait pas comment tu souffrais dedans. On ne savait pas comment je souffrais. Je dis, mais pourquoi je suis comme ça? Je suis l'aîné de maman. Pourquoi ici? Même mon cerveau, là, par moment, là, j'ai arrêté les études. Pourquoi? Parce que là, ça n'allait pas. Tout était spirituel dans ma vie. Et le jour où elle dit à maman que je n'ai pas pris les études tellement, elle s'est battue pour nous, on était cinq. C'est elle qui nous a élevés toute seule. Elle pleurait. Elle dit, même tu veux faire comme ma mère. Je dis, maman, ma tête là, ça ne va pas. Je ne comprends rien. On force même pour moi pour le travail, mon frère. Sans Jésus que ma vie a eu un sens. Amen. Je peux travailler, je peux faire quoi que ce soit. Amen. Non, ma mère, elle-même, par moment, elle se lève et se met un médecin. Moi, j'ai reçu les malédictions des maisons. Face à face comme ça. On t'a trotté. Lui, tu ne seras rien. Tu vas mourir quelque part comme une chienne. Ils font le pari avec ma mère. Que vous allez voir. Oui. Dès que je suis en entrant en 6e, la guerre mondiale a commencé avec la famille. Et pourtant, en 6e, là-même, je ne sais pas comment je suis parti en 6e, frère. 5e, là, on ne sait même pas comment. 4e, là, on ne sait même pas comment ça s'est passé, frère. Je suis allé truquer le temps jusqu'aujourd'hui. Le Saint-Dieu, je pose la question au Seigneur, mais comment ça s'est passé? Parce que tellement j'avais peur de cette femme, de ma maman. Donc je vois toute la peine qu'elle peinait. Parce que tous les années, elle peinait à 5 seulement. Cette femme s'est beaucoup battue pour nous. 5 seulement, on n'enviait pas. Mais tu ne te donnais pas à l'école. Oui, on n'enviait pas ce qu'il y avait, papa. 5 on n'enviait pas. Ça, c'est seulement chapeau. C'est une grâce. Et je ne cesserai de le dire, c'est une grâce. Parce que avant, donc chaque fois. On commence l'école avec tout. Pas le BIC. Il ne faut pas que tu dises que c'est le BIC qui a fait que monter les dents. Tu as tout tes fournitures jusque-là, l'école. Le rien, frère, c'est comme si mon cerveau, on avait mis la boue des gars. C'était spirituel. Rien ne donnait. Rien ne donnait. Et maman mettait toujours, mettait sur les dents, dans les établissements. D'abord, il y a la chicotte. Comme mon gars, on n'a pas chicoté. Pour qu'on te corrige bien. On te corrige, même pas ça va prendre tes tapes. On a convoqué aussi, elle me t'étape encore. Non, c'est ça. Et c'est cette peine que j'avais dit, mais Seigneur, pourquoi je souffre tant? Un matin, j'ai dit à ma mère que je vais plus à l'école. Ma mère, c'est là ma mère fait piquer une crise cardiaque. Et j'ai donné ma vie pour vous. Je n'ai pas de mari. Ma mère a refusé de se marier, à cause de nous. Elle dit, non, vous êtes mes maris, vous êtes tout pour moi. Maman, tu veux quoi? Je te mets dans la couture. Elle veut que je fasse quelque chose. J'ai dit, maman, je ne comprends rien. Et là, maintenant, ton corps t'a servi pour pouvoir. Oui! Tu as trouvé une place. C'est comme ça, tellement dans ça. Comme maman était aussi servie, elle m'a permis fui, j'ai fui, je suis à la Douala. Parce que maman était tellement. Elle était surtout mère pour elle, elle ne voulait pas nous laisser. En fait, c'est une femme, elle ne voulait pas nous les partager avec quelqu'un. Un jour, j'ai fait la fuite, c'est là ma prostitution a commencé. Je suis parti. Est-ce que tu as donc. Ça veut dire que la prostitution, parce que tu as fui, tu allais commencer à habiter avec de mauvaises compagnies. Je suis parti, quand tu pars de là, tu peux faire quoi? Et c'était le début comme ça. C'était le début de mon envol dans la prostitution. En résumé, tu as fait combien d'années dans la prostitution? C'est-à-dire que si on veut le temps que tu as passé à l'intérieur, à peu près combien? Parce que quand j'ai un frère, allons doucement. Il y a un autre étape, il y a encore une étape. Allons doucement. Parce que ça, c'est le pays. Oui. Pour le pays, là, c'est trop. Attends, tout ce qu'on dit là, c'est mon Cameroun. C'est trop, hein? Ma vie, là, c'est un livre. Attends. Donc, tout ce qu'on a parlé là, c'est mon pays. C'est mon pays, c'est le monde. C'était international. Chapitre. Tu n'as pas parlé, c'est international. Constitution internationale, oui, c'est ça. Oui. Allons-y dans le deuxième chapitre. Je suis arrivé à Cotonou. Déjà, pourquoi tu as quitté le Cameroun? C'était pour l'aventure, pour aller en Europe. Ok, pour faire ça maintenant là-bas en grand. Pour aller maintenant Moi, dans ma pensée d'époque, tellement je vois ma mère souffrir là, c'est pour aller trouver le bien être, pour construire le château à ma mère. Pour qu'elle vive bien dans le bien de sa vie. Dans le truc, parce qu'elle souffrait, je voyais beaucoup sans souffrance. Et beaucoup de femmes font comme ça. Beaucoup de femmes font. Et construisent des immeubles au Cameroun. Oui. Avec le corps. Moi, j'ai mes cousines là, ils ont bâti des châteaux, elles sont en Europe. Et là, les parents au Cameroun sont contents. Ils sont là. Ils ont bâti, quand tu arrives chez eux, ils ont des châteaux. Mais ils ont fait par la position. C'est terrible, ma soeur. Oui, parce que je sors d'une famille, les femmes ne sont pas mariées. Et c'est terrible. Donc, c'est un joug familial. C'est un lien, c'est un joug familial. Les femmes, elles sont comme des hommes. Elles frappent sur les hommes, elles sont autoritaires. Oui. En fait, c'est celui qui est en train de faire un grand travail dans ma vie. Ah. Moi, je ne parle même pas comme ça. Moi, tu parles de moi, je crie sur toi et j'ai connu sur toi. J'espère que ce n'est pas comme ça que tu vas faire avec moi maintenant. Non, frère. Je suis ton frère, non. Maintenant, là, hé, hey, frère. Oui, donc l'ambition de l'Europe. Mon ambition, c'était que quoi? Quand j'ai quitté le pays, c'était avec Frère Ferdinand. Le celui avec qui tu as été. Et on a commencé à vivre au pays là-bas. Oui. Et lui, il savait que tu étais dedans. Il savait que je savais pas comment. Il te laisse aller pas sortir. Lui-même, c'est un fait mal. Moi, je suis une bandit. Quand il monte les affaires, moi, je monte les affaires ici. Ça me rappelle une histoire où j'ai vu en France. Ton un histoire. Tu as vu ça avec un bandit, frère. J'arrive. Je me rappelle une histoire où un frère m'a raconté en France. L'autre là m'a sidéré en France. C'est un couple camerounais qui se trouve en France. Le monsieur utilise sa. Lui, il ne travaille pas. Il utilise sa femme pour la prostitution. Donc. Sa femme, c'est son objet. C'est son. Comment son gagne-pain. Son gagne-pain. Donc, le monsieur, c'est lui qui a le bureau, c'est lui qui a le téléphone où on appelle. C'est lui qui décroche. C'est lui qui décroche. Il décroche. Il vient accompagner sa femme. Il dit bien sa femme qui sont légalement mariés. Il vient garer, la femme entre dans l'hôtel, il fait ce qu'on a fait. C'est pas faux. J'ai failli disparaître en France. C'est pas faux. J'ai dit, et il rentre, il couche avec cette femme. Je suis terrifié. Je suis terrifié. Papa, je suis couché comme ça là. Oui. Je suis assise comme ça. Avec ton mari. Je suis assis. Oui. Il dit, hé, tu as vu celui-là, l'argent. Oh, frère. Vous deux là. Il faut qu'on monte le coup. Toi et lui. Mais un bandit ne vit qu'un vieux bandit, frère. Et vous faites comment? Mais est-ce qu'il appelle une stratégie, frère? Lui, c'est un fait mal. Il calcule. Oui. Il teste dans la stratégie. Oui, dans la stratégie. C'est fini. Vous finissez, vous venez manger ensemble. On mange ça en causant, on fait des commentaires correctement bien. C'est ça le monde diabolique. C'est terrible. Tu as vraiment un livre à écrire, mon histoire de prostitution. De la prostitution. Moi, j'ai même 10 livres à écrire pour le Seigneur. Waouh. C'est pas un seul livre. Donc, c'est comme ça quand parfois je suis comme ça là. Ma tête, quand je suis assise comme ça là, je suis comme ça là. Je suis en train de réfléchir, réfléchir. Dès que tu entres dans la nuit, ça c'est un gros poisson, je ne peux pas te louper. Non, je ne peux pas te louper. Quand je suis assis. Et d'abord, je ne marchais pas en groupe avec les filles. D'abord, c'était ma délice. Mais ça, on va faire une pause pour s'oxygéner un peu le cerveau. Durant cette pause, si je vais lire un passage de la Bible, tu vas me dire si tu es dans la tente de l'écriture, tu as lu. Et quand tu as lu, qu'est-ce qui s'est passé dans la tente? Je vais prendre ma Bible. Donc, une pause. Proverbe chapitre 7 que tu dois connaître normalement. Je dis parce que tu as dit que quand tu restes comme ça, quelqu'un entre. À l'instant là, tu dis voici un gros poisson. Ça veut dire que lui, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Il ne sait pas. Mais quelqu'un ne le calcule. Quelqu'un ne le calcule. Je vais donc en lire ceci. Proverbe au chapitre 7, on lit à partir du verset 1 doucement. Proverbe, est-ce que c'est le Nouveau Testament ça, est-ce que... Oui, c'est totalement là. Non, tu ne dois pas avoir. Je crois que c'est mieux de donner ton. Ton livre, toi, c'est bon. Bonjour à Casablanca. Bonjour. C'est bon. On y va. Proverbe chapitre 7. Tout le monde y est. Donc, ce que je suis en train de vouloir faire ici, c'est que quand je vais lire, parce que je sais que tu as eu à rencontrer cela, je vais voir quel effet tu as eu lorsque tu as rencontré cela. Mon fils, verset 1. Mon fils, retiens mes paroles. Dieu s'adresse à l'homme. Et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur et appelle l'intelligence ton ami. Puis on dit, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. De l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Puis il donne maintenant le film qu'il a observé dans la société. Verset 6. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Amen. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, Amen. Dont les étrangers ont des angles. Elle a dit que chacun son territoire. Oui, toujours. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Donc il ne veut pas le chercher, il passait seulement sa route. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. C'est terrible, c'est que la Bible peut être vraie. Donc, sa mise reflétait ce qui était à l'intérieur de son cœur. Donc, quand elle porte ça, elle a un objectif. C'est ça, n'est-ce pas, ma soeur? C'est ça. Donc, ça veut dire quand c'est vrai, c'est vrai. Non, vrai quand j'ai mis ça, j'ai compris que c'est ça. C'est ça, exactement. Verset 11. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Amen. Elle ne peut pas s'habiller pour rester à la maison. On ne peut pas porter le talon pour rester à la maison. Elle ne peut pas porter le midi pour, rester à la maison. Il faut que le midi. Il faut que le midi. Elle fait le fait. Oui. Après, on va dire que Junior dérange. Quand il proche, femme. Qu'est-ce qu'il fait sur les femmes là? Tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Donc, quand elle sort, c'est pour faire des victimes. Elle le saisit et l'embrassa. Chérie, oui. Et d'un nez. Les bisous là sont dangereux, c'est trop fort. Les bisous sont dangereux, c'est stratégique. Tout ça, c'est pour un gain. Oui. C'est pour un but. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un nez effronté, lui dit : je devais un sacrifice d'action de grâce. Donc, ici, nous, si Dieu est là-dedans. Aujourd'hui, j'ai accompli mes voeux. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi. Donc, elle parle comme si elle connaissait, alors que c'est une victime. C'est une victime. Pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvertures et de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe et de cinnamon. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Amen. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Puis il dit, et maintenant mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se tourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, tout ce qu'elle a tué. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Fin de la pause, ma soeur. Commentaire. Pour rester trop clair. C'est pour ça qu'on veut dire que rien de nouveau sur le soleil. Tout ce que nous pouvons faire sur terre, tout est écrit. Donc tu faisais toutes ces stratégies-là, tu n'avais jamais lu ça dans la Bible? Non, j'avais jamais lu. Après ça, quand tu lis dans la Bible? J'avais seulement un somme, frère. 23. Quand je sortais là, mon somme, je faisais mes petites prières. Aide-moi. Protège-moi. Protège-moi. Des hommes mauvais. Oui. Alors que toi, tu faisais ce qui est mauvais. Ce qui faisait mauvais. Qu'est-ce que Proverbe 17? Déjà, quand tu es converti, est-ce que tu as vu ceci? Oui, j'ai vu ça. Voilà. Quand tu lisais, le jour où tu lisais pour la première fois, raconte-nous. Mais quand j'ai médité, je suis parti dans le Proverbe, j'ai dit, oh Seigneur, non, tu es vérité, tu es l'esprit de vérité. Amen. Mais j'étais vraiment perdu. Parce que quand nous méditons, quand j'ai médité, c'est parce que j'ai dit, waouh, Seigneur, tu m'as élevé de loin. Parce que tout est écrit dans ta parole. Si tu es l'esprit de vérité, je te manque de connaissances. Je n'avais pas la connaissance. J'étais perdu. J'étais comme sans abri, comme quelqu'un. Égaré. J'étais vraiment égaré. Parce que aujourd'hui, quand je me dis cette parole, je dis waouh, je m'ouvre les yeux à comprendre. Donc tu ferais, tu tuais les gens sans t'avoir de compte, tu tuais les gens. Je ne connaissais pas, je peux partir avec l'homme de quelqu'un. Je l'impose ma vie, mon rythme de vie. Et il suit ce que je lui demande. Comme on a dit là, il est comme un fou, d'abord lui pour le châtier. En fait, il oublie même sa femme. Oh là là. Sa femme, ils ont des enfants. Ce n'est pas sa copine, c'est sa femme. Mais la façon dont je vais lui prendre, lui oublier sa femme, il y a une façon parfaite. Et là, vous êtes content? Nous sommes contents, je lui fais la très bonne cuisine, hein, parce que je fais bien la cuisine. même dans cette prostitution, j'avais le bon bongo. Non, papa, hey, quand il m'invite chez lui, là, vraiment, je sors toutes mes techniques. Oui. Pour mettre la barre haute. Oui, ma femme n'est pas là, à Paris, elle est en France. Oui, ok, je m'occupe bien de toi. Combien de saletés les hommes portent comme ça pour déverser dans leurs femmes qui sont innocentes? Et dans leur lit conjugal. Dans leur conjugal. Une combien fois, je suis même parti avec un homme, sa femme est venue en pleine nuit, il m'a enfermé dans. Raconte-moi, c'est-tu parti? Raconte-nous, c'est toi qui as décidé de façon... Chérie, frère! Mais... C'est terrible. Ma vie passée, c'est un cauchemar pour moi aujourd'hui. Je ne suis plus prêt. C'est terrible. Sincèrement, c'est un regret. Pour moi, aujourd'hui, plus profond de moi, quand je parle de Saint, dis Seigneur, ça me fait... J'étais vraiment perdu. Parce que j'ai posé des actes, j'étais pas normal. Cet homme est venu dans la nuit et c'est quelqu'un, il m'a suivi depuis. J'ai même déjà fait mon témoignage avec mes soeurs. Même là-bas, on me dit, ah, l'homme là, il dit, mais si je ne veux pas. Même dans ma vue de position. C'était où ça, au Cameroun? Au Cameroun, il ne veut pas. Oui. Laisse-moi, je ne veux pas. C'est que, ah, sincèrement, c'est quelqu'un que je n'aimais pas. Oui. Je mais pourtant, il avait l'argent. Il avait l'argent. Mais ça arrivait, non? Ça arrive, c'est pas tout le monde avec qui tu parlais. Mais le jour là, sa femme avait voyagé. On est passé dans la chambre. Dans sa maison. On a entré comme dans la barrière, comme il a serré. Tu sais quand c'est ta femme qui touche la porte, tu sais que c'est ta femme. Mais quand même, on a déçu son lit conjugal. On s'amuse pas le monde spirituel, on s'amuse pas le monde dehors. Sincèrement, je suis passé par là, je sais ce que je parle. Et elle a touché, la femme a touché la femme, il a dit ça c'est ma femme. Mais comment il sait que c'est sa femme? Alors qu'il est dedans. Il sait que c'est sa femme. Hey! Voilà maintenant. L'autre, même quand il. Parfois, même quand sa femme parle, il a même les photos. Il cache. Tu viens à la maison, tu ne vois pas les photos. Oh, frère. Il y a demande qui n'est pas marié. Écoutez, il est marié. Le matin, il dit qu'il est marié. C'est terrible. Il enlève tout ce qui confond la femme, il l'enferme dans le placard. Oui. Il enlève les clés. Il dit qu'il n'est pas marié. Il n'a jamais été marié dans sa vie. Mais le jour-là, ce monsieur-là, il savait qu'il était marié. Ça voulait que sa femme a touché la porte. Bim! Il a dit ça, c'est mon épouse. Il t'avait dit. Voilà, mais la course dans la maison. Il t'avait dit que sa femme était partie. Oui, sa femme était en voyage. Elle était partie, c'était une bandité. Elle était partie dans où j'étais dans l'œuvre, dans le village. Elle devait rentrer ce jour-ci. Et la femme, c'est sa maison. Elle peut venir tout moment. Parce qu'elle avait dit à l'homme qu'elle venait tel jour, mais c'est normal qu'elle surprenne son mari, c'est sa maison. Oui. Elle a les clés. Dès qu'il a touché, elle a dit sûr que c'est sa femme. Et ça, c'est mon épouse. Voilà, maintenant dans la chambre. Raconte-nous l'histoire, comment le film s'est terminé. Frère, comme je ne suis plus mort le jour, il devait tomber. Dans le foyer gâté comme ça. Voilà, je suis dans la chambre conjugale. Le monsieur fait comment avec moi? Attends, et la femme était déjà dans la barrière? Non, elle avait traversé la barrière. Oui. Voilà, maintenant, la porte, dès qu'il a touché, il a dit lève-toi. C'est fort. Il faut qu'il me cache. Si la femme m'a attrapé, je mourrai. Qu'est-ce que je fais dans sa maison? Avec toutes les raisons. Toutes les raisons. Je m'ouvrais cette attends, ça c'est en journée ou bien en nuit? C'est en nuit. Attends, et tu devais. La femme est venue autour vers le petit matin, 4-5 heures, elle est venue. Tu vois les femmes. Donc ça veut dire qu'il t'a pris dans la soirée, vous avez passé toute la nuit là-bas. On est parti d'abord parce que quand on part d'abord manger dans un café, on mange, on discute. Parfois on parle dans la boîte de nuit, on s'amuse, on boit, on est là tranquille, après on rentre. C'est comme ça se passe. Et c'est comme ça. Il m'a appelé, il est parti me cacher. C'est comme je ne suis plus monté là. Il t'a caché où? Comment? Dans un placard. Dans la chambre? Dans une autre chambre, pas dans sa chambre. Quand la femme en essaie pas d'abord dans sa chambre. Voilà. Il m'a tiré. Comme je ne suis plus monté asphyxié dans le placard. Et tu ne t'es pas fait le bruit? Quel bruit? J'étais là. Tu vois, l'argent, c'est dehors. Nous sommes 23 venus. Il a dit, le monsieur, depuis, il a le chat sur mon chemin. Donc maintenant, il m'a amené pour le tuer. Depuis, j'ai fui ce monsieur-là. Et comment tu as fait pour t'en sortir? Pour t'en sortir? Parce que là, nous sommes dans le roi. Je sais maintenant, non. La femme, maintenant, elle a tué. Mais la femme avait un pressentiment parce que je l'entendais parler. Elle est partie dans le chat. Elle fouille. Elle dit, il y a quelque chose qui se passe chez moi. Elle fouille, elle parle, elle crie sur son mari. Qu'est-ce que tu as en train de faire? C'est comme si son mari lui dit, mais tu es venu en mais c'est ma maison. Ils étaient en train de discuter, mais j'entendais frère. Je ne pouvais pas faire. le placard aussi, comme je suis grand, était frais. S'il y avait un serpent là-bas qui brûlait là-bas, c'est que le serpent. Quand j'étais là comme ça, coincé, regardez ma taille. Coincé, je ne respirais pas. J'allais mourir. Un moment, il a tout fait attraper sa femme, parce que j'entendais tout. Lui aussi, mes affaires, mon sac, mon fourre-tout, parce qu'il y a des positions, moi, j'avais les fourches, parce que je peux protéger, frère. Et avant, là, je marchais, tu avais les gros sacs. C'est que toi-même, tu ne suis même pas d'abord dans la gare, avec ton sac qui est gros. Tout ça, tout ça. Mais là, quand sa femme a tenu la chatte, il m'a fait sortir. Il a fermé là, dans sa chambre. Nous voici maintenant que course n'est pas course. Avec les talons. Avec, non, je, non. Attends, tu as deux talons, il y a deux chaussures. Oui. Tu as notre tenue de rechange. Oui. Pour le cas difficile. Pour le cas difficile. Si le matin, tu te trouves dans un hôtel. Tu ne sors pas comme ça. Non. Peut-être tu as ton cas. Oui. Tu jettes tout fort. Oui. Hein? Parfois tu oublies, parfois moi famille j'oubliais souvent. Mais les taxis qui sont dans l'hôtel là, oui. En même temps ils me portent plus de maison. Parce qu'ils sont venus. Au même point. Mais ils aiment ça, mais non. Ils savent que nous des petits habits comme ils sont contents. Et cet homme là, vous ne pouvez jamais vu. Non, je l'ai dit mon papa. Pardon, cherche-toi. Que tu fais des missions difficiles. Que des travaux toi, comme là. Ça. Il a tout fait. Regarde, j'ai rien dans l'homme. Tu vois comment l'homme est. Il est encore derrière toi. Ah, même après cet événement. Donc tu comprends que les prostituées ne sont pas en sécurité. Elles n'ont pas cette sécurité. Il n'y a pas Jésus. Il n'y a rien qui les sécurise. Parfois tu fais des prières, mais je dis vraiment, même dans cette détresse, dans ce malheur, parce que c'est un malheur. La pollution, c'est un malheur, c'est une malédiction. C'est une malédiction, tu ne sais pas avec qui tu vas. Et beaucoup de tes compatriotes et celles qui étaient beaucoup dans ton emploi sont décédées comme ça. Devant moi, ce n'est pas comme ça. Et là, c'est en enfer que c'est. Ce n'est pas en enfer. Beaucoup. Il y a d'autres, mais il y a eux-mêmes qui étaient sacrifiés dans la haute autorité. Comment ça? Dans les filles qu'on entend souvent dans le pays où on a c'est dit que ces personnes. C'est pas faux. On a nommé le Logan. Oui, un diplomate burkinabé. Oui. Il est venu par l'hôtel, l'hôtel Marcel. Oui. Il a fait parce que quand il est venu, ils font un an. Un sortait avec lui, il donnait l'argent, il achetait le terrain, une maison. Elle avait sa seule fille, elle est partie prendre sa fille chez son maman. Elle a initié même sa fille dans la prostitution avant de mourir. Pour dire que ceci donne l'argent. Oui. Une petite fille. Une belle petite fille. C'est l'héritage qu'elle a laissé installer. Quand je m'assois, je dis, oh Seigneur. Comment ça s'est passé avec elle pour qu'elle soit sacrifiée? Ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand le monsieur est parti, le monsieur lui a donné tous les coordonnées. Dès que le monsieur donne le dès que j'arrive, nous serons toujours en contact. Mais elle se rend compte que quand elle appelle le monsieur, le numéro aucun de ses répondeurs. Donc le monsieur avait fini avec lui. Non, il avait fini sa mission. Donc un an qu'elle a mangé, c'était sa paix. C'était sa vie déjà. Qui était sacrifiée. Et c'est comme elle s'appelle Matumba, la femme Matumba, c'est comme ça que la fille commence à être maigrie. On ne sait pas pourquoi maigrie. Les gens ont soupçonné même qu'elle avait le VIH parce qu'elle est prostituée, c'est ça. Mais comme elle vendait les journaux dans un autre hôtel, elle avait un kiosque de journaux. Elle vendait les journaux, elle vendait les tubes. Elle s'est rebrouillée sur les époques, mais aussi. Et c'est comme ça qu'elle a vu ses collègues. Elle dit, ah, depuis moi, j'appelle votre collègue. Comment il est même. Elle dit, mais il est là. Mais la fille est étonnée. Il est sidéré. Elle dit, mais comment. Il est encore au pays. Non, il est à Burkina. Mais comment je l'appelle le numéro. Elle dit, mais comment. Mais depuis qu'il est parti, eux-mêmes sont surpris que. Mais eux-mêmes se connaissent. Ils sont surpris comment. C'est les mêmes diplômes. C'est maintenant là que Matouba commence à être malade. Malade. C'est comme ça qu'elle marche maintenant. Elle marche, elle monte et descend. Et la guérison. Se rend compte que c'est le monsieur qui avait sacrifié. Donc tout ce qu'elle avait fait, la fleur de sa vie a été suscité. Oui, suscité. Si tu la voyais, parce qu'elle était un peu infime. Tout son corps était vraiment, c'est une fille qui était vraiment forte. Elle est partie comme ça, comme un jeu. Donc tout ce qu'elle a même terrain, maison. Elle a encore vendu pour pouvoir résoudre le problème. Oui, résoudre le problème. C'est le monsieur qui l'avait sacrifié. Donc sincèrement, frère, la prostitution. C'est un monde satané. Pour rien au monde. Je ne peux jamais encourager à faire, à vivre, même dans la rue. dit à une fille de faire la prostitution. Parce que dans ça, c'est la mort. Ce sont des sacrifices. Tu ne sais pas avec qui tu vas. Mais si le Seigneur m'a protégé, moi j'ai sorti avec des hommes qui étaient malades. Ouais. Était malade. Waouh. Vous savez ça? Si je n'ouvre pas ma bouche, on ne peut pas savoir. Oui. Les mêmes hommes ont publié partout. Ils m'ont détruit la vie. Attends, ils font comme ça, ça veut dire qu'ils viennent exprès. Oui, ils viennent, ils disent, je t'ai vu, tu es la plus belle fille. Mmh. Dans le groupe, quand, parmi toutes ces femmes, tu étais trop belle, quand je t'ai vu passer, tu étais belle. Il m'a suivi, ce monsieur m'a suivi, c'était au Niger. Mmh. On est parti à l'hôtel parce que je logeais dans un hôtel. Oui. Parce qu'au Niger, il y a des places spécifiques pour les filles étrangères qui viennent chercher, qui viennent pour l'aventure. Oui. Chaque pays, frère. Ça, moi, j'étais international, donc je peux sortir des livres pour ma vie. Donc, quand ils te voient passer comme ça, parce que dans ces hôtels, ils viennent boire. Mm. Tu les vois, il est bien flingué, bien, mais c'est un sorcier. Ce monsieur, je suis parti avec lui. Mm. Ah oui, frère. Donc, ça ne donne pas de cadeau dans ce monde-là aussi. Même au pays. Attends, quand il vient de là, j'ai vu te tuer. Quel est l'ordre? En même temps, je t'ai tué. Pourquoi? Il était paralysé. Frère, j'ai pris son bâton parce que moi, la position n'est pas. Mm-hmm. Ça cale là. Mm-hmm. J'ai jeté par la fenêtre. Pour qu'il ne puisse plus t'attirer. J'ai dit, aujourd'hui, je ne vais pas sortir. Oui. J'ai commencé à crier parce que moi, j'avais des préservatifs. Oui. Des préservatifs. Mm-hmm. Le jour où je ne sais pas comment ça s'est passé. Mm-hmm. Bim! Tu n'as pas de préservatif sur toi. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mm-hmm. Je sors de loin. Comment tu savais que lui était malade? Frère, mais les gens qui le connaissent, lui-même, il a publié ça. Vous savez à quel degré ça fait? Quand il est sorti de cette chambre, j'ai commencé à crier haut et fort. Mm-hmm. Une fois, j'ai dit Seigneur dans la chambre. Mm-hmm. Dieu! Seigneur, parce qu'il m'a dit, quand il a fini sa mission, mm-hmm. il m'a dit, je suis venu pour te tuer. Attends, allons-y doucement. Ce monsieur, c'est un handicapé, mais c'est un sorcier. C'est un sorcier. Il vient mais quand tu le vois, les biens, oui. Mm-hmm. Il est, non, il a son rôle, c'est pour détruire les filles. Et il a une maladie en lui qui transmet. Il a une qui transmet. Ça te tue doucement. Oui, ça te tue doucement. Et comment? Et toi, tu ne savais pas cela? Moi, je savais comment je le connais. Mmh. Mais je ne le connais pas. Quand on est en train de faire des rapports sexuels, mmh. c'est comme ça, j'ai constaté une fois que j'étais humide. Mmh. Comment ça se passait? Je n'avais percé le préservatif. Comment il perce? À quel moment? Mais je ne le connais pas. C'est terrible. Les sorciers. Les envoyés spéciaux du diable, vous ne les connaissez pas. Moi, je peux vous expliquer le monde spirituel. Comment ça se passe. Et c'est comme ça que j'ai senti, j'ai crié, je l'ai projeté, il est parti taper sa tête au mur, il a crié, wow. J'ai dit, j'ai crié au secours, Seigneur, il me dit, tu cries pour rien, j'étais déjà tué. C'est ce qu'il dit, c'est la réaction subitement. Oui, c'est ce qu'il a dit. Je suis malade, j'ai atteint du BH, tout le monde me connaît, c'était la vérité. Et il a dit ça, oui. Cache devant toi. Devant tout le monde. J'ai commencé à crier, taper la porte, même la clé, là, il avait bloqué la clé. Où tu ne sors pas? Ma chambre. J'ai commencé à taper, parce que nous sommes solidaires. Hein. Mm-hmm. Ma femme, on est petit, pas nous sommes. Mm-hmm. Avant là, mm-hmm. les policiers sont solidaires. Mm-hmm. Hein. Oui. Donc quand l'une souffle. J'ai un petit cri, boum! Donc c'est comme si. Mais là, il s'agit des intérêts de chacun. Même si l'homme est sur elle, non, elle pousse avant l'homme, il y a ma collègue là-bas qui crie. Oui. Quand même. J'ai commencé à taper le ressuscité, c'est venu. Il est sorti, dit. Elle crie pour rien, elle est morte. Je l'ai tué. Il a crié haut et fort. Tout le monde a parlé. Il est su qu'il avait raconté ça. Non, il avait su. Mm-hmm. Mais quand il a parlé de ça, frère, mm-hmm. quand la chose de Dieu est dans ta vie, mm-hmm. je ne comprends pas. Il y a quelque chose ce jour qui s'est passé dans ma vie. Mm-hmm. J'ai crié un cri de secours qui venait profondément. Et tu ne sais pas le Seigneur. Oui, et tu ne sais pas comment c'est ça né oui, en toi. Je ne sais pas comment c'est venu. Mm-hmm. J'ai dit au secours, Seigneur. Cet homme est venu me tuer. Mm-hmm. Il a dit qu'il est venu me suivre. Là, tu n'as pas resté le psaume 23. Ça, c'est non, une prière. Non, je n'étais plus. C'est une prière de l'esprit. Ça venait, lui, ça sortait au fond du monde. Oui. Il dit, Seigneur, mm-hmm. il a proclamé qu'il est malade. Il dit qu'il est malade, il dit qu'il est venu me tuer. Mm-hmm. Regarde comment je suis. Depuis que je souffre dans ma vie, c'est ce qui me mérite aujourd'hui. J'ai quitté ma mère. Je n'ai pas fui ma mère. Mm-hmm. Rien m'a dit au revoir. Mm-hmm. Mais pourquoi je juge me porter la maladie? Tu sais pourquoi je suis sorti. Seigneur, c'est comme ça, j'ai pas le Le résumé, la fille, la vidéo, les filles tombaient sur lui. Parce que c'est comme ça. Mmh. Les filles sont tombées sur lui. Non, en même temps. Les coups de poing là, ça ne va pas. On te chicote bien. Moi, j'étais là, j'avais mon problème. Mmh. Les filles disent, calme-toi. Mmh. c'est pas le cas de toi. Dès que l'on entend, j'étais en relation avec un Camerounais, un Niger. Et vraiment, il voulait d'abord qu'on soit en Zaire. Il dit non, non, moi, je ne veux pas ta relation. Mmh. Moi, j'étais comme ça, je ne veux pas ta relation. Il ne m'a dit. D'abord, quand il sortait, je n'aimais pas les Camerounais. C'était ma devise même. Je ne veux pas les Camerounais. Et c'était puis parce que déjà j'avais un Camerounais. Donc, je ne voulais pas le salir. Je ne voulais pas le salir. Là, il était en Égypte. La seule fois qu'on s'est séparé, c'est quand il est parti en Égypte. C'est comme ça. Quand il est parti en Égypte, il était au Mali. Il a tout fait pour que je parte en Égypte, ça n'a pas marché. Je suis parti à Dakar, j'ai fait tous ces pays-là, toute seule. Je suis parti en Gambie, toute seule. Je suis parti, j'ai fait tous ces pays-là, tout. Toujours dans la prostitution. Et partout dans la prostitution. Bana l'Obani, Kassona, Kizimala, Mobobé. Dans la prostitution. C'est comme ça. Et le monsieur, quand il est sorti, c'est comme ça qu'il est parti. Et très tôt le matin, parce que le monsieur, son papa était haute personnalité du Niger, oui. Ce monsieur-là. Lui aussi, il fait parfois des émissions par rapport au VIH dans les chaînes. Qui ça, son papa? Le monsieur-là aussi, le monsieur qui a sorti avec moi. Il fait des émissions pour expliquer que le VIH. Oui, le VIH, c'est comme ça, sa sensibilité. Pourtant, lui, il est malade, non? Il fait les émissions. Oui. Oui. C'est comme ça, j'appelle le monsieur à 6 heures. Oui. Mais j'ai pas dormi. J'ai dit la fin là, Seigneur, si tu es créateur, c'est toi qui m'as créé. Oui. Vraiment, c'était pas le psaume 23. C'est plus le psaume 23. La cité est priée inspirée. Et j'ai dit, Père, depuis que je suis dans le ventre de ma mère, je souffre. J'espère que ce n'est pas ce que tu as réservé pour moi. Ce monsieur m'a dit qu'il m'a tué. Si tu es Dieu, il faut que tu te révèles à moi. J'ai trop souffert dans ma vie. Il m'a dit qu'il m'a tué. Cette maladie, toi, tu connais cette maladie. Si je suis malade, je suis là. Mais ma pauvre mère va mourir. Et c'est comme ça que j'ai prié. 6 heures, j'ai appelé le téléphone. Il me dit, comment il appelait ma fille? Il dit, oui, mon papa, tonton. Ah, voilà, monsieur. Il me dit, je le connais très bien. Attends, là, tu appelles qui? Un monsieur que j'avais contacté. Il me plaît comme sa fille. Bon, il voulait qu'on soit ensemble, mais je ne voulais pas. Il dit, tu es marié, je ne veux pas. Comme c'était un Camerounais, je ne veux pas. C'est comme ça que je l'ai appelé très tôt. J'ai pris le taxi. Il me dit, là, tout moi, tu es la même chose. Je suis une soeur qui était dans. Qu'il y a une soeur là-bas, Camerounaise, qui est aussi avec Camerounais. Actuellement, ils sont rentrés. Je suis parti vers son quartier, je l'ai appelé. Elle me dit, c'est comment ma fille? Maman, si tu me voyais, j'avais perdu. Donc, en quelques minutes, j'ai perdu le kilo. J'ai maigri. Oui. J'ai fondu. J'ai dit, c'est... Pourquoi quelqu'un te face à face et dit que tu étais donné le sida? Non. Tu comprends, c'est un satanique. C'est comme ça que je suis quitté. Il est venu me rencontrer, il me dit, ma fille, tu as quoi? Il dit, ah, papa. Elle me dit, je connais ce monsieur, il est malade. Tout le monde le connaissait sauf toi. Quelle épreuve! Je sens de quelque part. Ce n'est pas quelque part qu'on parle que peut-être je me suis levé rencontrer le Seigneur. Moi, là, le Seigneur, il m'a touché vraiment. Je sais pourquoi je parle. On va arriver au niveau de ta conversion, à quel niveau de conversion. Et là, quand tu vois celui-là, il dit quoi? C'est comme, il me dit que le monsieur malade, je le connais. Il fait même les chaînes pour la sensibilisation du VIH et tout. Là, il te confirme vraiment qu'il est malade. Et là, ça te casse. Ma tête, j'ai l'air en route là. Parce que lui, il était connu au Niger. Oui. Donc, si tu voulais quelque chose, je l'appelle. Il me dit, si il me dit que c'est ça, c'est ça. Oui. Ce monsieur-là. Je suis allé faire 2 tests le jour-là. Quand les médecins me voyaient, ils comprenaient que la femme n'avait pas fui, là, un problème. J'étais enragé. Je suis parti faire le premier test avec lui. Non, seul d'abord. Je pense. J'étais avec lui bien. Je suis allé partir faire le premier test dans la clinique, à l'autre centre. Les 2 tests, quand le médecin m'a fait entrer dans la clinique, lui-même, il me regardait comme si c'est quelqu'un qui a perdu le cerveau. Il m'a demandé, vous voulez quoi? Et je suis venu faire le test du VIH. Donc, du coup, vous devez me dire si oui ou non, je suis malade ici. Frère, j'avais un courage. C'est au courage que Dieu, le diable voulait voler, que le courage que Dieu m'a donné. C'est ce qu'il voulait voler dans ma vie. Je suis parti, je l'ai regardé en face, je me fais, il me dit, qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, examinez-moi, monsieur, je n'ai pas besoin que vous me posiez la question. Faites vite, je vais sortir avec un homme qui est malade. Par votre pays. Ah, le monsieur, en même temps, il a entendu la parole. Il m'a conduit parce que c'est rapide. 5 minutes, c'est sorti. Dès qu'il est sorti, il me dit, attendez 5 minutes. Et je suis là. Je n'ai pas peur. Je suis là. J'étais assise comme ça. Seigneur, si tu es mon créateur, si tu existes, donne-moi. Là, voilà 2 jours de travail, comme ça, tu ne travailles pas parce que. Non, je ne suis pas pour travailler, frère. Je veux connaître ma vie aujourd'hui, là, avec papa Cote, celui qui m'a créé là. Ce n'est plus un homme, ce n'est plus l'histoire d'un homme. C'est comme ça que, frère, quand le résultat sort, il me dit, j'ouvre le... Je dis, tu, vous êtes libre, ouvrez-le. Vite l'enveloppe là, je n'ai pas besoin de... Je n'ai pas besoin, il m'a dit, oui, oui, oui. Il revient avec, il dit, ah, c'est négatif, il dit, non, ça ne suffit pas. Je suis parti encore dans une autre clinique, quoi que pour voir vraiment... Il fallait me voir le jour là. Tous les filles m'attendaient, je suis sorti très tôt le matin, toute la journée n'était pas là-bas. Elles étaient guéries. Elle est partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je suis rentrée la nuit. Je suis partie, elles étaient assises comme ça, elles me regardaient. Je lui ai dit, non, je suis allée faire les... Je suis partie faire le test du VIH. Le test du VIH, voilà ça. On a dit que j'attends encore 3 mois. Elle m'a dit, oui, oui. C'est vrai, il faut encore attendre. Parce qu'il faut 3 mois pour voir si elle-même que elle-même disent que jamais tu peux être malade. Ils ont commencé à confesser ça. Aïe! Ma fire, ma force. Ma fire, force. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter? La solidarité prostitutionnelle. Oui, elle dit, tu es très belle pour mourir maintenant. Elle dit, ah oui, c'est comme ça moi aussi je proclame les paroles dans la prostitution. Je suis engagé à me non, je ne mourrai pas. Je vivrai. C'est comme ça que je quitte maintenant. J'attends maintenant. Écoute bien, j'avais mieux. Dieu les a montrés. Non, elle dit que non, la nuit, la commise d'entrée, ça, mais c'est bon le jour. Tout bien voir. Il y a une qui s'appelle Fatih, le jour, entre la jambe, je dis, bah, mon Dieu. Donc, tout ça, c'est même pas mon vrai nom, frère. Tu t'appelles maintenant Stéphie. Stéphanie Nicolas. J'avais les noms, frère. Même le nom était séducteur. Non, le nom était séducteur. Quand il entend, ça veut dire Stéphanie, mon mec. Est-ce qu'on avait ajouté? Moi, je suis à personne. Vous voyez, Stéphanie Monaco, c'est moi, même Stéphanie de Monaco. Et quand je parle, tout est séduit. Même mon langage est séducteur. La prostituée, c'est comme ça. La prostituée, on ne joue pas avec les prostituées. Après 3 mois. En tout cas, tu as continué à faire le travail encore? Je ne fais pas le travail, mon frère. Tu as encore rencontré le monsieur là? Non, plus jamais. Il a disparu sur mon genou comme ça. Même au pays, j'ai toujours sorti avec quelqu'un qui était malade. Je ne savais pas. C'est une fille qui vient du qui me dit que hé, hey, laisse le monsieur là, le monsieur est malade. Je prends le téléphone. Hé hey! Tu as le VIH. Tu as le VIH. Il dit que qui t'a dit? Après qui t'a dit là, je vais lui faire du mal. Mais c'était vrai. Et c'était une grande personnalité du pays. Grande personnalité du pays. Il travaille, il porte des costumes, il distribue ça aux gens. Ils sont très beaux. Celui qui a le VIH, tu penses avant qu'il le VIH, il a ses moyens, il prend les médicaments, il est très beau. C'est, ils sont traités, ils ne mangent pas n'importe quoi. Le gars est frais comme le poisson et il distribue ça aux jeunes filles. Plus frais même que toi qui es assis. Mais là, il tue les jeunes filles partout partout. C'est terrible, ma soeur. Après 3 mois, maintenant, le miracle s'est produit. C'est un produit. Mais je n'étais pas malade. C'est comme ça après. Et dis, waouh. Même. Tu commences, tu comprends l'immensité de l'amour du Seigneur là-dedans. Attends, tu vois, même dans ça, je dis, ah, pourquoi je ne suis pas malade, mais avec tout ce que j'ai fait. Pas les filles là qui meurent du VIH. Même dans ça. Oui, tu commences à réfléchir encore. Elles sont malades, elles sont vendues dans les sacrifices. Mais pourquoi moi, pas moi? Moi, je vis toujours même dans ça. Mais tu es dans la position, mais que. Je n'ai pas même fait le maraboutage, mais pourquoi mon frère, je prends les calebasses en plein jour. En plein jour, le calebasse. Calebasse, en plein jour. Pour faire quoi? Pour aller laver mon corps. Attends, pour faire quoi? Pour que ça attire les clients? Non, ça attire, non. Et ça a fonctionné. Ce n'était pas mon problème. Moi ce n'était pas mon affaire. J'ai là un jour, le deuxième jour, je commence à insulter la calebasse. Je suis fâché, même celle qui m'a amené à dire, ah, toi, ça ne peut pas marcher avec toi. Par exemple, que tu es là, tu vas marcher avec toi. Donc, tu n'as même pas foi à la calebasse? Non, je n'ai pas la calebasse. Fais cela là. Quand on repart, la femme me regarde comme ça. Elle dit à la sœur, ma fille, que ta sœur, elle est compliquée. Donc beaucoup de prostituées travaillent avec les marabouts pour que les esprits attirent. Tu penses que le marabout, la maison est tordue. Il n'a même pas dormi. Mais elle te fait les esprits. Elle te fait, elle dit que tu as l'argent. Quel argent, frère? Quel argent? C'est terrible. Ses enfants sont dans le désespoir. Lui-même dans le désespoir. Qu'est-ce qu'il peut te donner? Si ce n'est pas te tuer. T'envoies encore des démons pour t'enfoncer. Des démons parce qu'ils t'envoient. Et ceux qui croient en ça, c'est pour ça que ça marche. Oui. Moi, je ne croyais pas en ça. Oui. Sincèrement, je ne croyais pas. C'était pour potentialité physique. Mais je partais quand même. Je partais aussi pour voir. Mais quand j'arrive sur le monsieur, me guette comme ça. Je dis, mais je le dis à la fille là que ce que le monsieur a dit là, c'est un mensonge. Là, ce qu'il a appris à parler là, c'est un mensonge. Ce n'est pas ce que je veux. C'est un mensonge. Il me parle que le père me teste les sangs. Il me donne arrêté. J'ai vu quel homme. Toi, tu passes ton temps en l'air et tu racontes les bêtises. C'est le menteur. Il n'y a rien à attendre. partage. Mmh. Et tu parles avec ta voix, les démons. Les démons, ta main, c'est dans la protection. Mmh. Tu es avec les calibres de soi, tu brûles les trucs dans les. Parce que chaque chambre de prostituée, elles ont les petits trucs là pour mettre le charbon. Mmh. Pour faire l'encens, elle fait l'encens. Elle brûle le médicament. Mmh. Ça me fait sur elle comme ça. Elle va nous sortir là. Elle est sûre d'avoir les clients. C'est comme ça qu'elle envoûte les gens. Bref, pour moi, ça ne marche pas. T'as pas de potentialité naturelle. C'est une potentialité naturelle. En fait, naturel. J'étais naturelle. Mmh. Moi, quand elle faisait ça. Avec l'inspiration diabolique. Oui, ça faisait fuir les hommes. Oui. Mais c'était l'inspiration diabolique. Pendant qu'on y est dans ton parcours et au Cameroun et partout, est-ce que tu as eu dans ton parcours et des pasteurs et des prêtres ou. J'ai sorti avec des prêtres. Raconte-nous. Prêtre, je parle avec le prêtre. Il savait que tu étais prostituée. Il me dit ça, oui, il vient me chercher à Bruxelles. Ce sont les sous-là. Ce sont les voies de nuit. Les prêtres. Oui, ils saoulent jusqu'au matin. Les pasteurs saoulent jusqu'au matin. Raconte-nous étape par étape. Et celui dans ce temps noir et celui dans ce temps blanc. Oui. Parle-nous. Donc quand tu vas comme ça, ils t'embarquent. Ils ont les coins, ils partent boire dans le café. Ils saoulent, ils saoulent. Il y a même un là qui saoule. Ils saoulent. Ils tombent à tête. Le prêtre. Et toi, tu savais qu'il était prêtre. Mais c'est qu'il est prêtre. Mmh. Il est sorti avec les prêtres. Même les prêtres étrangers, il est sorti avec eux. Le prêtre t'aborde comment? Et quand tu vois le prêtre, sachant que tu lis le psaume 23. Parce que le soir là, il n'est pas prêtre. Oui. La nuit, il est prêtre, frère. Il a sorti, il a enlevé sa soutane. Oui. Parfois, il t'invite dans la journée là, dans l'heure. Vous mangez ensemble. Mm-hmm. Vous mangez ensemble. Là où il mange ensemble à midi. Oui. 13h. Mm-hmm. Et là, il a un soutane. Il a sa chambre là-bas. Donc, vous venez, vous partez là-bas. Attends. Donc, ça, c'est le prêtre de l'église catholique, par exemple. C'est le prêtre, non? Et là, comment ils appellent ça? Le restaurant. Le couvent, c'est là où les femmes restent. C'est pas le couvent. Donc, monastère. Non. Il y a le restaurant des prêtres. D'ailleurs, ils ont l'air toujours là même. Oui. Ce sont les femmes qui préparent pour eux. Oui. Et les femmes préparent. Quand tu viens là-bas, tu t'habilles comment? D'abord. Oui, quand là-bas. Tu pour entrer dans le restaurant, tu t'habilles normalement comme tous les autres mais femmes. Mais je vais te dire quelque chose. Oui. Mais c'était quand elle partait à l'église. Oui. Je ne m'habillais pas comme ça. Tu t'habilles, tu te couvres bien. J'avais cette conscience qu'il faut qu'elle m'habille bien. Oui. Quand tu finis, tu sors comme ça, tu pars faire tu conduis ta vie. Mmh. Quand il finit avec lui dans la journée là, je pars là-bas dedans. Il y a une chambre en bas là-bas. Quand on finit, on descend là-bas, on finit, mais on n'arrive pas. Ton prêtre te donne l'argent. Et tu sais que c'est celui qui célèbre la messe. Je sais que c'est lui qui célèbre la messe. Il n'y avait pas de crainte dans ton cœur. Il n'y a pas de crainte. Je lui pose la question pourquoi il me fait ça. Il dit que non, c'est normal. Que c'est normal. Oui, c'est normal d'aller avec une femme. Mais pourquoi lui n'est pas marié? Il ne sait pas pourquoi. Il n'est pas marié, il a fait le vœu de chasteté. Mais comment dans ce cas il parle de tout ça, on pose les questions même. Quand vous avez des gens en dialogue avec eux, vous croyez que ce sont les choses qu'on. Non, c'est un dialogue. Hein. Non, parle-moi du cas de prêtres et des pasteurs particulièrement, parce que ça nous concerne maintenant dans le corps de l'équipe, qu'on comprend comment les choses se passent dedans. Quand ils viennent vers toi maintenant, mm-hmm. tu lui poses les questions. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais? Lui me demande que tu fais. Dis-moi, moi, je ne travaille pas. C'est mon travail là-bas. Mm-hmm. Il me dit que je suis prêt. Il y a les prêtres que tu connais déjà, mais mm-hmm. je dis que c'est un prêtre. Parce qu'il est vulgaire, oui. Il boit, il saoule tout ça du nez. Juste 6 heures, il va aller à la place, il boit son truc dans le quartier, il boit, il baffe. Il a l'argent, il distribue. Oui, il baffe. Par exemple, les filles sont en train, les filles volent son argent. Il parle comme un fou. Mm. Donc, quand vous partez là, dans la chambre, non oui. dans la chambre là-bas, dans l'air, tu là, non oui. Il t'a mis des femmes là-bas. Et mais les autres prêtres, vous voyez. Le matin, là, tu lui poses la question. Tu lui poses la question, que, mais qu'est-ce que c'est? Mais il fait déjà un jour. Et déjà, on s'en fait. Tu restes là-bas. Il fait un jour parce que tu envoies les pas. Mm-hmm. Mm. Et les femmes qui travaillent là-bas ne te voient pas. Hein? Elles me voient. Elles savaient que tu étais. Quand elles m'invitent manger là-bas, elles me voient. Dans la lunette. Dans les nonnes et les sœurs catholiques qui sont là-bas, tout le monde sait que ça se passe comme ça. Elles savent. Ah, Dieu du ciel. Et les premiers pasteurs, maintenant, le cas des pasteurs, alors. Tu as aussi rencontré les pasteurs. Parle-nous, ma soeur. Non, mon frère. Tu protèges les pasteurs. Tu protèges les pasteurs. Non, je ne protège pas. Parle-nous. Tout ça, pasteurs. C'est même le frère. Oui. Les prêtres, les pasteurs là, c'est encore grave. Mais... Raconte-nous. Les pasteurs, quand ils viennent là, ils ne veulent même plus te laisser. Ils ne veulent plus te laisser. Après, ils ne pas prêcher. Ils ne pas prêcher la parole. Il est pas, il te dit que, oui, je vais parler, je m'en sens d'esprit, ma chienne. Toi, tu sais que le Saint-Esprit est Il vient parler du Saint-Esprit avant. Oui, quoi, il te parle, quand vous causez là, il te parle des choses. Attends, vous assez avec le pasteur. Oui. Oui, vous êtes assis. Oui, il parle. C'est un pasteur, il te dit que je suis pasteur. Oui. Je vais aller avec toi. Je vais passer un moment avec toi. Oui. Parce qu'on appelle ça couper. Une heure de temps, c'est couper. Qui veut passer le couper avec toi? Le pasteur connaît ça. Il connaît ça. Il connaît tous ces lapins. Dieu, tu sais. Mais, la nuit, là. Et là, par hasard, il ne parle pas de la Bible, il ne te prêche pas. Frère, il est venu pour sa mission, il est venu pour te pousser par là. Toi-même, tu prends la parole, tu vas comprendre quoi la nuit. Il est venu pour te chercher, pour partir dedans, monsieur. Il est venu pour te prêcher la parole. Hein? Donc maintenant, ça veut dire qu'au Cameroun, tu connais le pasteur avec qui tu es allé, dans, ou bien dans ton parcours. Hein? Et il prêche la parole. Il est prêt, il est prêt. Il est venu pour te prêcher la parole. Il est venu pour son mission. Si tu te ramènes ma mission, tu portes en son sac. Toi, la victime. Et lui, il va porter ça. Après, il va donner aux fidèles, distribuer aux fidèles. Il va toucher sa propre femme. Après, il va tenir le micro. Tout ça, c'est vrai, frère. Tout ce qu'on parle, c'est vrai. Que les pasteurs font ceci, c'est la vérité. Et le cas des francs-maçons, les francs-maçons, normalement, on les voit souvent, on voit qu'ils sont calmes, ils sont respectueux, que ce sont des gens de haute moralité. Mais le franc-maçon, il peut entrer ici, là. Il est d'une nature calme, discret. Mmh. Le franc-maçon est comme. Comme le serpent. Tu vois, les bandits de haute catégorie, là. Oui. Les braqueurs, là. Oui. Parce que si un bandit entre, je ne sais pas savoir que c'est un bandit. Hein. Les vrais bandits, là. Les vrais bandits, là, pas les petits bandits du quartier. C'est dissimulé bien. Que les frères bandits, les francs-maçons sont. Mmh. Il va entrer ici, là, il allait vraiment poser son langage. Gentil. Et, non, il est trop prêt. Mmh. Pour tout aux filles. Mmh. Parce que les hommes, ils entrent comme ça, ils sont seulement là pour faire du coup. Du bien. Pas avec vous. Mmh. Les filles, ils sont assis. Les francs-maçons. Ah oui, ils achètent les champagnes, vous faites de la vie, vous jouez les grands whisky. Mmh. Parce que le plus grand whisky au Cameroun, c'est le cristal. Donc, ils vous donnent tout là. Dès que vous venez, je joue avec vous, il part. Et comment tu savais, je voulais dire, avec les francs-maçons avec qui tu es parti, ils te parlent de la francs-maçons. Est-ce que vous avez parlé de la francs-maçonnerie, pourquoi ils font ça, ils viennent aussi avec, alors que ce sont les gens qui normalement, intellectuellement parlant, sont élevés. Oui, parce que normalement, si tu le vois dans le truc, tu vas lui poser la question quand tu le vois le lendemain. Mm-hmm. S'il vient t'aborder, tu dis, mais comment se fait-il que toi, tu viennes? Parce que la majorité ne vient pas physiquement. Mm-hmm. Ils envoient les gardes du corps. Et explique-nous selon ça, comment leur stratégie, pourquoi ils font ça? Le garde du corps, quand il vient, mm-hmm. il garde la voiture. Tu ne sais pas avec qui tu vas aller. Parce que lui, il vient, il te dit, non, il te dit. Mm-hmm. Non, mm-hmm. Le ministre m'envoie. Mm-hmm. Je cherche une fille. J'ai eu parmi toutes les filles, c'est toi. Là, tu fais d'abord le marché avec lui. Négociation. Frère, mm-hmm. Il faut d'abord que tu te lèves, il te voit bien. Mm-hmm. Tu fais les tours. Mm-hmm. Hein? C'est le garde du corps. Non. Oui, les chauffeurs. Oui. Maintenant, vous entrez à la voiture. Parce qu'il dit des trucs. Quel genre de filles veut mm-hmm. C'est comme ça qu'ils sont. C'est pas tout le monde. Non. Il passe ça. Il dit, je veux une fille dans le détail, une fille effilée, une fille potelée. Mm-hmm. Non, il décrit tout. Mm-hmm. Quand il arrive, il te regarde, il vient. Je vais te voir. Il est juste que je peux m'asseoir. Lui, il s'assoit. Il garde la voiture du service du pays. Oui, du service, ministre. Oui. Mm-hmm. Une grosse voiture. Merci. Mais excuse-moi, ma chérie. Mais je suis commissionné par le ministre. Même le président n'a plus sorti. Je sais pas. Mm. Comme ça. Très bien. En tout cas, ça t'engage. Cette façon de ne pas dire que c'était moi. Cette façon de ne pas dire que c'était l'opinion. Non, parce que j'étais dans ce milieu-là. Mm-hmm. Il se déguise, non? Oui. Les gens se déguisent, il a fait les enfants un peu partout, non? Dans les sous-quartiers. Ils envoient les gardes du corps. Ils envoient les chauffeurs. Les chauffeurs. Et quand tu parles, tu rencontres le ministre. Il faut qu'il soit ce qu'il veut. Mm-hmm. Maintenant, il a ici. Tu as rencontré le ministre. Combien, par exemple, as-tu eu d'un ministre qui est comme taux élevé à l'issue de ton service que tu lui as rendu? C'est-à-dire que d'un ministre, par exemple, tu as eu combien de semaines? Ce sont quand même les gens qui touchent de l'argent. Frère, mm-hmm. Je vais rendre ici, c'est secret. Mm-hmm. C'est qui donne beaucoup l'argent? C'est le ministre qui ne donne pas beaucoup l'argent. Pardon. Les ministres? Mm-hmm. Ok. Ils sont gros pecs. Ils sont gros paras. Ou bien peut-être. Si tu vois un ministre commence à donner l'argent à une femme, mmh. Il faut bien regarder. Mmh. C'est-à-dire que tu vois qu'on a ça avec sa copine, il est en train de soutenir quelque chose. Mmh. Mmh. Mais les choses que pour un temps, il ne donne pas. Mmh. Il va te donner une énorme somme. Mmh. Tu penses que tu vas avec un ministre, il va te donner combien? Par rapport à une autre personne. Mmh. Donc tes plus grands clients donc venaient de quelle couche? Des hommes d'affaires. Des hommes, oui, les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, oui, mais les hommes d'affaires, oui, les blancs aussi. Mm-hmm. Oui. Les blancs aussi. Et les hommes aussi vont. Un peu partout. Mm-hmm. Ouais. Wow. Donc tu fuis le Cameroun pour aller en aventure. Donc j'ai fait étape par étape, je ne suis pas arrivé ici directement. Oui, tu première étape après le Cameroun, c'est où? Cotonou. Cotonou au Bénin. Cotonou. Le siège de Vodou et de tous les autres mouvements de Vodou et des mauvaises choses. Ils sont partis faire les sacrifices avec les bœufs. Oui. Avec les passeports. Oui. Frère. Là, oh. tu le rencontres. Je ne rentre pas maintenant dans le territoire même vaudoumène. Oh. Si tu n'attaques pas les gens là, ils ne vont pas te faire le boudou. Ça, c'est une vérité. Raconte. Si tu ne vas pas dans les territoires, ils ne vont pas te faire le boudou. Mmh. J'ai commencé là. Entre nous. Papa, avec le frère. Je partais dans les points de vue là-bas. Je fréquentais là-bas. Tu avais déjà tes stratégies, tu connaissais déjà. Non. Quand j'arrive dans un pays, frère, pays bien nuit là, il faut que je visite le territoire. Tu passes sur le territoire? Non, pour en même temps, il faut que le taxi me fasse sur le territoire. Je ne suis pas venu rire. Je ne suis pas venu blâmer, je ne suis pas venu dormir. Il faut que je connaisse déjà où la bonne ennemie se trouve, où tel type se trouve, où tel endroit se trouve, où il y a les grandes personnalités. En outre, il faut que je connaisse. En détail, tu causes le taxi pendant que vous visitez? Non, je cause avec lui, il me dit. Tu prends son numéro. Tu prends son numéro comme ça, oui, il y a un besoin, tu l'appelles. Quand tu connais à toi-même, tu le zappes au tassement, tu comprends que c'est un menteur, il veut venir t'escroquer. Et t'appelles, mais tu n'es plus avec le père, je connais à la ville, frère, laisse-moi. C'est bon comme ça, oui. Je connais à le territoire. Donc c'est comme ça maintenant, toi, tu prends maintenant. Ta vie, là, à Cotonou, comment tu peux faire pour t'en sortir avec les femmes vaudouans qui sont pleines dans la sorcellerie? Oui, parce que les nanas baissent là, ce sont des femmes qui travaillent plus sur le Bénin. Les manies ne font rien. Tu les vois avec les grosses voitures là, ils font rien. C'est les femmes qui font tout. Tu vois les grosses, les grands voitures là. Oui. Ce sont elles. Quand tu arrives, elles sont assises là. Mais utilisant l'esprit des sorcelleries. L'esprit des sorcelleries. Pour avoir de l'argent, avoir la notoriété, être imposante. Mais c'est sans être de l'argent imposant pour un mari. Oui. Parce que leur mari aime le dehors. Oui. Ce n'est pas mais une. À Cotonou, oui. C'est plus les étrangers qui donnent la nouvelle femme. Les étrangers. Pas les béninois. Les gens de l'Afrique de l'Ouest, c'est pas comme ça. Il faut partir par pays que tu vas connaître les règles. Les béninois, ils ne donnent pas la jeune femme. Oui. Parce que ce sont les hommes, les femmes qui travaillent pour eux. Oui. Mais ce sont les étrangers qui quittent d'elle pour venir. Oui. Qui donnent la jeune femme. Ok. Et maintenant, quand les béninois qui sont mariés, quand les femmes leur donnent l'argent, eux aussi sont venus par les femmes. Non, ils sont mariés, prennent les grosses voitures à l'année, je crois qu'ils sont des gens. Oui. Ils ont rien. Alors que c'est les femmes qui donnent l'argent. Par exemple, les filles-là, elles-mêmes te disent. Parce qu'il faut être en rapport avec ces filles. Quand tu arrives, tu ne peux pas faire ça. Pour connaître le territoire. Oui. Elles-mêmes te disent que non, chère, le monsieur, c'est un menteur, c'est un bandit. Une arquine. Sa famille le mourir. Tu connais parce qu'elles sont. Tu dois aller là-bas. Non. Si tu t'appelles, il ne faut pas t'approcher. Tout l'argent qui dépend de sa femme. Toi, la femme va devenir quoi? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans ton métier, dans ton j'ai ancien métier? Le frère, les difficultés, ceux qui me tapaient. J'ai fini avec lui, il me tape. Il me balance sur les escaliers en plein jour matin. Tu le maudis comme ça là, que tu vas voir. Même le génie ne bouge pas. Il faut venir se parler. Et c'est pour ça que les filles, elles prennent l'initiative de faire quoi? Les prostituées là. Quand l'homme n'a pas de tutelle pour aller, elle t'amène pour elle connaît. Parce que c'est comme on là-bas, on peut la protéger. Puis, si elle part ou avec quelqu'un, lui te dit qu'il va le dire. On vous connaît déjà. Les njoteurs, parce qu'on appelle tout homme qui pas l'argent njoteur. Donc c'est comme ça, donc on t'amène. Moi maintenant je t'amène déjà où je connais. Parce que là-bas, si j'ai plus la laisse, si ils vont venir. En même temps, tu vas sortir l'argent. Mais si ta mère te connaît, il m'a tabassé. Même ton autorité là, tu n'avais plus. C'était fini. L'autorité en plein jour. Là, je vais ici. On balance et je suis satisfait tout là. Pouah, en bas là-bas. Ta gueule. Tu fais maintenant comment? Pour se traverser là parce que le tel était en plein avenir, j'ai bien là. Regarde les élèves qui passent là. J'attends, je joue là, je n'ai pas attendu. Que les gens, que la circulation. J'ai pris le taxi comme la maison. Travailler sans salaire. Sans salaire. Mais parfois, tu pars, je tombe sur un bandit, lui-même vous l'envoie ton frère. Tu ne peux rien. Tu as fait comment? Ton argent est posé là dans le coin de mon nez. Peut-être que tu ne sais pas comment ça s'est passé. Il me l'a volé. Donc pendant que tu calcules le bandit, te calcule. Lui-même te calcule. Il y a beaucoup de difficultés dans ces choses-là. Waouh. Et tu as quitté le Niger. Pourquoi tu as quitté le Niger? Parce que le but n'était pas des. Ce n'est pas le Niger, c'est Cotonou. Cotonou, au Bénin, Cotonou, au Bénin, ok. Bénin, Mali, Burkina. Waouh. Burkina, Mali. Regarde comment j'ai. Attends, et tu, là, c'est ça le territoire, un territoire musulman. Mais. Et normalement, dans les territoires musulmans. La position là-bas. La position. Et tu, est-ce que tu. Il y a le cas des imams qui venaient. Est-ce qu'il y a les imams qui font aussi ça? Ils font ça. Même les présidents là-bas sont de la nuit. Le président de ces pays-là aussi. Comment tu parvenais à venir côtoyer aussi les ministres des d'autres pays? Au moins dans ton pays, on peut comprendre que tu connais au moins les autres. Comment tu fais pour contacter les ministres dans ces pays-là? Le président. Partout, il y a ce secteur-là. Il y a ce secteur-là. Ok, non, ça veut dire que ce n'est pas. Il n'y a pas de pays qui les avait. Ok. Tu repères seulement, tu y vas. Et comme, tu es, on sait que non, c'est quelqu'un qui est sans neuf. Quand tu arrives quelque part, ils ont des nouvelles femmes. Mm-hmm. Tout ce qui est nouveau. Donc, à Cotonou, donc, tu as touché aussi les ministres. Oui, j'ai touché tous ces autres sénégalais. Parce qu'ils ont des cercles. Mm-hmm. Il faut qu'on t'amène. Mm-hmm. Quand tu es arrivé là, tous ces filles-là, même les hommes de là-bas. Oui. Ils disent que non, ma chérie, tu es très belle, attends, je vais t'amener, je vais te monter dans le bois là, c'est là-bas qu'ils s'assoient. Oui. C'est comme ça se passe. C'est un business, non? Tu n'avais pas peur du vaudou? Je n'avais pas peur du vaudou, frère, je n'étais pas parti chercher le vaudou. Je suis parti chercher mon agent, frère. Oui. Je suis parti chercher le vaudou. Non. Hein? Non. C'est différent. Et les filles qui travaillent le vaudou là-bas, le cas des sorcières, les Camerounaises, on s'en moque là-bas. Oui. Les deux mamelles sont allées pour les affaires. Oui. Ils enterrent les deux pour avoir l'argent. Les passeports, ils enterrent. Oui. Et ça les tue finalement. Et les pasteurs qui viennent prendre le pouvoir. Donc, mais là, quand elle parle maintenant là, les gars, ne lis pas. Oui. On a vu les choses sur le parcours, sur le chemin là. Comment on a su que les pasteurs là, ils prennent pas, ils prennent pour un Niger. C'est pas aujourd'hui, au Niger, c'est pas aujourd'hui. Raconte, c'est pas ici. Raconte. L'esprit, man, même si, même si le pasteur s'est fâché, il n'y a pas d'esprit, il est fâché là. Ce sont les esprits, man, c'est les manqueurs. Mm-hmm. On est tombé sur un au Burkina. C'est un esprit, man. Tu es là, tu le connais. Il sait ce que il dit, non. Raconte-nous. Maintenant, il dit que il a fait une et les Nigériens disent, il passe là, c'est le menteur. Il parle à ma chaîne. En bien frère. En bien frère, il dit à petit père. C'est le menteur. Il vient prendre le pouvoir chez moi. Attends, qui disait ça? C'est le Spiritman. Spiritman, donc le marabout. Oui. Vous étiez chez le marabout? Non, il est piloté dans le même hôtel que nous. Ah, ok, le marabout était là à l'hôtel. Oui, c'est Spiritman. Lui, il dit que donc, beaucoup viennent au Niger pour prendre le pouvoir. Ok. Donc, on l'appelle Spiritman, donc l'homme esprit. Lui faisait quoi à l'hôtel? Il était là chercher ses clients, mon frère. Le client à l'hôtel? Le spirituel, lui, cherchait des clients qui peuvent prendre son argent. Préparer l'argent. Il vient monter les trucs, il fait comme si c'était vrai, pourtant c'est faux. Mm-hmm. C'est un fait-man. Parce qu'il y a les spirituels et les fait-man. Mm-hmm. Ok, spirituel, c'est quelqu'un qui fait comme s'il était un grand marabout. Mais il fait comme si, en fait, il communiquait même avec le Seigneur, avec Dieu. Oui. Que tout ce qu'il va te dire là, c'est la vérité. Oui. Et il utilise d'autres pouvoirs qui te font voir même ta vie, tout dans ta vie. Oui. Donc en réalité, il est en relation avec l'esprit. Il a esprit. Un autre esprit. Mais il te dit quand même les choses qui sont vraies. Oui. C'est vrai qu'il a signé le pacte avec le diable où il a un pouvoir pour pouvoir convaincre. C'est là où on a su que les pasteurs là, partaient prendre le pouvoir en Niger. Mm-hmm. Qu'est-ce que donc cet esprit que vous allez rencontrer à l'hôtel à Burkina Faso. C'est lui qui nous a expliqué toutes ces choses. Bon, qu'est-ce qu'il a donc dit? Il a dit que quand les pasteurs là viennent, ils veulent l'onction. Mm-hmm. Ils veulent l'onction, ils veulent les guérisons, oui. Ils veulent délivrer les bébés. Oui. Et quand ils voient qu'ils ne peuvent pas, oui. Ils disent que, ah, Daman, il avait dit, Daman, mm-hmm. The chief man. Donc, je dis que ce sont des bandits. Donc, il est cité comme ça, le pasteur. Oui, mm-hmm. Les bandits disent, il parle à plus comme ça. C'est un autre esprit, mm-hmm. C'est un menteur. Ils viennent chez nous là-bas, ils viennent prendre le peuple pouvoir pour guérir les malades, mm-hmm. Pour délivrer les malades, mm-hmm. Pour avoir l'onction. Et là, vous avez commencé à rire. Hmm? Mais quand il parle au lui, non, il se jette à terre. Et il n'a pas donné de pasteurs qu'il connaît. Est-ce que les pasteurs de façon spécifique sont venus vers lui pour acheter des propos, mm-hmm. Chercher le pouvoir? Non, il y a même les pasteurs là-bas au Burkina, non. Ok, du Burkina Faso, même qui le consulte, qui vient le voir. Il est dans ma native. Donc quand tu vois quelqu'un, il dit, cette personne c'est un bandit. Et après, il va prendre la Bible, il dit que, non, la God. quel God? Ce n'est pas God, c'est un autre esprit. Donc, ça veut dire qu'il faut que les gens fassent attention. Attention. Et là, finalement, dans nos pays, par exemple, en Côte d'Ivoire, en Afrique de centrale, on voit des gens qui viennent du Nigeria, du Bénin. On dit que c'est il y a un grand homme de Dieu qui vient, il y aura des miracles, il y aura des soucis. C'est faux. Parce que dans tous ces pays-là, il y a les églises à 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, culte. C'est quel quartier de culte? Bonne question. Prière. Quel quartier prière? Et tout ça. Après, on te dit, viens avec ton sac, ton prostitué. Oui. Viens avec ton sac, on va pas bénir ton sac quand tu vas sortir là. Attends, on sait que tu es prostitué. Il ne sait pas que tu es prostitué. On dit qu'avec ton sac. Venez avec ton sac, on va bénir. On va verser l'eau bénie. Oui. Quand tu vas sortir là, tu auras beaucoup d'argent. Comme à Cotonou, oui. L'église catholique, 5h culte, 6h culte, 7h culte, 8h prière. Donc c'est comme ça. En tout cas, les prêtres, eux, sont dans la prostitution. Eux, sont dans la prostitution. Tous ces pays-là sont écrits dans l'abomination. C'est terrible. Et ce sont les grands qui nous gouvernent, qui vivent là-dedans. Donc, les grands, là, hein, ils ont leur cercle où, quand ils s'assoient, ils ont les viandes à part qu'ils mangent. Les viandes. C'est long, hein. Moi, je peux prendre un enseignement pour parler. Toute ma vie parler, c'est là. D'autres n'auront pas le temps, frère. Il y a trop de choses à dire. Quand ils s'assoient comme ça, ils ont leur plat qu'ils mangent. Ce qui est spécifique. Oui, la chair humaine. La chair humaine. Et comment ils font pour obtenir cela? Mais, ils n'obtiennent pas comment. Ça veut dire que dans ces restaurants, quand ils vont dans ces restaurants-là, oui, ils savent, les gens qui sont là. Ils savent, c'est spécifique. Ce sont les gens, c'est pas tout le monde qui est de la base. Ce sont des cercles, c'est un cercle fermé. Oui, c'est des circuits fermés. Tu passes. Tu ne peux pas croire qu'il y a quelque chose là-bas. Mais quand tu es là-bas, wow, tu penses que c'est le paradis. Pourtant, c'est la mort. Ils ont tout ce qu'on peut appeler luxe. Il y a tout dedans. Des casinos, tout dedans. Tout dedans. Et comment ça va s'allier et manger? Donc, en vrai, les vrais terroristes et des âmes et des personnes. On ne les voit pas comme ça. Ce sont les gens qui nous dirigent. Qui dirigent le pays. On ne les voit pas comme ça. Ils ont les cercles fermés, le circuit fermé. Il y a les casinos dedans, il y a tout dedans. Quelqu'un peut entrer dans le casino, il faut une semaine dans le casino, c'est normal. Et quand tu ne vois pas le dehors. Il est seulement en train de jeter l'argent, les milliards dans le casino. Et quand il te voit passer, il dit, parce que nous là, on connaît. Avant là, je connaissais, on est les titans. On dit, à telle heure, les casinos sont, c'est bon, on entre, ils distribuent l'argent. Quand ils entrent, ils distribuent la femme, ils distribuent l'argent. Parce que cet argent là, ça. Il faut qu'ils dépensent. Il faut qu'ils dépensent, ils disent, venez les filles, on fait la fête. Plus ils dépensent, plus comme ça que ça vient, on ne sait même pas où ça sort. Ils ont fait aussi le pacte avec le diable. Oui, le diable. Toute la nuit, ils ne dorment pas. C'est l'esclavage. C'est l'esclavage. Il y a ceux qui vont te dire que la nuit là, c'est le jour qu'ils dorment un peu. La nuit, je ne dors pas. Jusqu'à 6 ans. Ils ont de l'argent, ils ne peuvent pas vivre de cet argent parce que ce n'est pas normal, c'est pas de l'argent. Quand ils sortent comme ça, c'est pour. En fait, même dans ce désordre-là, il y a une vie dans chaque homme. Même dans ce que je faisais, j'avais une vie dedans de moi. Oui. Oui. Malgré tout ce que je pouvais faire, je sentais quelque chose qui n'allait pas dedans de moi. En tout cas, de toute façon, quand tu es un enfant du Seigneur, quand tu es un enfant prédestiné par lui, parce que d'autres ont tué leur conscience. Non, ça n'allait pas. Même si tu parles, ils ne comprenaient pas. Parce que... Ça n'allait pas. Comment tu vas aller dormir dans une maison que ce n'est que télécommandé? Tu ne vas pas là, on appuie sur la télécommande. Donc tout apparaît comme ça. On appuie, quelque chose apparaît. Dans le lit. Tu es dormi dans les endroits. Explique-nous, ma soeur, on appuie, quelque chose apparaît. Oui, on appuie et télécommande. Oui. La porte s'ouvre. L'autre porte s'ouvre. Le lit apparaît. Donc, même si vous fuyez, tu ne peux pas fuir là-bas. Toi, je fuis comment? Le lit sort du mur. Tout est en blanc. Oui. Tout est en blanc. Et le matin où tu te retrouves dehors, parfois quand je sens de là, je regarde encore les vies. C'est comme ça que ça me faisait rire. J'ai dormi. Mais je dormais sans dormir. Parce que ça te tire. Oui. Et les femelles, je dis, hé, veux-tu du sucre? Parce que, fort possible, c'est un mauvais esprit. Parce que c'est pas normal, tu dors dans la maison où tout est télécommandé. Tu sais que tu dors. C'est terrible. Burkina Faso, les imams, pas l'un des imams, les imams qui prêchent Allah et autres. Allah Koubabala. Oui, parle-nous. Allah Koubabala, quand lui vient là. Non, là, Allah Koubabala. Lui, quand lui vient s'asseoir, peut-être. Bonjour, parce qu'il ne parle pas d'abord bien français. Parce qu'en fait, au Burkina, les autres personnalités aiment beaucoup les motos. La nuit, ils prennent les motos ou bien les bicyclettes. Ils gardent toutes les grosses voitures. C'est pour ça que tout est confondu là-bas. Le président passe en Tunisie, c'est parce que c'est lui. C'est lui qui est là qui te dit que voilà le président qui passe. Parce qu'il est sur la moto comme tout le monde. C'est comme ça la fille de l'Ouest. C'est pas comme chez nous que le président est gardé. Oui. Non. Il est sur la moto comme monsieur tout le monde. Il y a les grosses voitures. Il y a la bicyclette. Il y a les motos. Il a un sandal. C'est un boubou. Simple. Alors que c'est un riche. Quoi? Mais on connaissait la stratégie, comment on connaît, ça. Quand tu t'apprends, on sait que toi, tu es un gros poisson. Oui. Parce qu'on connaissait déjà tout. Et ça se dit bonjour, ça va, bonsoir, oui, on parle, Après, peut-être en journée même tu l'avais version. Lui-même ne sait pas. Lui-même il te dit que je t'ai vu là, en journée là, tu étais comme ça, oui, moi je dis, moi je t'ai vu. C'est comme ça. Tous ces hommes-là sont dehors. Il n'y a aucun homme qui doit venir. Il doit marier sa femme. C'est terrible. Ces hommes-là. Comment tu as fait donc pour te. Parce qu'il faut qu'on coupe vraiment court. Comment donc tu as fait pour arriver au Maroc et pourquoi? C'était dans l'optique de traverser. Toujours dans l'optique de sortir. Pour aller en Europe. Oui, pour aller en Europe. Frère. Parce que c'était moi. L'objectif. L'objectif. Europe à tout prix. Europe à tout prix. Tu comprends un peu, non? J'ai fait tous ces pays-là, la Gambie, le Sénégal, tous ces trucs-là. Et quand mon voyage n'a pas marché au Sénégal pour que je monte au Mali, au truc, en tout cas, je me suis lancé encore. Parce que maman, elle était tombée en prison, en Égypte. Là, je pense environ un an, toujours pour la Femania. Donc, par exemple, tu étais de ton côté, tu débroussais, il débroussait de son côté. Non, je débroussais. Mais parce que je devais aller sur l'Égypte. De l'Égypte de la mort, je devais foncer. Mais le voyage n'avait pas marché. Puisqu'on utilisait les faux documents encore. Tout ce qu'on avait était faux. Faux. On parle de passeport, on utilisait un passeport guinéen. Les passeports guinéens. C'est terrible. Tout était faux. Et ces passeports-là, comment vous faites pour les avoir? Tu es un exemple. C'est lui-même qui part, qui était parti en Guinée. Il t'a porté ça. Oui. Il part, il dit même, il y a l'église qui est. Donc c'est un passeport authentique, mais de la Guinée. C'était un ancien bandit. Oui. Il ne pouvait pas obtenir son argent, mais pas un ancien bandit. Comment? Donc lui-même s'est déplacé pour aller faire nos deux passeports guinéens. Quoi, avoir la facilité de circuler. Oui, donc, parce que la Guinée. C'est visa free. Pour venir ici, pour aller un peu partout. C'est visa free. C'est comme ça. Et donc, là, si on t'interpelle que tu es de quelle tribu de Guinée ou là-bas, comment tu vas t'en sortir? C'est dans ta tête. C'est enregistré. Comme l'ordinateur. C'est le seul pays qu'on n'avait pas de problème, c'est aussi au Mali. Parce que le pays, comme on est visa free avec le Mali. C'est bizarre. Oui, parce que même avec la carte d'intérêt, on peut y aller. Oui, même avec la carte consulaire. Tu vois. Et là, quand tu quittes le Mali maintenant, tu as foncé avec Guinée. Tu es devenu Guinéenne. Frère, tu parles avec moi. C'est au Mali qu'on avait fait nos passeports. Le temps au Mali, il est parti faire nos passeports. Oui. Mais quand il sortait pas avec ça. Et pour sortir avec la carte consulaire. Parce qu'il y a l'ambassade du consulaire là-bas au Mali. À Dakar aussi, il y en a. Donc, je suis parti là, la dame m'a fait la carte consulaire. Je ne circulais pas avec ça comme ça. Mais si c'est pour voyager, aller prendre le vol, c'était les Afriques. Oui. Je n'avais pas besoin de visa. Oui. Et, quand tu, maintenant, et là, maintenant, pourquoi, malgré avec la carte d'identité, le passeport guinéen, on n'avait plus circulé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et non, quand on dit circuler, on dit quand, quand on fait les passeports là, c'est pourquoi? C'est pour aller ailleurs. Le plus, c'est pour quitter le. Pour aller ailleurs, parce que le passeport guinéen, tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on fait là, c'est pour toujours aller ailleurs. Oui. Puisque si je quitte ici, si je quitte le Mali pour aller à Dakar, oui. C'est ça que je présentais. Oui. Parce qu'il y a la libre circulation à partir de là. Je dois présenter ça. Je ne pas en Gambie, je dois présenter ça. Et là, tu as quand même pu rouler avec cela. Oui, je roulais. Qu'est-ce qui a causé le problème maintenant pour pouvoir aller en Europe donc? Pourquoi tu te retrouves ici? Voilà, plein de questions. Tous ces tours-là, une seule personne, tous ces tours-là, ils étaient là-bas. Quand ils sont maintenant en prison, parce qu'à un moment, on avait kidnappé. On l'a kidnappé. Qui? L'autorité? Non. Ils partaient prendre l'argent, on l'a kidnappé. Kidnappé, là-bas en Égypte. Oui. un moment, le lait ne voyait plus. Le retour. Non, non, on vous enchaîne dans une maison. Le choc retour. On vous enchaîne dans une maison, personne ne vous voit. Et maintenant, le président de Cameroun a commencé, on a commencé à les chercher. Maintenant, on m'envoie la nouvelle que, ah, assurément, il est mort. Il dit, ah, ah, ma part est venue. La vie qu'elle cherche là, ma vie là me cherche aussi. Là, j'étais hier à Dakar, la nouvelle me vient comme ça. Maintenant, ça m'a encore donné. J'étais encore révolté jusqu'à. Que je vais sauf que partir. L'affaire là. C'est comme ça, j'ai commencé encore, même là-bas à Dakar, je faisais la prostitution. Je faisais la prostitution. Au Sénégal. Dans ma tête, oui. Je ne fais pas tout, j'ai passé de la prostitution. Donc, dans ma tête, c'était que, ah, comme je n'ai pas les nouvelles, parce que ça fait des mois et moi, je n'en avais pas les nouvelles, hein. Le kidnapping, c'est comme ça. Oui. Tu ne sais pas si tu vas s'en sortir. Tout le monde savait qu'il était mort. Un jour, donc, je les nouvelles que, ah, ils sont vivants, mais ils sont en prison. Parce que là-bas, quand tu tombes en prison, quand vous partez, quand vous sortez directement à l'aéroport, on vous expulse du pays. Non, non, non. Directement, vous passez à l'aéroport. Et il a fait combien d'années en prison? Il a fait presque un an. Un an. Après ça, maintenant, étant avec le passeport guinéen, on l'a expulsé où? En Guinée, mais il est sorti ici. Ici au Maroc. Mais comme... c'était un peu mal avant, non? C'est oui. La technique, là. Oui. Parce que dans le vol avait presque allé ici. Il est sorti. Il dit, ah, moi, Maroc. Pourquoi avec Guinée? Je ne suis même pas avec Guinée. Il dit, ma mère, dès que je suis arrivé, j'ai fait transaction un tour, je suis arrêté à dehors. Ils savent comment ils font, avant. Parce que ce n'était pas ici qu'ils devaient descendre. Oui. Donc, par grâce. Scal. L'escal est venu au Maroc. Il a dit que merci beaucoup. Il a dit, hein? Avant, l'année, j'étais là-bas en Guinée. Qu'est-ce qu'il veut expliquer? Avec la guerre qui est en Guinée là-bas. Je vais expliquer quoi en Guinée qu'on t'a dit là-bas. Je ne suis pas guinéen. Et c'est vrai. Parce que quand on voit les Guinéens, c'est qu'ils sont les Guinéens. Oui. Je ne sais pas, qu'est-ce que dès qu'il a fait, en fait, ça a même pas été sorti. Et s'il est entré en Guinée, il fait la prison. Oui. Et la prison, non, en même temps. On ne le sortait plus. Et c'est comme ça qu'il m'appelle. Là, j'étais déjà au Niger. Il m'appelle et dit, ah, maman. Je suis au Maroc. Je suis au Maroc. Il dit, ah, papa, comment, c'était à l'aéroport quand Casablanca vient de. Ici Casablanca. Casablanca. Il a fait comment pour sortir de cet aéroport-là? Mais lui-même dit qu'il ne sait pas combien de soucis l'aéroport. Parce qu'il n'est pas sorti ici. Parce que si l'avion atterri au tarmac, sur le tarmac. Il ne devait pas sortir ici, ce n'était pas son axe, ce n'était pas ici, c'était en Guinée. Il dit que, mais j'ai déposé la fille à terre. Il dit que si on n'est pas là-bas, la prison qu'il a fait là-bas, je ne sais pas s'il va sortir. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est faux, je n'ai pas guinéen. Mais comme ça, il m'appelle, il me dit, ah maman, je suis au Maroc. Je dis, ah, comment au Maroc? Il a dit, l'itinéraire a changé. Il dit, quand on a voulu faire ce qu'il m'a expliqué, j'ai fait comment il faut, comme je me suis retrouvé dehors. Comme ça. Là, je suis déjà au Niger. Le Niger, maintenant que je prends le vol pour ici. Tu es allé, ok, direction maintenant. Oui. Maroc. Oui, j'ai pris le vol avec le passeport là. Je suis allé payer le ticket, je suis venu ici. Parce que là, encore avec le passeport guinéen, où pouvez. Non, je peux venir ici. Ça passe. Ça passe. On a pas tout là, ça. On a plus de raison ici. Ça passe. Ça passe. Ok. Et ici donc, est-ce qu'il y a eu, des cas de la prostitution? Enfin, quand tu es venu ici, normalement, tu as aussi fait la prostitution. Quand je suis venu ici, oui. Merci frère, parce que tu as posé cette question. Quand je suis venu ici, parce que tu sais, dans la vie, là, le Seigneur, il était vrai. Moi, aujourd'hui, là, j'ai dit au Seigneur, mourir, c'est mourir. Quand je suis venu ici, j'avais encore cette esprit, je ne connaissais pas ma vie. J'avais encore cette esprit de prostitution. Oui. À moi, est-ce que j'étais délivré? Non. J'étais vraiment délivré. Mais quand je suis sorti ici-là, même ici, j'ai sorti avec les Marocains. Oui. J'ai sorti avec les Marocains ici. Je suis venu ici. Quand ils sont venus, c'est un frère qui nous avait hébergé là-bas. Et tout là. Je suis venu les trouver là. Ils sont venus chercher un. Non. Parce qu'ils n'avaient pas les sous pour venir chercher un repos. Moi, je suis venu. Avec le train, ils m'ont dit comment le jour il pleuvait tellement. Parce que le Seigneur m'a donné vraiment cette force. Je suis venu ça. Courageuse. Ils m'ont trouvé dans la gare de machin là. Ils m'ont pris, je suis parti à la maison. Même ici. Mais c'était pas, c'était tout doucement. Oui, c'était pas ressenti. J'avais peur des Arabes. C'était tout doucement dans le secret. Jusque quand le Seigneur me dit. Ceci nous introduit justement au niveau de la conversion. Donc, comment ça s'est passé? C'est par le frère qui était moi, de ma conversion. Oui. Parce que je dis vraiment. C'est lui qui t'a persécuté. Le Seigneur vraiment mis sur mon chemin. Sincèrement, je parle ça aujourd'hui. Parce que quand nous sommes venus, on a dit qu'on devait posséder le territoire. Pour le posséder le. Donc c'était le Canaan. attends, explique-moi le langage là. Ça veut dire que vous devez parcourir le territoire comme Abraham. Venus là, oui. C'était même pour frapper le roi, frère. Et toucher même le roi. C'était le territoire, c'était ça. Donc l'objectif roi. Femme fait man, homme fait man. C'est un couple diabolique de l'empirique. On parle de demander les gens les prions, frère. De posséder le territoire, frère. Attends. Donc on se comprend très bien. Vous voulez la complicité de mon frère le pasteur. Pour qu'il prie pour vous, pour que les portes s'ouvrent. Vous ciblez le roi Mohamed VI. Qu'est-ce qui se passe là? Quand on arrive maintenant dans ce pays, oui. Oui, c'est la mauvaise pomme que vous avez fait ici. Oui. Étape par étape. Oui. Parce que donc là c'est trop long, ça ne va jamais finir. Oui. On parle de ma conversion. Parce que c'est trop long. C'est trop long, oui. Quel est venu maintenant? Et on est venu, non? Donc c'était pour frapper ce pays ici. Fort. Même toucher mon roi après. Est parti. Lui et moi. Oui. Parce que deux personnes ne marchent pas ensemble sans arrêt. Oui. Quand vous dormez, vous faisiez des stratégies. On faisait des stratégies. Parce que moi, j'ai même le fait. Je sais comment tu me le fais. Hein. Je peux prendre ton argent. Allez. Et Dieu vous a mis sur la route de celui-ci. Non, maintenant, on arrive. Attends, j'arrive, non, je le trouve. Oui. Le dimanche qui suit là. Frère, mais j'avais préparé mes tenues pour l'église. Hein. Mais vous dites, quand je suis ta vie, hein, oui. J'avais cousu les pagnes, tout. Pour causer, quand tu es parti à l'église, non, tu portes. Je suis décent. Et sincèrement, quand je suis arrivé le premier jour là-bas, j'étais très décent. Camouflé. Oui, ah, masque. Mes mèches là, tu ne peux pas aller voir derrière, frère. Ça arrive ici. Sirène des eaux. C'est comme ça qu'on demande au frère que frère. C'est lui-même qui nous avait indiqué. Dieu là, Dieu connaît. Là, vous n'avez pas de relation avec lui. Quand on connaissait la personne, ça fait une semaine que nous sommes là. Moi, ça fait une semaine que moi je suis venu au Maroc. Lui, ça fait peut-être 3 semaines. Parce qu'il était venu avant moi. Maintenant, on demande au frère Nonoko. Ah, frère, c'est Nonoko qui connaît aussi notre vie, notre devise ici au Maroc. C'est comme ça donc. C'est lui ici. Non, il le connaît. Ok. Je me dis, on lève le dimanche, on dit, ah, on vient, mais on ne veut pas l'église catholique. Pourquoi vous ne voulez pas l'église catholique? Frère, vous connaissez déjà. La fête avait commencé à brûler en nous, même depuis le bas. Oui. Ok, vous n'avez jamais aimé ça. Non, je ne voulais pas. Mais je suis d'une famille catholique, mais moi, je ne partais plus. Oui. Je n'avais plus ces désirs. Donc, vous avez dit que vous cherchez autre chose. Parce qu'il y avait des abominations. J'ai vu ces choses dans la prostitution. Même quand on priait. Mais frère, quand on priait ici, on pouvait prier matin, soirée. Tu pries bien. Frère, non, vrai. Je prie, mais même ceux qui sont dans le Cameroun avaient peur de moi. On croit que elle sort de l'école publique. Il y a une maman là-bas, vaudou là-bas, une femme, une Camerounaise là-bas qui est au Mali là. Elle est une ancienne sienne mater. Hein? Elle a fait des fétiches fatiguées. Elle-même, un moment, elle était devenue folle. C'est comme quand elle me voyait fuir. Que pour toi, elle a peur de toi. Alors oui, parce que quand les gars, des filles venaient comme ça avec les gars, elle est séparée. Mais pour moi, elle n'a pas pu séparer, frère. Son volume n'a pas marché. Elle n'a pas pu me séparer. Parce que quand elle me regardait, elle comprenait qu'on ne peut pas se séparer. Prière, quelqu'un, je mets prière ici. Elle-même là, elle fuit parce qu'on partait boire dans son maquis. Oui. On a même logé où elle avait son truc parce qu'elle avait pris un duplex. Il y avait des champs là-bas. Mais prière, quand vous me dites, bon, allez ici. La femme, quand elle me voit distant, donc quand elle s'assoit sur son homme comme ça, moi, elle m'assoit là-bas, elle me guette. Elle dit, toi. Ce n'est pas simple. Parce qu'elle a séparé beaucoup de qui venaient comme ça en aventure. Mais pour moi, elle n'a pas pu séparer. Je vous avais dit. Pour moi, alors, on ne prend pas ça. Que tu es une fille bassa, non seulement fille bassa. Les bombocs. C'est comme ça que c'est aussi banal pour moi aussi. Oui. Donc, on ne sait pas les coups de pont au frère Camerounais. Chacun avait sa dose. Oui. Donc, c'est comme ça, mon Bénin aussi, on arrive. Ils veulent aussi me prendre. Pour te prendre comme tu as une nouvelle vie. Et il dit, ah, donc moi, je souffre. Il souffre de mille ici. À Dorita, vous venez prendre. Comme c'est quelqu'un qui est tellement naturellement fort, il est boxe bien. Il s'est calme. Donc, c'est comme ça, donc, ici, au Maroc, c'est comme tu. Vous cherchez dans l'église pour aller prier. C'est comme ça, le frère, on lui dit que non, on ne veut pas l'église catholique. Il nous a dit que maintenant, la mieux, il s'en est. Le frère, celui parce qu'il connaît. Il connaît le début de notre conversion. Il connaît tout. C'est comme ça qu'on arrive au dimanche là. On est là, on prie Dieu. on chante. C'est comme ça donc que j'ai commencé un peu. Après un moment, il dit, vous êtes Jésus là. Il faut même laisser ça. Tu as voulu fuir. Le frère aussi. J'ai planté encore. Il m'a réveillé. Le frère dit, alors que c'est lui que tu as invoqué chaque jour, que frère, non, Seigneur, on veut lui donner le sida. C'était pas le moment. Tu sais quand c'est pas le moment là. C'est comme ça qu'il est parti. Il vient seulement que tu vois. Lui aussi, il nous donne les enseignements, mais voilà, il nous donne les enseignements. Il était là, il nous donne les enseignements. C'est comme ça qu'il y a une maman, il dit au frère que tu sais, parce qu'on vivait dans la maison. Votre Jésus là. Il veut plus. Jésus là. Il veut comment il pleure là. Est-ce qu'il est où? Comme ça, il dit, il se parle aussi, c'est pareil, il pense se prendre chez lui. C'est comme ça aussi. Dans le secret, quand il faisait le travail, il était bombardé de la prière. Un jour, yes. C'est un seul jour. Dieu là, il ne touche pas deux fois. J'étais couché comme ça. Je me lève matin, vraiment. Je lui dis là-bas que je serai la première à aller au culte. Il me dit, ah. Il me dit quoi, maman? Ce frère, 5 heures, j'étais à debout, j'étais pressé. Il me dit, c'est comment? Que fait ta parole va finir. Quand je finis, d'abord, nous qui étions agressifs. Quand tu finis, il ne faut pas m'appeler. C'est comme ça que on a commencé. Le frère aussi, maintenant, le voilà. Non, avant même que le Seigneur me touche, avant que le Seigneur me touche, on peut avoir le passé, frère. On veut faire un jeûne de 3 jours à 7. Oui. Et nous, nous avons donné rendez-vous là-bas. Le frère, si je ne connaissais pas. On est allé avec le frère, nous, on avait fait le plan avec Ferdinand. Il me dit que, comme il m'appelait, mais qui m'a. Tu vois, non, on n'est pas venu perdre le temps, si tu peux perdre le temps. Et quoi qu'on est là, ils viennent en brosser au Maroc, mais c'est comme eux, qui restent ici. Dans l'église, nous, on est laisse-moi pour partir. On est venu pour s'asseoir, écouter la parole ici. Jésus, c'est devant, hein. Non, devant là, on va prendre, on va partir. Quand on arrive maintenant là, on avait fait tout le temps. On va faire 3 jours, je vais enseigner pour posséder le territoire. Pour posséder le territoire. Donc, par exemple, quand on donne le jeûne, vous avez votre objectif dans le jeûne. Non, c'est nous, c'est pas lui. Vous qui avez fixé le jeûne. On est venu dire au frère. Parce que le frère nous avait donné avec le frère et l'évangéliste et Vanja. Oui. La Fanelle. Le frère ne connaissait pas eux. On arrivait maintenant, c'était dans l'après-midi. Oui. Et comment ils posent une question que mais vous sortez lui. Parce qu'ils nous ont jamais vu, c'est normal. Oui. Je sais comment ça s'est passé, machin. Chacun répondait à son tour. Oui. Moi, on a dit maintenant que non, on prend le jeûne de. 3 jours. Pour posséder le territoire. Bon, l'expression posséder le territoire que vous disiez, c'est vous. C'est pas pour Jésus. Attends, c'est ça qui comprend. C'est vous deux là, celles qui comprenez votre territoire. Non, le frère ne comprenait pas. Mais il fallait que le Jésus vous aide à posséder votre territoire selon votre manière. Oui. Parce que explique-nous notre état. Explique-nous bien. Tu comprends, non? Oui. Le frère ne comprenait pas. C'est bien après que le frère a compris avec le métier le rôle d'amis qui est venu faire à Mise. On partait là-bas, mais on ne partait pas pour Jésus. Et durant ces 3 jours de jeûne, vous avez prié quoi? Vous avez dit quoi à Dieu? Quoi? Juste pour ajouter dans ce cadre, quand ils sont venus me voir, ils disent, on veut posséder le territoire. Vous voulez posséder. Moi, j'ai dit que de toute façon, votre jeûne que vous voulez faire, c'est pas un bon jeûne. Parce qu'ils voulaient que je les accompagne. Dans le jeûne, que tu jeûnes aussi pour les accompagner. Jeûne pour les accompagner. Mais je leur ai dit non, moi. Je ne peux pas vous accompagner pour venir posséder le territoire. J'avais compris un peu ce que j'étais en train de vouloir dire. Parce que je voyais les. Connaissez aussi la mentalité des Camerounais. Connaissez la mentalité. Je vais regarder. Je suis sûr, si quand tu me dis posséder le territoire, sûrement qu'ils sont en train de préparer une frappe. Je vais sûrement faire quelque chose. Bon, ils veulent frapper le pasteur. Voilà. Donc, non, je leur ai dit, écoute. Va-t-il revenir? Oui, oui. Donc, je leur ai dit, écoutez. On ne jeûne pas pour posséder un territoire. Ça n'existe pas dans les Écritures. Donc, je ne peux pas vous accompagner dans votre jeûne-là. Donc, moi, ce que je vous conseille, simplement, c'est de prier plutôt le Seigneur pour qu'il vous donne la capacité de davantage le servir. Donc, moi, j'étais dans cette optique. C'est sûr que quand tu as dit comme ça, tu as vraiment besoin que celui-ci soit encore doux comme ça. Effectivement, dès que ça sert l'opposant des territoires. Quand j'ai dit ça, j'ai vu le visage de celle-ci, elle a d'abord changé. Oui. Et donc, j'ai compris que dans ce cas, il a peut-être dit que le petit Simon, il est en train de nous raconter quoi ici. Que tu es un opposant. Que nous, on veut poser. C'était elle qui était plus virulente parce que Ferdinand, lui, était plus calme. Tu vois, il semblait être plus attentif à ce que je disais. Mais elle, je disais clairement dans son regard, parce qu'elle avait vraiment un regard colérique, elle me regardait. Que le dire. Viens nous dire. Donc il a dit que celui-ci c'est un opposant que il veut venir. Il nous empêche de comprendre notre culture. C'est ce qu'on même sans les autres dit qu'on sommes sortis. Voilà que le type c'est un opposant ici. Mais c'est dit même. Il dit, il raconte même quoi. Quand vous posez des vous partez. Il est là, il veut parce que quand on a fini là, quand nous sommes sortis là, lui et moi, quand il te parlait ça là, tu étais en colère. Non, tu es en colère. Il ne veut pas le bien de quelqu'un. Il dit que mais quel jeune homme gouvernement, ça ne concorde pas avec la parole de Dieu. Parce que lui-même, c'est un concours, c'est pas le Seigneur, c'est un concours. Il savait que c'est là. Mais en toile de fond, ces jeunes-ci, c'est le déclic de ces jeunes-ci, cette pensée des jeunes-ci, malgré que ce soit une mauvaise pensée, c'était déclenché par Dieu pour pouvoir vous amener quelque part à une tournure. Dieu est terrible. Même le fait que vous avez pensé en disant, vous pensez faire quelque chose, mais derrière ça, Dieu a arrangé ça pour faire quelque chose. On a fait. Oui. Bien fait. Sans manger, sans boire. Sans boire. Même mon père faisait jeûne à sec. Oui. 3 jours sec. Après, tu sortis, tu travailles encore bien dans ton travail. Oui, j'ai fait le jeûne sec. J'ai fait beaucoup de choses qui attiraient. En fait, tu comprenais que. Dans l'ignorant, Dieu t'utilisait. Il y avait quelque chose. Oui. Et là, quand vous êtes sortis, vous avez dit que la leçon de vous en êtes tranquille. Quand nous sommes sortis, la vie est vendue. Les gens viennent chercher les vieux. Je ne les vois pas. Combien de leçons, mieux de son mari. C'est le problème. C'est devant. On appelle nos vies jeunes, notre jeune, vrai, en priant. Vous priez quoi? T'as dit les prières après. Ce n'est pas prier que. Prier, c'est pour avoir l'argent. Oui, donne-nous le système. Quand tu vas poser les pieds là, quand il parle là, l'argent sort. Et ils invoquent comme ça le vrai Dieu. Oui. Que Seigneur, donne-moi que s'il parle à Mohamed VI. Oui. Quand il me voit comme ça, il me donne tout le dinar. Il faut qu'il soit en face. Des grandes personnes, les dealers là. Que Dieu mette les gens qui sont devant lui qui ont l'argent. Les dealers là même. C'était notre but de vie. Posséder le territoire. Ça, posséder le territoire. Posséder le territoire. Ça, c'est à Casablanca. Posséder le territoire. Vous parlez de Bible. Tu as compris? Troisième jour, déjà, vous avez fini. On a fini. On a le temps maintenant. On dit que nous, c'est que quand nous on gêne là, il faut que ça s'accomplisse. Donc Dieu a intérêt. Non, en même temps, quand on finit le jeu là, il faut te mettre en action. Il se met en action. Que aide-toi le ciel, t'aidera. Voilà. Donc, parce qu'il faut sortir pour aller regarder. Il faut sortir pour aller regarder. Parce que des poissons perdus là, des filets pour les attraper. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on a commencé doucement. Après un moment là, je me dis, Jésus là, il me perd le temps. Je me suis assis à la maison. Je partais plus en culte. Il connaît. Je partais plus en culte. Oui. C'est comme ça, j'étais comme ça aussi. Le jour là que tu as des scènes que là, je serai premier. Bon, avant d'arriver au niveau de la conversion, pour vous dire, à l'issue de votre 3 jours de jeûne, vous êtes allé maintenant pour sillonner le territoire et puis voir comment ça va aller pour ce soir. Quelle était la solution? Quel est Paris? 3 jours de jeûne là. Oui. 3 jours de jeûne à sec là. Oui. Elle ne partait pas sillonner. Oui, non, j'ai dit après le jeûne, vous êtes sorti. Oui, il est sorti. Oui, oui. Quel était le résultat donc? Pour aller chercher les trucs. Les gros poissons. Il avait les rendez-vous. Oui. Les numéros. Oui. Pour appeler. Oui. Hein? Il appelle, il manque. Il manque, mais c'est un mensonge. Parce qu'il y a d'abord, au début, là, le prélèvement. Le prélèvement. Explique-nous, c'est quoi le prélèvement? Le prélèvement, c'est quoi? Quand vous partez, vous rendez l'argent en matière. Il faut qu'on vous donne quelque chose qui peut vous aider à charger le téléphone, à payer les factures. Même ça, vous mentez seulement pour avoir. Puis à payer la maison. Oui. Ça, c'est un prélèvement. Vous prélevez ça comment? Hein? Comment vous faites pour prélever? Quand tu es en face de par exemple, tu vois là qui est assis là. Oui. Vous êtes assis comme ça. Le Mbutuku. Parce qu'on appelle le M. Mbutuku. Le M. Donc vous balancez des choses là pour nous embrouiller. Oui, le M. Mm-hmm. Et ce n'est pas ton vrai numéro que tu utilises. Mm-hmm. Tu peux utiliser un numéro du Mali. Mm-hmm. Tu peux utiliser un numéro du Burkina. Mm-hmm. Mais dans toutes ces zones-là, il y a les numéros spécifiques qui passent vite. Mm-hmm. On n'utilise pas n'importe quel numéro. Oui. On peut connaître la saison aussi là, c'est la France qui a la une. Oui. C'est les numéros là qu'ils utilisent. Ils font comment pour posséder ces numéros? Mais il y a des gens pour ça qui envoient. Donc dans tous les stades, il y a des ramifications. Oui, il y a des réseaux. Banaloba. Il y a les réseaux. Et si tu as quelqu'un là-bas en bas qui peut t'envoyer les unités, il t'envoie les unités. Pour charger cela. Pour charger. Oui, donc tu es assis face à nous. Déjà, comment le rendez-vous a pu. Quel est le but de la réunion des. Le but du rendez-vous, c'est quoi? Oui. Lui, il vient en vérité. Oui. Toi, tu es venu pour mentir. Oui. Pour me tuer. Oui. prendre ce qu'il a. Et là, celui qui est de l'autre côté là, qui veut le tuer, lui propose certaines choses qu'il active. Comme le business, comme le projet. Comme le projet. Parce que quand il vient, ce n'est pas que tout le monde vient. Parce qu'il faut bien d'abord étudier la mentalité. Étudier la personne. Parce que parfois même tu peux faire comme ça en même temps là. Il y a des gens qui ont la pipe même. À l'instant, on est la pipe. Oui. Donc il faut avoir beaucoup de stratégies. Parce qu'il y a les machines qui fabriquent l'argent. Oui. Ils montent ces machines-là. Mais c'est dans un cadre, c'est fermé dans un angle. Oui. Donc c'est sur le dernier cartouche quand même. Il dit que bon, on va multiplier l'argent. On va multiplier ton argent. Oui. Si tu as besoin, on multiplie ton argent. Maintenant, ils ont des stratégies pour atteindre ces niveaux-là. Oui. Maintenant, on fait comprendre à tout le monde que non, c'est du vrai. Parce qu'on vient avec le vrai. Oui. D'abord, pour jeter la maçon. La maçon. C'est dans ce vrai-là que on te tue. On prend c'est le vrai que tu as. Pour te donner le faux. Le faux. Et c'est ça qu'on appelle prélèvement. Oui. Non, c'est ça tout ça qu'on appelle. C'est ça, c'est tout ça. Donc c'est la drague. Tu penses que quand ils viennent prendre l'argent de quelqu'un, ils font comment? Ils utilisent quoi? Il y a des gens même qui disent, mais est-ce qu'ils blaguent? Ils utilisent même le code. Ils ont prié avant de partir. Ils ne priaient pas possible. C'est des gens qui me gênent. Ils jouent pour que les choses marchent bien. Ils disent que c'est Dieu. C'est Dieu. Et c'est terrible. Les Nazis font de l'adoration. Il peut prier toute la journée, la nuit. Parce qu'il a rendez-vous le matin. Que Dieu brûle les pistes pour que le monsieur là ne se concentre pas sur les choses, que ça marche bien. Pour qu'il le frappe bien. Il le frappe bien. Que Dieu le bénisse. Donc à 5h, tu te lèves, tu portes ton truc. Il y a le feu dans le cœur. Oui. Je me lave maintenant. Non, je suis devant. Et je commence à dire. Nous ne sommes plus ensemble. Maintenant là. Donc ça veut dire que si nous ne vivons pas, c'est ton problème. Je suis devant pour première m'assembler. Quand la femme m'a pris là, j'étais tôt à l'église. Générateur gay. Aucun ancien générateur pas. Frère générateur pas. J'étais toujours là. Tu avais une soif. Au fur et à mesure, ça te comblait. Oui, j'étais vraiment une soif. Et je vais témoigner encore un truc qui s'est passé entre lui et moi. Sincèrement, le jour que le Saint-Esprit m'a saisi par rapport à lui, c'est là que je dis vraiment que dans le bateau, Dieu cherche une personne. Une personne. Et il veut pêche. Le frère là, Dieu l'a utilisé toujours pour moi. Lui ne lui parlait pas, c'est toujours moi. C'était à toi. Et moi, je lui répondais mal comme ça. Et ça, est-ce qu'il ne se décourageait pas? Il s'appelle, il faut comprendre, on va dire. Il est nerveux même avec ça. Et c'est comme ça le jour où le Seigneur m'a saisi par rapport à lui. J'étais couché comme ça, très que le matin, il fait, non, lève-toi, il faut qu'on se sépare. Il dit quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais, on a fait 10 ans. Oui. Des hauts et des bas. 10 ans. Mais pour que ça, on a fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain comme ça. Découper comme ça d'un seul coup. Il faut que ça soit de l'esprit. Il faut que ça sorte de l'esprit. Et sincèrement, ce qui se produit quand j'étais malade, c'était ça. Le Seigneur fallait cette brutalité. J'ai quitté mon Parce que même quand bien, je dis oui, après ce n'est pas ça. Oui. Ce n'était pas facile pour moi. Puisque c'est une alliance déjà. Spirituelle. C'est une alliance spirituelle déjà. 10 ans. Jour pour jour, 10 ans. Donc, c'est quelque chose, cette année, ça fait 10 ans. 10 ans. Donc, il fallait seulement l'enfant du Seigneur, lui-même, pour venir m'enlever comme ça. Parce que ce que les gens pouvaient dire là, ça pouvait seulement entrer et sortir là. Oui, parfois je peux faire après, ce sentiment me revient. Ça revient, oui. Ah, on a fait longtemps ensemble, on a vécu des choses ensemble. Vous êtes couché dans la maison, qu'est-ce qui s'est passé au juste pour que tu te lèves subitement, tu lui dis, oh monsieur, partir maintenant. Attends, quand ça m'est arrivé là, je suis allé à l'assemblée. Oui. J'ai dit en France. Oui. Il le connaît bien. Il dit en France, je vais dormir à l'assemblée, je vais dormir à l'église. Tu dois dormir ici. Dit qu'il faut qu'il me sépare avec le monsieur que je dois avec lui là. Pourtant, lui, celui-ci avait d'abord parlé fatigué. Il était tout. Même jusqu'à là, il derrière moi. Jésus dit frère, séparez-vous. Quand il voit, il dit frère, parce que lui il est comme ça, il dit frère, séparez-vous. Vous n'êtes pas venu dans la maison, il est comme ça. Séparez-vous. personne ne comprend. C'est comme je suis parti voir France. Mm-hmm. Je lui ai dit, je vais dormir à l'Assemblée. Il me dit, non, il ne faut pas dormir. Et tu es une femme, tu ne peux pas dormir à l'Assemblée. Mm-hmm. Et c'est comme ça, tous ces trains-là sont arrivés. J'ai eu le découragement. Mm-hmm. Je suis encore resté avec lui. Mm-hmm. C'est là aussi, le frère aussi était toujours derrière moi. Même si je suis en train de voir pour Elisabeth, fais attention. Elisabeth. Tu dis, celui-ci a vu quoi derrière moi? Elisabeth. Un jour même jusqu'à je l'avais mal répondu. Mmh. Puisque là, il ne se décourage pas non plus. Même jusqu'à là, même le Seigneur m'a donné les possibilités pour que je le quitte. Mmh. Le travail. Oui. Oh. Mmh. J'avais le travail que je pouvais payer maison. Mmh. Hein? Mais jusque-là, tu étais là. Donc le Seigneur avait mis tout à disposition que non, même si je le quitte. Tu n'auras pas à souffrir. Je ne veux pas souffrir. Mmh. Et lui-même m'a rappelé ça. Mmh. Il me dit, ah, Elisabeth, tu vas me dire que une chambre là, je ne vais pas prendre une chambre là, avec ton salaire là que tu payes. Pour payer, frère, ça rend des assurances. Et tu comprends que c'est une alliance. Il fallait l'intervention du Seigneur. Il fallait l'intervention du Seigneur. C'était pas facile. Jour pour jour, tu avais un homme pour dormir, vous levez, et les hauts et les bas. Lui, j'ai avorté au Burkina. C'est comme ça le Seigneur aussi, j'ai failli mourir au Burkina. Hein? 2 semaines internées à l'occupe. C'est là aussi, j'ai aussi vu la main de Dieu. On m'a enlevé le placenta 3 fois dans le ventre. C'est terrible. Donc, j'ai avorté au Burkina. Il n'était pas pour que j'avorte. Oui, il n'était pas pour. Je suis parti avec une fille ivoirienne. Jusqu'aujourd'hui, la fille là, il n'est pas dans la main de cette fille. Je suis allé, on m'a fait l'injection. J'ai un enfant dans le ventre, 6 mois. C'est terrible. Et c'est lui qui a enlevé cet enfant dans le ventre dans la chambre. Quand j'ai commencé les contractions, à la maison. Le monsieur, quand il dit que quand ça commence, on l'appelle, je l'appelle, mais là, il dit à petit père, il dit de pousser mon ventre comme il était devenu gynéco, non? À la maison, parce qu'on ne peut pas t'étendre jusqu'à là-bas. Là, c'est un pays musulman, on va jeter l'enfant où? C'est terrible. On va jeter l'enfant où? C'est comme ça qu'il était là, il presque dit, pardon, ne crie pas. Mais ça faisait mal. La prison. Oui, parce que j'étais en travail. Oui, c'est la prison. On va me tuer ici, on va me lapider ici, c'est comme ça, il presse au ventre. C'est moi l'enfant sort, on appelle le médecin, il dit ok, il prend maintenant l'enfant était mort. Waouh, il ne fallait pas le voir dans la chambre. Il me dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il a pris l'enfant, voilà maintenant, il faut dans la nuit, il faut chercher les endroits. Pas l'intérieur. On ne peut pas, c'est un pays désert, désertique, il n'y a pas d'eau. Même si on est dans la mer, ça va revenir. On va faire les enquêtes. On va faire les enquêtes avant de le trouver. Puisque c'est un enfant noir. Celui qui portait le bébé dans le sac. On marche, on en a les maquis. Parce qu'il y a un maquis là-bas, qu'il y a les toilettes. Ça ne va pas. On marche, il ne fait que pas. Il dit, ah Seigneur, ne permet pas. On avait laissé tout le sang là-bas. Parce que j'avais signé énormément. Et là, comme tu pouvais perdre la vie comme ça. Oui, mais attendez, j'arrive. C'est comme ça qu'on a dit l'enfant même comme ça. Et si la police vous arrêtait là-bas, c'est non, c'était fini. On pouvait dire trafic de c'était fini. C'est comme ça, c'est la même fille que je suis allée chez ma maman. Dans la même toilette. Quelle toilette? Toilette de la fille moyenne. Donc c'est ça qui t'a amené là-bas que tu as dit qu'on fait que ça cache. C'est vrai là. La vie, je dors là. C'est comme ça qu'on est arrivé maintenant au moment. Hey, je t'assure. Oui. C'est terrible. La fille là, et j'ai détesté la fille là quand je la croisais lui dehors. Et un moment, je l'ai insulté en bois de nuit, je l'ai lavé, je me viens. Et que c'est toi qui as vu que je meurs, mais j'ai failli mourir. Justement. Là aussi, j'ai vu comment Dieu m'a enlevé de la mort. C'est comme ça qu'on part, on cherche. En territoire étranger. Étranger ou dans un pays musulman. C'est comme ça qu'on arrive, il me dit que, allons chez Colette, en plein milieu. Quand Colette l'a voulu ta mort, elle-même comme cela, nous tous sommes mélangés, c'est là. Dieu t'a dit, on n'arrive pas pour. Parce que la mort ne dort pas aussi tôt. Parce que sans les concessions, il y a les barrières. On a toujours. Ma copine, parce que dans le monde, on s'appelle copine. Copinette, c'est ma maman. Alors que c'est l'hypocrisie. Attends, pendant le temps qu'il est en train de saluer, la fille, moi, si j'ai parti, tu aurais pu jeter la main. Elle n'a jamais su jusqu'à quelle heure elle est sortie. Donc, quand. Ok, ils avaient les toilettes pour le traditionnel. Oui, traditionnel. Mais elle est très propre. C'est comme ça qu'on peut, je parle maintenant du tout que c'est ouvert. Parce qu'on fait ma belle cabine. Oui. Je jette l'enfant là. Pendant le temps qu'il a dû me distraire la fille. On devait jeter l'enfant là. C'était un bébé, 6 mois. C'était un bébé. Oui. 6 mois, oui. C'est quand même déjà grand. Non, 7 m'a donné une fille. Plein de cheveux partout. C'était une fille. C'est comme ça qu'on quitte encore là. Comme il a dit que ne prenons pas le temps, il dit, ah non. On quitte maintenant le lendemain. Alors j'ai fait encore peut-être 2 jours. Parce qu'on se disait que. Parce que le médecin disait qu'il faut qu'on presse. Pourquoi le placenta? C'est lui qui a coupé le placenta. Lui-même. Non, la... c'était pas le placenta. Oui. Okay. C'était quoi? Dès la 3 jours, je commence à sentir une douleur pas possible. J'ai plus de douleur. Vous me dites, il y a quoi même? On part maintenant autour. À l'hôpital. Alors, vous allez à l'hôpital? Oui. On nous dit que, ah, il y a le placenta dans le ventre. Il est étonné. Comment l'enfant est sorti sans placenta? Oui, quel placenta? Je monte sur la table, on me fait étage. L'étage. Le placenta se voit bien dans le plateau, plein de sang. Oui. Je pars encore. J'ai vécu des choses. Oui. Je pars, on rentre à la maison, ça ne va pas. Mais les gens là n'ont pas porté plainte que tu as eu l'enfant, tu as avorté. Non, ils n'ont pas porté plainte parce que quand tu arrives, on sait que tu as avorté, tu ne peux pas mentir. Mm-hmm. Mais j'avais menti. Mm-hmm. Mais ils savaient que c'était l'avortement. Mm-hmm. Parce qu'un médecin sait. Mm-hmm. Il sait. Il sait. Mais j'avais dit que c'était une fausse chute, mais le médecin savait. Mm-hmm. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Quand vous arrivez dans les pays étrangers, hein, justement, je comprends que Dieu aussi est là pour les étrangers. Mm-hmm. Il y a des choses que Dieu ne permet pas. Mm-hmm. Même si tu es en face d'un médecin qui est criminel, mm-hmm. Dieu va t'épargner. De ces choses-là. S'il ne faut pas que tu vas mourir, mm-hmm. Il ne faut pas mourir. Parce que quand je suis arrivé à l'hôpital, il m'a posé des questions, mais il souriait. Mm-hmm. Il savait, il m'a dit que non. C'est pas la fausse chute que tu as avorté. Mm-hmm. Pourquoi tu as avorté? Tu as avorté, c'est moi. Ça, c'est ma crime. Mais c'est ma crime. Justement. Oui, c'est comme ça qu'on quitte encore là. On rentre dans la maison. Frère. La douleur. Douleur n'est pas douleur. On rentre encore. Toi, on enlève encore le placenta. Le placenta qu'on enlève. Attends. On dit que le placenta n'est pas quitté. Alors qu'il a enlevé ça sur la table. Oui, il a enlevé ça sur la table, déjà. Mm-hmm. Il me dit maintenant que allez faire. Attends. Oui, donc quand vous allez à l'hôpital là, il a sur la table, il a enlevé. C'était mm-hmm. là dans le plateau. Dans le plateau. Oui. On quitte maintenant là que maintenant ça ne va pas. Mm-hmm. Ouais. Maintenant, quand on revient, il dit, il nous envoie faire l'échographie. Mm-hmm. La clinique là. Oui. La clinique là, on appelle ça des dieux. Clinique de Dieu. Clinique de Dieu. J'ai jamais oublié le nom là. Yeah. Clinique de Dieu. De Dieu. Oublié. Clinique de Dieu. De Dieu, j'ai jamais oublié le nom là. C'est là où tu es parti, oui. On arrive maintenant, le monsieur ici, il appelle petit père, il dit ah. Mais monsieur me dit que le placenta, pas le placenta, il va voir petit père, c'est pas possible. Quel placenta? Il dit, mais le placenta n'est jamais sorti de son ventre. Alors qu'on a enlevé, vous avez vu. Mais il a dit, voilà, ça va le placenta qui est dans son ventre. Il me demande que. Pendant comment c'est temps, comment tu as vécu, je ne sais pas. Attends, là, parce que quel est même des placenta dans le ventre humain. Oui, mais je voulais demander l'état entre les cas entre l'enlèvement du premier placenta. Oui. C'est quel. Comment... Ça n'a pas fait une semaine. Une semaine. Oui, le premier placenta, ça n'a pas fait 2 jours. Oui. 2 jours, c'est beaucoup. J'ai commencé à sentir les douleurs. Oui. Le médecin, le docteur dit que non, il y a le placenta. Oui. On me fait le curetage. Oui. On enlève, on voit ça dans le ventre. Toi, tu as vu? J'ai vu. Là, tu suis sorti d'où alors dans le ventre? On ne sait pas. Et lui, il a encore enlevé. Mais c'est spirituel. Lui, il a encore enlevé. Et là, on parle mélange de la clinique là. Oui. Je viens avec les papiers d'écho. Oui. Même le médecin est étonné. Oui. Il dit, mais madame, vous avez quel problème? Oui. Lui, il avait l'entrée de panique, il pleure. Il est sorti avec l'enfant et puis, oui. Pas qu'elle meure ici. Oui. Mais c'est quel problème ça? C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça qu'il me pose encore sur la table. Ah, c'était la mort. Quand il me pose sur la table, je tombe évanoui une fois. À l'instant. Le sang, tu peux. C'est comme ça qu'on appelle l'ambulance à le plus grand hôpital. Mm-hmm. Parce qu'il s'appelle maintenant, il n'y a pas d'ambulance, il devient fou. Mm-hmm. Il dit, c'est pas possible. Il dit qu'il n'y a pas d'ambulance dans un hôpital. Il court. Parce que j'étais parti. Mm-hmm. Il court maintenant parce que tout ce que je ne savais pas, j'avais perdu connaissance. Mm-hmm. Ils m'ont pris, ils ont ouvert toutes les fenêtres. Mm-hmm. C'est qu'ils disaient, j'étais allongé là. Mm-hmm. Je ne faisais que crier comme un bébé. Il ne court pas prendre le taxi, jamais. Je ne peux pas permettre, ce n'est pas prendre le taxi. Je n'ai pas. Il avait que 1000 francs sur lui. 1000 francs, c'est pas. C'est comme ça qu'il l'a. Il dit, le taxi, il dit, que je n'ai pas d'argent. Et là, il m'a dit, mais comment il m'a dit? Moi, je suis là. Mais moi, je meurs en même temps. Le taxi m'a dit, le taxi m'a aussi. Je dis même que Dieu était sur moi. Que tout mon parcours. Oui. On en a le taxi plein de sang. Mm-hmm. Quand on arrive, il lui dit, ne paye pas. Moi, je vais mettre ça. Première fois que j'en ai le brancard. Oui, j'en ai le brancard, je n'ai pas de forge, je ne peux pas parler. Tu entendais seulement le bruit, tu entendais seulement le bruit. Deux semaines, oui. Et à regarder. Il n'était plus rentré, jamais rentré à la maison. Vous êtes directement à l'hôpital. Jamais rentré. Il est resté là, il sentait. Comme un goût. Mm. Et je suis senté sur lui. Il dit jamais. Si il te lève une minute, même le médecin n'a pas fait injecter, tu meurs. Mm. C'est comme ça que je suis resté là. Mm. On arrive. Plup. On m'amène dans la salle d'accouchement. Voilà, c'est les femmes qui n'avaient pas l'accouchement. Mm-hmm. Moi, c'est écrit, ma pas de douleur. Mm-hmm. Je vous assure que c'est moi, je sais que c'est Dieu qui envoie cette sage femme. Mm-hmm. Venez me libérer. La sage femme a décepté une vieille femme. Mm-hmm. Elle dit, ma fille, tu cries quoi depuis? Pendant ce temps, quand tu arrives, paye la première ordonnance, il n'a pas l'argent. Mm-hmm. On lui dit d'abord, dehors, il faut les médicaments. Les médicaments, un carton. Il dit, je veux prendre l'argent. Il sort, il devient fou, il dit jamais. Il tape ça, il avait deux portables, deux grands portables, il est parti d'abord vendre. Il quitte maintenant, il appelle Cameroun, aucun Cameroun. Ok. Le Dehors, c'est le Texas. C'est le Texas. Il se lève maintenant, il se partage. Je vois maintenant le carton qui entre les médicaments. Mm. On me met sur perfusion, c'est comme ça, perfusion coule seulement par le sang. J'ai cru, oh, je vais mourir, oh. Mais j'ai vu la mort là, frère, quand une personne va mourir, c'est qu'il j'ai vu la mort, elle m'a dit, je vais mourir, me voici qui part au. Je n'étais plus sur terre, je voyais les gens, les esprits, mm-hmm. qui venaient me parler, les mauvais esprits qui venaient me prendre frère à l'hôpital, je suis couché, je vois les mauvais esprits. Et c'est comment comme ça, selon les gens crient à l'hôpital, on croit peut-être qu'il est lucide, alors que tu as dit. Je suis en train de mourir, venez au secours, je suis en train de mourir. Je parle des gens, voilà les esprits, le monde qui vient me chercher, c'est comme ça que j'ai crié dans la salle d'hôpital. Les autres qui étaient là, n'avaient pas égard à moi, la sage femme qui entre, je vous assure, elle a pris seulement la direction où j'étais. Elle n'a pas regardé les autres femmes. Elle dit, ma fille, pourquoi tu cries? Elle dit, n'écris plus. N'écris plus rien. Elle dit, mais c'est quoi? Elle dit, elle tape mon ventre. Elle dit, il y a le placenta dans ton ventre. Sans regarder dans un appareil. Sans regarder dans un appareil. Tu ne vas plus jamais oublier. Je n'ai jamais oublié la parole de cette femme. Mm-hmm. Elle dit, tu sais, tu vas vivre longtemps sur terre. Mm-hmm. Un jour, tu m'as. Dès qu'elle a tapoté, elle dit le placenta est dans ton ventre. Elle dit tu vas supporter. Elle est venue avant le coup. Elle a gratté. Gratté. Tu ne peux pas voir ce qui sortait dans mon ventre. C'était devenu comme ça, c'est pas noir. C'était noir. Elle dit supporte, il faut que. Parce que si un seul reste débris, ça va te pourrir le ventre. Ça va te pourrir le ventre, tu vas mourir. C'est comme ça que j'ai supporté. J'ai crié en amène, j'ai crié en amène. En même temps, les autres personnes ne te regardent même pas. Non. Elle était venue pour moi. Mm-hmm. C'est comme ça que la mère, la douleur, a envoyé tout la salle. Elle m'a dit une parole, tu ne mourras pas. Parce que si tu as parvenu à traverser ceci. Elle m'a posé la question, je lui ai aussi menti, elle m'a dit, tu me manques pourquoi ma fille? Ça c'est la photo. Mm-hmm. Elle connaît. Pendant tout ce temps, comment tu as vécu jusqu'à présent? Tu ne vas plus jamais mourir. Comme ça. Tu vas terminer ça. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on quitte maintenant là. On m'enlève, on m'entraîne dans une salle. Mm-hmm. Ouais. Je suis là dans la salle. Chaque jour, perfusion, chaque jour, injection, chaque jour, perfusion. Lui-même était encore plus que le médecin. Mm-hmm. Il ne piquait pas ici, il ne faisait pas comme ça. Il laissait la veine là. Il souffle beaucoup. Voilà ma chaîne. Parce qu'il fallait qu'on remplace le sang. Mm-hmm. Parce que dans le monde, j'avais perdu extrêmement de sang. Mm-hmm. Maintenant, c'est lui qui courait maintenant parce que les pots de sang sont vraiment gros là. Mm-hmm. C'est costaud. Mm-hmm. Et maintenant, il était déjà ami, abonné, il était donc. Avec les amis. Mm-hmm. C'est lui-même qui partait pour chercher. Les sangs de sang. Il dit comme, mais comment ça se fait que vous avez le sang facilement? Il dit, je ne sais pas. Donc il dormait debout comme à ça. À côté. Mm-hmm. Quand le sommeil est pas, il fait ça. Il se sort, il prie. Il prie. Dès qu'il entre, il se sort. Il dit, ne la touchez pas comme ça, vous allez la tuer. Mm-hmm. Parce que j'étais fatigué, je n'avais pas de force. Mais est-ce que médicalement parlant, on peut expliquer la présence de ces placenta dans le ventre alors que le placenta a été enlevé. Mais même médicament parlant, c'est tout ça, c'est quoi? Parce que on pourrait penser que peut-être tu avais deux enfants dans le ventre, non, mais peut-être un enfant pas. Qui était sorti. Ça ne s'explique pas. Parce qu'elle-même, la sage-femme dit que c'est pas normal. Mm-hmm. Donc, elle me dit que ce qu'on dégrattait là, c'était pas le placenta. Pourtant, dans la parole, on voyait le placenta. Dans le monde spirituel, mm-hmm. c'était spirituel. On a fait deux semaines jour pour jour. Mm-hmm. La main. Les gars, maintenant qu'on fait maintenant le plan pour fuir l'hôpital, on n'a pas la réponse. Tu as aussi dispose ici une soeur, une Camerounaise aussi qui est médecin. Mm. elle était pour nous, elle dit que Dieu a suscité les gens sur mon chemin. Frère, ma vie, hein, des gens qu'on ne connaissait pas, les malheurs, une famille malheureuse qu'on ne connaissait pas, même l'oreiller que je dormais, c'est une femme qui m'a donné ça. La nourriture venait de partout, je ne mangeais même pas. Pas des gens que je n'ai jamais vus. On n'avait jamais vu sur mon chemin. Les Camerounais, même mon frère, quand on dort, leur exemple, ça ne mérite pas. Il n'y a pas de compatriotes de vrai. Ils entendent chacun pour soi. Il appelle même que venez, mais nous, personne ne vient. J'ai fait 2 semaines, personne ne vient. C'est d'autres familles, la famille malienne qui est venue là. S'occuper de toi. Il venait la nourriture. Il vient lui-même en tenue de tout. Tout, la fruit, tout. Mais après quand la maladie finit, tu continues la prostitution. Ah, oh frère, laisse-moi finir, frère. C'est là maintenant, quand c'est comment ça se passe, j'ai fait 2 semaines. Hein. Dieu fait grâce maintenant parce qu'il sait que ça, c'est la grâce de Dieu. Voilà, maintenant, on quitte maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé même pendant ces 2 semaines là? Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, 2 semaines arrivent, maintenant, on nous donne maintenant le truc pour sortir. Il faut aller payer maintenant le caisse. Plan maintenant pour sortir. Pour fuir l'hôpital. Faut disparaître de la circulation. Il n'y a pas l'argent pour payer. On ne savait pas que la main de Dieu était là. Quand le patient dit, monsieur, on n'avait rien à l'église. Pardon. Alors que vous avez fait le calcul que mère, comment il a fait pour sortir? Il est parti, il n'avait rien à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a payé? Il demande encore une fois, il demande encore 2 fois. Il dit, qu'est-ce que vous dites? Il dit, vous n'avez rien à l'église. Tout a été réglé. Par qui? On ne sait pas. Vous êtes parti comme ça? Vous êtes parti comme ça. Le Seigneur t'aime, ma soeur. Le Seigneur t'a aimé, n'est-ce pas? Et encore ici maintenant, il y a encore la maladie. Et voilà encore maintenant, même quand je le connais, j'avais une grossesse extra. Oui, extra-utérine. Extra-utérine, quand je fais sa rencontre, j'ai une grossesse extra. C'est pas de lui. Quand je le rencontre, j'ai une grossesse, on ne sait pas que c'est extra. On va chez le médecin. Le médecin dit que c'est extra, il faut préparer l'opération. Et j'ai vu que les mystères, mais sans connaître le Seigneur. C'est comme ça qu'on parle, le médecin dit maintenant qu'il faut préparer à ta famille. Parce que tu ne veux pas qu'il te perde sans ta famille. Alors, le temps là, c'est comme ça qu'ils sont en train de faire maintenant. Un jour, on était assis comme ça. Parce que comme il avait les trucs, quand il était au pays, il avait ses trucs, il lui donnait de l'argent, des trucs. Il était assis dans le grand bar, il avait. Et ça, c'est encore au pays. Ça, c'est au pays. C'est comme ça qu'on est assis. Je sens la douleur. On est assis. Comme il y a une dame qui vendait là. Alors que l'opération est préparée. Alors que tu es censé aller au lieu d'opération. Tu dis qu'il sent très mal, il me dit que c'est quoi? Une douleur pas possible. Il me dit, lève-toi. On va maintenant. La grossesse est très sortie. Seule, sans opération. Le début, c'est comme la chair. Sans opération. Donc ça sortait comme les morceaux de chair. Oui, découpé. Découpé. C'est comme si. Donc, comme j'étais. Comme les viandes hachées. Plus j'écris là, ça sort comme les morceaux de chair. Vous comprenez ce qu'elle dit? Je comprends. Comme les morceaux, accompagnés du sang. Tu vois les morceaux, comme si c'était la chair humaine qui était touchée. C'est comme ça, ça m'a fait toute la journée là, c'est sorti. Comme pas mal. Le médecin dit que le bébé est mort. Comment il est comment se fait-il que la grossesse se passe comme ça? Donc tout le monde était étonné. Oui. Dieu t'avait délivré encore. Donc c'est comme ça que. C'est passé comme ça. Sans opération. Sans opération. Sans même que après ça que j'ai même eu mal à la tête. Parce que j'avais eu les avortements avant. Les avortements avant l'avortement. Parce qu'au Burkina, j'avais perdu encore l'enfant. Là, c'était sorti ça. On était ensemble, c'était sorti ça. Et là, je n'avais pas provoqué. Mais avant ça. Quand j'ai connu les hommes, maman m'a fait avorter. Deux fois. Parce qu'il ne voulait pas ces gens, il faut choses là-dedans. Je ne voulais pas les trucs, oui. Elle m'a fait avorter 2 fois. Mais c'est ça. Revenons au Maroc maintenant, la conversion proprement dite. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui pousse à la conversion? Qu'est-ce qui me pousse à la conversion? Qu'est-ce que tu ressens avant que ça te pousse à Jésus, que tu tombes amoureux de lui de façon folle comme ça là? Je prends d'abord le départ de ma conversion. Oui. Quand le Saint-Esprit me touche, parce que c'est lui qui touche, qui convainc des péchés de justice. Parce que quand je suis venu, c'était, je peux dire, presque la même vie. Mais ce n'était pas aussi intense. Parce que je faisais tout dans le secret. Je ne voulais même pas qu'on me voie. Quand je me cachais. Donc je prenais les pistes de la panne. Comme on dit chez nous. Mais c'est comme ça, nous sommes de 6 ou 6e matin. Je me convainc de pécher de justice. C'est là que je commençais à haïr mon ancien vie. Tu vois ça défiler. C'était comme la folie, Il m'a d'abord fait apparaître ça comme un film. C'est comme ça. C'est comme ça donc que le Saint-Esprit a commencé à faire un grand travail dans mon cœur. J'ai commencé à détester la prostitution, j'ai commencé à détester tout ce qui est vraiment mal. Tout, j'ai commencé à détester tout. Donc je voyais ma vie, j'étais misérable en face. Le Saint-Esprit m'avait mis en face de ma vie, en face de tout. Là tu étais en jugement. Dans tout ce qui est travail, c'est depuis le sein de ma mère, parce que j'étais esclave. J'étais vraiment vendu dans l'esclavage. Donc je voyais tout mon parcours. Donc c'était là devant moi. Les maladies que j'ai eues même dans mon enfance, les maladies spirituelles. J'étais même quand j'étais petit, je voyais, j'entendais, quand j'allais en vacances dans ma famille paternelle, j'entendais les voix dans les maisons, des esprits. Moi, je parlais, il m'avait des mauvais esprits dans la maison. Non, parce que c'est une famille, enfant, beaucoup de liens. Donc j'ai subi beaucoup de choses. Donc en fait, je n'étais pas. J'étais un enfant qui était vraiment à part. Moi je sais ça depuis même, j'étais avec mes soeurs, j'étais vraiment à part. Parce que ma vie n'était pas comme pour les autres. Et le Seigneur m'a rappelé encore ça, dernier, mais en fait, tu te quêtes comment tu as vécu. Tu étais à part. Tu étais à part. Ta vie n'était pas comme pour les autres. Tu étais à part, c'est moi qui permettais ça. Parce que tout ce que tu as vécu, c'est moi qui ai permis ça. Mais tu n'es pas morte. Pose-toi la question pourquoi tu n'es pas morte. C'est comme ça que ma vie était. Ma vie n'avait pas de sens, frère. Même ma façon de réfléchir, ça n'avait pas de sens. Je ne faisais pas des choses comme quelqu'un qui est normal. Sincèrement, quand je parle de ça, j'ai très mal, dit Seigneur. Ma mère avait 5 enfants, mais ma vie, j'étais toujours mise à part. Même les paroles que j'entendais, ce n'étaient pas les bonnes paroles. Les paroles de malédiction, les paroles qui, en fait, qui ne donnent pas donc la tout joie. Ce qui était mauvais, oui, venait vers toi. Même mon corps, on insultait mon corps parce que je suis née comme ça. Regarde comment tu es grosse. S'il y a une poubelle pour toi, il faut on va te jeter. En fait, je n'étais pas, en fait, tout de moi n'était pas bien. Tu étais rejeté. Oui, j'étais pas bien. Pas de la famille de maman, ses frères, j'étais pas quelqu'un qui était bien. Il combattait, mais combattait même physiquement en plein jour. Et je marchais avec cette lamentation matin, midi, soir. Et c'est comme ça, je dis gloire au Seigneur Jésus aujourd'hui. Quand je regarde ma vie, je ne peux que le bénir. Parce que j'étais dans une bouffe, j'étais dans l'enfer, j'étais en enfer. Et tu vois, frère, quand c'est comme ça, le Saint-Esprit me touche, il commence à me convaincre de péché de justice. Frère, j'ai arrêté ça comme un jeu. Parce que quand ils sont arrivés, les Camerounaises qui avaient les maquis, moi j'ai pâté, je préparais pour elles. Oui. Moi j'étais là comme. Comment on dit ça? La marraine. C'est moi qui vendais la boisson quand ils avaient les tubes, comme les inaugurations là, des maquis là. Oui. Parce que quand tu me voyais, j'étais vraiment. Je m'habille en sexy, je vends. Quand je vends. Ça attire les gens. Mais ce n'était pas vrai, mais j'attire les gens. Mais j'ai coupé toutes ces choses en un temps, deux mouvements. Subitement. Quand le Saint-Esprit me convainc, plus jamais tu me vois encore un client, plus jamais. Quand le Saint-Esprit m'a touché. Quelle était la version de ton partenaire de possession des territoires? Ma nation. Oui, il dit, quelle était sa réaction? Parce que vous êtes là pour posséder un territoire. Un territoire, mais lui. Maintenant, la nouvelle donnée. Moi, quand le Saint-Esprit m'a vraiment touché, vraiment, d'une manière vraiment spéciale. Parce que je ne faisais plus vraiment. Lui-même compris, je ne faisais plus les choses comme lui. Et il savait que quelque chose passait. Il savait. Et là, maintenant, la nouvelle donnée. Comment la redistribution des cartes, c'est comment puisque le but c'est vous êtes là même pour passer ça. Ces amis là venaient pour que j'ai lu, mais je l'ai chassé. Oui. Waouh. Elle a dit donc. Je lui dis que comme il faut les commencer à les dire parce que moi je vais les dire. Que les données ont changé. C'est fini. Et eux ils ont vu ça. Ils ont vu ça dans ma vie. Ils ont vu vraiment dans un changement. Parce qu'ils te connaissent en plein. Ils te connaissent les Camerounais même qui m'ont vu vivre ma vie même de position. Oui. Il me dit, mais mamie, tes talons sont tes talons. Jésus a pris ta talent à faire. Que Jésus a pris ton talent à la croix. Mamie, il est jeteur. Jésus t'a vraiment pris, maman. On a vu les conversions dehors, mais t'as pas là. C'est grave. Ah, le Seigneur est bon, n'est-ce pas, ma soeur? Il est très bon. Que le Seigneur te bénisse. Et n'ose pas poser encore des questions. Si je pose une question, ça va encore venir de chapitre. Mais maintenant, il veut qu'on conclue. S'il y a des jeunes femmes qui nous écoutent maintenant, je prends les femmes mariées d'abord. Mmh. Ceux qui sont mariés, avec ton expérience, quel conseil peux-tu leur donner? Pour les femmes mariées. Les femmes mariées. Les femmes mariées. Oui. J'ai un conseil à donner aux femmes mariées. Oui. Que vraiment. De deux sens ou bien de. Parce qu'il y a deux sens. Oui, il y a le chrétien et le non-chrétien. Et je veux aussi vous dire, même quand on est chrétien, il faut qu'on soit vraiment assis. Oui. Parce qu'on soit vrai avec le Seigneur. Vrai avec le Seigneur. Mm-hmm. On soit assis vraiment véritablement dans la parole. Mm-hmm. On soit vraiment rempli du Saint-Esprit. Mm-hmm. Parce que si ce n'est pas ça, il y a la séduction. Mm-hmm. Parce que si pas, c'est pas là. Mm-hmm. Comment un pasteur peut être séduit? Ça veut dire qu'il n'est pas vrai. Justement. Il n'est pas sincère. Justement. Il est faux dans sa relation avec Dieu. Oui. C'est pour ça que Dieu permet ça. Et c'est pour ça que je peux donner au conseil aux vieux soeurs qui sont mariées, aux femmes qui sont mariées, oui, de faire très attention. Parce que même ces soeurs qui sont là, il faut qu'elles soient des femmes de prière. Des femmes de prière. Des femmes qui ont une intimité avec Dieu. Les femmes qui ont soif de Dieu. Qui peuvent prier et que Dieu protège même leur mari. Protège leur mari. Mm-hmm. Parce que la femme, Dieu a dit que la femme est l'aide de son mari. Son mari. L'aide dans quel domaine? Domaine spirituel et physique. Et la Bible déclare que c'est elle qui bâtit sa maison. C'est elle qui bâtit sa maison. La femme sage dans Proverbe 14. Mm-hmm. Bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison sur l'Europe qui est Jésus. Mm-hmm. Donc si tu ne bâtis pas ta maison sur l'Europe qui est Jésus, tu es une femme insensée. Oui. Hein? Le Seigneur parle de la femme insoumise. Mm-hmm. Quand tu es insoumise d'abord par, vis-à-vis de Dieu, c'est le dégât dans ta maison. Le dégât. Parce que c'est d'abord Dieu qui est le maître, oui, le chef suprême. Et tu es une femme insoumise à Dieu, tu ne peux pas être soumise à ton mari, tu ne peux pas être soumise à ceux qui sont à côté de toi, tu ne peux pas jouer le rôle de la femme. Satan donne dans ce cas règne dans la maison. Et dans cette soumission produit la paresse, dans cette soumission produit la fatigue, c'est le péché. Dans cette soumission produit tout ce qui est mal, la distraction. Et une femme distraite, une femme insensée ne peut pas bâtir sa maison. Parce que c'est cette femme qui garde sa maison. Qui soutient son mari. C'est-à-dire que ton mari sort. Parce que Dieu nous a établi comme dit Genèse. Oui. Dieu a établi l'homme comme chef. Oui. Dieu a dit, la femme est l'aide. Elle l'aide. Ça veut dire que l'aide, c'est quoi? Nous sommes appelés à rester dans la maison. Le soutenir. Soutenir le mari. Mm. Ça veut dire que dans tous les domaines de sa vie, la femme soumise, c'est celle qui prie. C'est celle, c'est pas celle qui est là, elle est dans le secret. Dans les difficultés, dans les combats, dans les luttes, elle prie et soutient son mari. Parce que dès que tu baisses un peu les bras, l'esprit de séduction est là. Parce que l'homme sort. Il est vulnérable. Il est vulnérable, il rencontre tout. Il voit tout. Et s'il peut faire encore qu'il rentre, il rencontre la même femme dans la maison, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que je suis passé par là que je peux parler de ça aujourd'hui. Parce que ce n'est pas normal qu'un pasteur tombe sur une prostituée. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre quelque part. Absolument. À moins que ce pasteur-là soit un pasteur sataniste qui a déchiré. Mais si un pasteur, ça veut dire que lui, il n'est pas dans la vérité. Il est faux dans tous les domaines. Et la femme, cette femme, est aussi une femme de prière. De prière. Cette femme qui est là, parce que c'est Jésus qui donne la force, c'est le Saint-Esprit qui donne la force. Une femme qui est remplie du Saint-Esprit, il n'y a pas de décalage dans son foyer. Donc, conseil aux femmes mariées, il faut prier véritablement. Sois vrai avec Dieu. Vrai avec Dieu. Il ne faut pas être fausse. Parce qu'en fait, au milieu de lui, on ne soit parfois trop fausse. Oui. Parce qu'en fait, frère, moi aujourd'hui, je vais être. Mais il y a des pasteurs qui prêchent plutôt que les femmes s'habillent sexy pour garder leur mari dans le foyer. Est-ce que ça non, va marcher? Non. C'est pour ça que j'ai parlé de soumission là. Parce que pour que ton mari reste, pour que ton mari, tu dois être séduit, ce n'est pas l'habillement. C'est le comportement, c'est le caractère. Là maintenant, le pasteur en est d'inviter comme ça à la femme mariée de la maison d'être s'habiller comme une prostituée. S'habiller et toi lui-même est dans la chute. Le pasteur qui ne peut pas dire au Seigneur que ne vous habillez pas comme ça, lui-même est dans la sédition. Il est dans la sédition. Parce qu'il est en train de prêcher, il guette des puces de la sève. Exactement. Il prêche que l'évangile. Hein? Il est en train de parler. Quand il parle, les yeux doux. La scène là, la scène. C'est pas l'Esprit de Dieu qui fait ça. Mais celui qui est rempli, Saint-Esprit va dire non, frère, sœur. Prêchera avec véhémence contre cela. Même si on dit qu'il est mauvais, mais il est dans la vérité. La séduction de la femme avec son mari, ce n'est pas l'habillement. Ce n'est pas l'habillement. Amen. Il dit amen à cela. C'est le cœur nettoyé pour le Seigneur. C'est le cœur nettoyé pour le Seigneur. Comme on dit là, frère, je n'ai plus que Dieu me donne le mari. J'ai pris que Dieu me transforme. Amen. Parce que le caractère à Caïn que j'ai là, il faut qu'il m'enlève ça. Enlève tout ça. Il faut que l'homme là, qui viendra, voir une femme vertueuse en moi. Parce que quoi? On a toujours fait des erreurs. Donc, le Seigneur, prie de ma main. On ne fait pas ce genre de prière que de ma main. Alors que tu ne sais pas ce que tu es prêt. Dieu, fais, transforme-moi, change-moi. Donne-moi cette femme. Si j'étais colérique, je ne serais plus colérique. J'étais menteuse là. Rends-moi vraiment comme tu veux. Bâtis-moi. Bâtis-moi. Comme ça, quand tu seras prêt, il t'envoie le mari. Parce que c'est lui le souverain potier. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont cru que c'est le fait quand tu es dans la maison, tu t'habilles bien, en sexy, tu suis ton mari. Ce n'est pas la séduction spirituelle, c'est la séduction charnelle. Charnelle. Et quand il aura fini avec toi, parce il va chercher autre chose. Parce que la prostituée fait ça plus que toi. Oui. Quand la prostituée se met, il n'y a pas lieu. Elle a toutes les armes. Elle a toutes les armes, même la vêtement qu'elle porte là, ce n'est pas n'importe quoi. Oui. Ce n'est pas du n'importe quoi. Même ce qu'elle met sur la tête, ce n'est pas du n'importe quoi. Même la chaussure, même la crème qu'elle met, ce n'est pas du n'importe quoi. Donc je ne sais pas ce que tu vas lui présenter. Voilà. La véritable séduction, c'est spirituel. Oui. Dans le domaine spirituel. Oui. Cette femme doit toujours être là, pleurer à Dieu dans le secret. Oui. Avoir une relation intime avec le Seigneur. Méditer la parole jour et nuit. Es-tu vrai? Es-tu cette femme qui est vraie, sincère devant Dieu? Seigneur, quand ça ne va pas, il dit ça ne va pas. Seigneur, aide-moi. Mais parce que les ailes de la chair sont là. Elles sont manifestes. L'amour s'accompagne avec quoi? Quand le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour c'est quoi? L'amour c'est la justice. L'amour c'est quoi? C'est la sainteté. L'amour c'est quoi? Pour atteindre ce degré, il faut le brisement. Il faut être brisé, il faut passer par le feu. On se lève le matin pour manifester l'amour. C'est faux. Il faut passer par les épreuves pour manifester l'amour même vis-à-vis de ton prochain. Parce que Dieu te montre qui est ton prochain. Justement. Dieu te montre qui est ton mari. Et qu'est-ce qu'il fait? Pour que cet amour soit manifeste, il faut le brisement. Parce que la chair se lève. Parce que la chair voit, comme le Seigneur il dit dans la parole, vous ne voyez pas les yeux physiques. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit voit pas bien. Là, le regard spirituel. Atteindre ce niveau-là, frère, c'est un parcours. C'est le travail du secret. Tu vas passer par des épreuves. Tu vas passer par des secoussements. C'est le travail du secret. C'est le travail du secret. Tu comprends mon frère? Oui. C'est le travail du secret. Et aussi un problème du choix du conjoint. Parce que le Seigneur va te dire que moi-même j'ai failli tomber dans ce lot. Je parle des choses que je parle de moi. C'est que je suis marié de lui. Et peut-être à la mauvaise personne. Dans cette même assemblée-là, oui. Moi de manière mariée sans papier, sans document. C'est terrible. Comment tu devais faire? Comment ça devait se faire? Non, je ne sais pas. Hein, vrai? Avant qu'on entre encore dans ce domaine-là, avec le domaine des faussetés, parce qu'on a touché le cas des faux papiers, faux actes, faux noms. Là-bas, c'est un autre domaine, un autre chapitre, un de ces jours. Et lui aussi me dit, il dit que non. Le même pasteur dit que non, on va partir. Non, je connais les gens à l'ambassade. Ils avaient tout fait, même les trucs, comment on appelle ça, les cas de visite. Lui et moi, on n'avait même pas encore parlé de l'histoire de mariage. Comment? Parce que même quand les deux gens font quelque chose, ils s'accordent. Ils s'accordent d'abord. Parce que j'ai mes couleurs préférées. Oui. Mais aussi, il a des couleurs préférées. Oui. Attends, on parle de qui? On n'a pas parlé de ça. On parle de qui? Du pasteur qui voulait t'épouser. On devait t'épouser. Oui, le frère, on avait dit qu'il faut qu'on se marie. Ok. Dans la même assemblée, il était là. Ok. On nous a posé la question. Est-ce que vous aimez? Tu l'aimais, hein? Frère. Il dit aujourd'hui qu'il ne faut plus qu'on pose des questions. Frère, oui. C'est l'amour charnel. Oui. C'est l'amour charnel. Oui. Parce que c'est comme vivre là, c'est l'amour charnel. L'amour charnel. L'amour charnel, c'est pas l'amour spirituel. Ce n'est pas l'amour qui vient de Dieu. Tu comprends? On dit que mariez-vous. Vous ne vous êtes pas entendu. Frère, la liste de la tête en connaît. La liste dans l'eau est là. Plus d'un million. Oui. C'est là. Même matin. Dieu m'aime. Le Seigneur a coupé cela. Et maintenant, elle veut dire, comme on va là, je m'en vais me dire qu'il faut qu'il arrête les histoires là. Faut voir qu'ils sont là. Je suis allé, je vois l'ancienne qui disait, frère, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire là. Ce n'est pas de Dieu. Chacun est tombé à la renverse. Oui. Quand il commence à parler, mais on va se marier comment? Lui n'a pas de documents. Moi, je n'ai pas de documents. Vous allez vous marier comment? Même dans ton propre pays, on va te demander même ton accord. C'est dans un sens. Ça va se passer comment? Tu vois là où on prend. Le diable voulait vous allumer. Dans la perdition. Dans la perdition, frère. Et ça, ce sont les pasteurs et dirigeants. Les pasteurs et dirigeants. Tu as compris? Les pasteurs et dirigeants. C'est pour ça qu'il dit que Dieu m'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Si Dieu a permis tout ce chose, le ralentissement de ces choses-là, du malaise, il a fait que ma fille, reste à vous là. Il y avait un travail à faire. Un travail à faire. Là. Amen. Maintenant, conseil aux hommes mariés. On a fini avec les femmes. En résumé, on a compris qu'il faut la femme de prier, qu'elle soit vraie, qu'elle comprenne qu'elle ne doit pas se comparer aux prostituées en s'habillant comme prostituée pour pouvoir séduire son mari. Oui, que ce n'est pas ce qui fait retenir le mari à la maison. Oui, donc, en clair, il faut qu'elle soit vraie avec le Seigneur. Sa relation doit être tissée, poussée, qu'elle comprenne qu'elle est l'aide du Seigneur. Voilà. Alors, maintenant, le cas de mari, parce que tu as appréhendé le mari des gens dehors. Le cas de mari, si les gens nous écoutent maintenant, le mari nous écoute, quel conseil leur donnes-tu? Rapport aux hommes. L'homme doit prendre la place, sa place que Dieu lui a donnée. Parce que beaucoup ne veulent pas cette place. Dieu dit l'homme est le chef. Depuis le commencement de Genèse, il a dit, toi, même quand il est venu demander à Adam, il n'est pas venu demander à Eve. Parce qu'il avait ça, l'homme qui avait donné les instructions. Jusqu'alors. Mais les hommes suivent beaucoup ce rôle-là. Les hommes suivent ce rôle-là. Et il délègue la tâche. Il délègue la place à la femme. Parce que quoi? Quand tu vois du commencement de Genèse, Dieu est trop clair dans ses principes. La femme est clair. L'homme dans l'autorité. C'est l'homme qui est l'autorité. Ça veut dire que l'homme doit veiller sur sa femme dans tous les domaines. Domaine spirituel, à quel niveau la femme est dans son domaine spirituel. L'homme, comme je viens de dire sur la femme, l'homme doit prendre vraiment sa place d'homme. Que Dieu lui a assigné. Dieu lui a assigné. Ça veut dire quoi? Dieu lui a donné une vision. À l'homme. Ce n'est pas la femme que Dieu donne la vision. C'est à l'homme que Dieu donne la vision. Et c'est cette vision qui marche bien. Ça veut dire que quoi? L'homme doit être vraiment, comment je peux dire, le pilier de sa famille. Le chef véritable dans tous les domaines. C'est-à-dire, quand il s'assoit dans le domaine spirituel, il doit être assis dans la parole. Assis dans la parole. Cet homme qui est toujours là, parce que c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui aide l'homme à bâtir, à établir son ministère sur l'homme. Ce n'est pas l'homme lui-même. Et l'homme aussi doit être vrai. Parce qu'on a bâti des fondements qui n'étaient pas de Dieu. Des mariages qui n'étaient pas de Dieu. Oui. Il y a aussi un problème. On a lié des âmes comme ça. On a lié des âmes comme ça qui se sont mariées, qui ne viennent pas de Dieu. Des mariages qui ne sont pas de Dieu. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a beaucoup de problèmes de divorce. Pourquoi il y a des divorces dans le milieu chrétien? Ce n'est pas normal. C'est le monde qui doit divorcer. Ce n'est pas le milieu chrétien. On sous-entend que Dieu est là, mais si Dieu n'est pas là, il faut qu'il y ait divorce. Absolument. Il faut qu'il y ait divorce. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand Dieu bâtit, il y a d'abord les fiançailles. Dans ces fiançailles, il y a des choses, il y a un travail à faire entre eux. Mais si entre ces fiançailles, Dieu n'est pas au centre, ça ne vaut pas la peine. Voilà. Ça ne vaut pas la peine. Dans ton parcours, tu as rencontré des prêtres et des pasteurs. Quel conseil donnes-tu aux pasteurs et aux prêtres? Quand vous êtes bien assis là, on va parler en face, frère. Oui. Je vais vous parler parce que c'est quelque chose qui est très sûr. Oh, mais c'est sérieux là. Parce que quand vous êtes assis là, sachez que la séduction règne. Le diable est là. La reine des côtés là. Vous sortez là. Vous rencontrez beaucoup de choses. Vous voyez beaucoup de choses. Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Même là où vous travaillez, vous voyez beaucoup de femmes, beaucoup de choses. Mais ce que je peux vous donner comme conseil, c'est souvent. En tant que leader, en tant que celui que Dieu a établi pour les brebis, devait être un exemple pour moi. Amen. Les pasteurs doivent être des modèles. Des modèles. Mais ces pasteurs-là. Les sources, les bénédictions. Ces pasteurs-là venaient dans les ténèbres, pour pouvoir avoir de puissance, avoir de puissance. C'est pas normal. Avoir de l'onction. Il y a des pasteurs qui font le maraboutage, qui font beaucoup de choses. Est-ce que c'est normal? Non. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. C'est-à-dire que celui-même, celui qui est établi pasteur, si réellement, est-ce qu'il est appelé? Bonne question. Donc, il faut d'abord vérifier s'il est appelé. S'il est appelé, parce qu'il est autoproclamé. Et s'il s'est levé matin, parce qu'il a lu des versets bibliques le matin. Voilà. Là, il ne verra pas marcher devant les prostituées. Il ne peut pas venir dans où il y a les prostituées. Celui qui est appelé ne peut pas être dans les où il y a le monde des prostituées. Parce qu'il y a un travail que le Seigneur fait dans sa vie. Parce que même la parole que vous prêchez, frère, doit être accompagnée du témoignage du Saint-Esprit. Amen. Même la parole, c'est ça la puissance. Comme Paul pouvait bien nous dire. Vous voulez que je vous prêche avec douceur. Voilà. Sa parole doit être accompagnée du témoignage. La puissance, c'est ça la puissance. De l'évangile. Parce que ces hommes avaient un témoignage puissant qui bénissait les vies, qui impactait les vies. Ce n'est pas d'abord le fait de prêcher l'évangile. Tout simplement. Ouais. C'est de savoir est-ce que vous vivez en conformité avec la parole de Dieu. Amen. C'est d'abord ça. Parce que le Dieu est tellement pressé de partager la parole de Dieu. Est-ce que cette parole est devenue ce qui vient en toi? Cette parole que tu communiques, est-ce que cette parole tu la vis? Quand tu communiques ces paroles, tu ne donnes que ce que tu as. Oui. J'ai compris ça avec le Seigneur Jésus. L'homme ne donne que ce qu'il a. Si dans le secret, tu ne dis pas ce que tu fais, tu viens montrer aux autres que tu es. C'est... Frère, on doit sortir de l'amalgame. Là. C'est le temps où on doit sortir de ces choses-là. Parce qu'on est muet là, nous tous nous sommes cinq. Cinq. Mais dans le secret, ce qu'on dit aux autres, on ne pratique pas ça. Oui. Et chaque, donc ça veut dire que les pasteurs doivent être le modèle et dans leur vie à l'intérieur, parce que c'est d'abord ça qui doit émaner. Voilà. Ils ont très attention. Parce que le message que tu annonces aux brebis, c'est leur vie, c'est la vie éternelle. Oui. Dieu n'a pas, ça ne s'est pas sacrifié pour qu'une brebis se perde. Amen. Pour qu'une brebis se perde, frère. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup l'amalgame de ces choses-là. Ce qu'on prêche n'est pas la vie de cette personne. C'est pas la personne qui prêche, c'est pas ça, c'est pas c'est la vie qui mène. Il dit ce qu'il fait. Qui dans le secret. D'où la nécessité d'avoir une intimité avec Dieu pour que Dieu fasse le tamis. Le tamis. Parce que c'est ça la nécessité d'avoir l'intimité avec Dieu. Parce que si tu n'as pas l'intimité avec Dieu, frère, le temps qui court là, c'est mauvais. Tu seras paniqué. Et j'ai toujours tenu comme je dis, maintenant le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il faut d'abord avoir une intimité avec moi. Parce que quand ils entrent comme les loups ravisseurs. Oui. Chez toi, ils viennent ravir. Et si tu n'as pas le discernement du Saint-Esprit, ils vont t'entraîner. Ils vont t'entraîner. C'est ça l'importance d'avoir l'intimité avec Dieu. Parce que tu sais que celui qui vient là, même sa façon de faire, le Saint-Esprit atteste. Témoigne au-dedans de toi. Le Saint-Esprit atteste. Amen. C'est pour ces raisons que. Faisons très attention. Nous prêchons ce que nous. Vraiment, les pasteurs prêchent ce qu'ils ne pratiquent pas. Voilà. Tu vas le voir, oui, les gens tombent dans l'onction. Les gens, ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit, je suis désolé. Voilà. Jésus qui n'est pas venu faire sentir les choses, les émotions. L'évangile, c'est au-delà de ça. Dieu de la croix, c'est pas le spectacle. Ce n'est pas le spectacle. Moi, je dis, on a vu, lui, tu tapes. Oui, le Saint-Esprit, je suis désolé. Mais le Seigneur, Saint-Esprit, t'enseigne avec ce que je suis. Je ne suis pas venu pour ça. C'est pas la foi que tu saisis ces choses. Amen. Ma parole. Mes frères, si tu es un menteur, tu voles. Tu dis au secret, ne vous habillez pas comme ça. Tu dis au secret, toi-même, ta pantalon que tu portes là. Oui. Tu dis au secret, marcher, mais dans le secret, tu vas porter des talons. Dans le secret, tu portes des choses. Voilà. Ne sois pas faux avec le Seigneur. C'est pour ça que je dis, frère, sœurs, faisons attention au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous voit dans le secret. Amen. Il a dit, jugez les actions secrètes des hommes. Amen. Parce qu'on aime toujours. L'apparence. L'homme aime ce qui frappe. Mais Dieu est d'abord venu faire le travail à l'intérieur. L'intérieur. Il est venu travailler le cœur de l'homme. Quand il traverse, c'est ça qui sort. C'est ça qui est mal. On aime voir le physique. Là, c'est là depuis qu'il pleut. Il voit que non, le Seigneur fait d'abord le travail dans le cœur. Et quand il finit de faire ce travail, ça c'est fait comme l'explosion. Je commence à vivre la parole de Dieu. Parce que l'homme aime les fausses apparences. Donc tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, le frère, depuis qu'il est plus. Non, Dieu n'est pas venu faire l'extérieur, il n'est pas venu. Il est venu d'abord travailler l'extérieur. L'intérieur de l'homme. L'intérieur de l'homme. Donc faisons tes attentions, frère. Quand vous tenez la parole de Dieu, frère, Jésus-Christ là, ne blague pas avec lui. Amen. Il n'est pas notre camarade de classe. Il n'est pas notre jouet. Hein? Vous comprenez? Amen. Il est... Donc, les pasteurs doivent faire attention. Faire très attention. Que la Bible, c'est une épée à double tranchant. Frère, le même qui est arrivé ici, chacun doit déposer sa Bible ici. Vous comprenez, frère? Amen. Une véritable repentance. Parce qu'il y a trop de faux. Même dans nos relations, il y a le faux. Amen. Ils ne sont pas vrais. Frère, ils ne sont pas vrais. Et Dieu ne peut pas honorer un peuple qui est faux. Ils ne sont pas vrais dans nos relations. Trop d'hypocrisie, trop de mensonges, trop de faux semblants, trop de jalousie. Quand on voit même qu'un frère Dieu est en train d'utiliser, il y a la jalousie au milieu de nous. Une certaine chose, il y a la jalousie au milieu de Dieu. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit comme ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit comme ça. Frère, avant que Dieu commence à l'utiliser, tu vas traverser par le feu. Exact. Il se lève un matin pour commencer. Tu traverses par le feu, par les épreuves. Si on t'entend trop parler de Dieu, on dit tu exagères, frère. Pourquoi cela est dérange? Frère, le Saint-Esprit n'agit pas comme ça. Parce que, frère, le Saint-Esprit, hein, c'est au niveau des révélations avec le Seigneur. Oui. Dieu. Quand Dieu se révèle à temps d'une manière, les gens ne peuvent pas comprendre. Quand tu parles de Dieu, tu étouffes. Tu es nerf. On dit tu déranges. Tu déranges. Tu es extravagant. Tu es extrémiste. Tu crois que tu connais Dieu. Mais tu connais Dieu. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, frère. C'est parce que ce qui se passe dans ta vie, c'est particulier avec le Seigneur. C'est particulier. Là où je suis passé avec le Seigneur, là, frère, c'est parce que tu m'as pas, ils sont là. Le Seigneur a ressuscité mon âme. Mon âme partait tomber dans les abîmes. C'est moi qui voyais toutes ces choses dans le spirituel. J'étais paralysé complètement. J'avais la tuberculose osseuse. Et puis moi seul, j'avais des problèmes vaginaux pendant deux ans. Hein, frère, comprenez, une douleur atroce qu'on n'a jamais vue dans la terre. Une seule personne qui a tous ces choses. Mélangé. Et quand le Seigneur te sort de là, il enlève ton âme, il enlève ton âme. C'est pour blaguer avec lui, frère. C'est pour blaguer avec lui. Donc c'est pour ça qu'il dit, vous qui êtes assis là, frère, faites attention avec le Seigneur. Parce que le Seigneur vous a donné les brebis. Les brebis. Même quand une brebis s'égare, il faut aller chercher les brebis là. Bon, je dis que non, c'est son problème. Non, il faut aller chercher la brebis. Il faut aller chercher la brebis qui est égarée. Ben, c'est votre rôle. On aime toujours dire que non, c'est son problème. C'est sa vie. Non, ce n'est pas sa vie. Vous êtes établi pour ça. Vous êtes établi pour ça. Donc le pasteur doit comprendre ce message que ça les concerne. Ça les concerne. Il doit être une vie de consécration totale, chaque jour. Être également vrai. Vrai. Se repentir véritablement. Amen. Ce qu'ils ont fait au passé qui n'était pas bien, qui ne voulait pas le Seigneur, qui se repent véritablement, qui ne viennent pas annoncer de l'évangile et qu'eux-mêmes ne pratiquent pas. Amen. Maintenant, on touche les personnalités. Il y a les ministres et tous les directeurs généraux qui sont censés diriger le pays. Et nous avons compris dans ton témoignage que la prostitution n'a pas de saut de couleur. La prostitution n'a pas de barrière dans les limites continentales. La prostitution, c'est la prostitution. C'est, c'est la seule chose qui est transfrontalière. Et que les mêmes esprits sont partout. Parce que c'est les mêmes choses qui sont faites. C'est les mêmes choses. Donc, et par conséquent, les mêmes choses se reproduisent n'importe où. Ça veut dire que ceci concerne tous les pays. Et par conséquent, tous ceux qui nous écoutent, donc, tous ceux qui sont les fils des ministres, les ministres et autres, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Et la dernière catégorie qu'on va toucher, c'est les gens que tu as laissés à l'intérieur qui faisaient la même chose que toi. Quoi que tu veux que tu les parles pour les prostituer. Les ministres qui nous dirigent là, et qui viennent dire des choses à la télévision et ainsi de suite, qu'est-ce que tu leur dis comme les politiques et ainsi de suite? Le message que j'ai aux politiciens aujourd'hui là, le message, c'est un message vraiment trop puissant, trop violent. Je les demande tous de se repentir. Véritablement. Parce que le chemin, oui, ils doivent se repentir. Ils doivent se repentir. Ils doivent se repentir. Parce qu'ils ne sont pas sur le chemin de la vérité. Ils doivent se repentir. Parce que la vie qu'ils mènent, c'est pas normal. Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils sont déjà en enfer? Le problème, je pense qu'ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. Parce que toute personne, tout animal, tout homme qui ne connaît pas Dieu, c'est un homme. C'est un animal. C'est un animal. Donc, ils le font tout naturellement comme si c'était normal. Comme si c'était normal. Parce que quand tu vas dans la... Est-ce que tu connais, frère? tu ne connais pas. Mais c'est l'appel que je peux les faire, c'est de se repentir. De repentir. De croire au Seigneur Jésus. Oui, de croire au Seigneur Jésus. C'est ça, c'est se repentir. Parce que c'est devenu vraiment. Moi, je sais qu'il y a ceux même que Jésus même est en train d'interpeller en ce moment. Oui. Qui n'endurcissent pas leur cœur. Comme le Seigneur dit, quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Oui. Qui n'endurcissent pas leur cœur, qui viennent. Qui viennent. Sur le véritable chemin de vie et la vérité. Mais d'autres vont voir le luxe, ils vont voir le luxe dans lequel ils sont, l'argent dans lequel ils sont, ils vont voir la souffrance. Parce qu'ils savent quand Jésus vient, Jésus nettoie. Je vais leur dire que ça, c'est l'enfer. Et la richesse va les conduire à l'enfer. C'est l'enfer. Oui, c'est l'enfer. Parce qu'une vie sans Jésus, c'est l'enfer. L'enfer, justement. C'est la mort. C'est l'enfer. Par moi, je suis passé par là. Tu es mort, tu es un cadavre en pleurant sans le savoir. Tu te dis que la vie est rose, la vie est rose. Mais quand tu es là, tu la paix, la véritable paix ne vient pas du monde. Ça vient du Père. Là, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. La paix que le monde ne peut pas donner. Mais ce que je peux leur dire, c'est de se laisser. Dans la direction du Seigneur. Dans la direction du Seigneur. Parce que je sais qu'il y a ceux qui entendent la à la voix de Dieu. Je le sais, je le crois. Même dans leur perdition, ils entendent la voix de Dieu. Je le sais, parce que j'ai vécu ça. Amen. J'implore vraiment la miséricorde de Dieu pour eux. Parce que même si une semaine s'est passée, j'ai prié beaucoup pour les prostituées. Parce que c'est un chemin difficile et ténébreux. Oui, parce que si le Seigneur a permis que je vois tout ce ministère, tout ce désordre-là, c'était pour enseigner aux autres. Mais vraiment, vraiment, qu'ils n'endurcissent pas leur cœur. Qu'ils n'endurcissent pas leur cœur. Vraiment, c'est le cri de mon cœur. Que vraiment, qu'ils se laissent. Qui se laisse aller, attiré par le Saint-Esprit, par Jésus, parce que c'est le seul chemin. Comme elle a dit dans Jean 3,16, il a donné son fils pour que quiconque croit en lui et la vie éternelle. Il a dit quiconque croit en lui. Elle a dit même si ce n'est pas tout le monde, mais il y a ceux qui sont destinés. Qui sont à l'intérieur, sans s'écrire, qu'ils viennent. Qu'ils viennent vraiment à Dieu. Qu'ils vraiment qu'ils se repentent. Ils viennent à Dieu. Qu'ils se laissent. Il laisse le Saint-Esprit les visiter. Comme moi aussi, j'étais dans cette perdition. J'étais dans cette vie d'esclavage. Aujourd'hui, je rends gloire au Seigneur Jésus. Il m'entend de bien comment je parle. Je rends grâce au Seigneur Jésus que aujourd'hui, là, j'ai cette vie. J'ai cette vie aujourd'hui. Je peux sentir, je peux savoir que le Saint-Esprit est avec moi. Avant, je n'avais pas ce Saint-Esprit. Le monde n'a pas le Saint-Esprit. Le monde n'a pas la vérité. Le monde n'a pas de connaissances. Il a dit, mon peuple périt par faute de connaissances. Osée 4, 6 le dit. Et mon peuple périt par faute de connaissances. Donc, ça veut dire que quand tu es dans le monde, tu n'as pas de connaissances qui est Jésus. Mais tu peux le parler, mais tu ne sais pas qui est Jésus. Même les pasteurs parlent de Jésus, mais ils ne sont pas pasteurs. Pas pasteur selon Jésus. Pas selon Jésus. De faux Jésus. Oui, parce que ce qui est présent, ce n'est pas la vraie évangile. Oui, c'est l'évangile spectacle qu'on met des fausses onctions. Accompagné des autres pouvoirs. Pouvoirs extraordinaires. Extraordinaires. Des ténèbres. Des ténèbres. On se dit aujourd'hui, regarde, pour les âmes comme Béni Hill, on se disait que c'était un grand top de Dieu aujourd'hui. Que même sa propre famille a tout le dénoncé. Vous comprenons que tout ce que nous voyons, c'est pas ça. C'est pas ça. On va dire oui, c'est un grand homme, oui, parce qu'il y a le monde, il y a ceci. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit peut comprendre, Dieu n'est pas venu pour la foule. Dans la foule, il vient de chercher une personne. Dans cette foule, celle qui fait sa volonté. Il a dit, je viens chercher une église qui fait ma volonté. Il n'a pas dit, je viens chercher la foule. Exact. Il n'est pas venu chercher la foule. On était habitué à la foule. On était habitué, tu vois. Parce que la foule permet de se cacher à l'intérieur. Mais quand le Seigneur commence à. Là, tu vois, je bâtirai mon église. Les portes du Seigneur ne m'auraient plus vendu point contre elle. Ça veut dire que c'est Jésus-même qui bâtit son église. Amen. C'est pas l'homme. Il a dit dans 1 Corinthiens 3, comme il a dit, celui qui bâtit ce fondement bâtit en vain. Donc ça veut dire que vous, qui en tant que pasteur, il faut bâtir sur le fondement de Jésus. C'est le bon fondement. Amen. Dernière parole. Les sœurs, tes sœurs, tes anciens complices que tu as laissés dans ce travail. Oui, elles sont prêtes. Elles se trouvent partout sur la terre du bois de Boulogne en France, en passant par Monaco, au quartier Maquia, ainsi de suite. Partout. Dans le monde. Oui. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce que tu dois faire? Je m'assois bien. Assieds-toi bien, ma chère. Comment? Je tire mes pieds, mon pied là. Je viens dire d'abord quelque chose. Pour dire que moi, j'étais d'abord dans cette vie de prostitution. Oui. Je vais dire à celles qui sont restées devant. Je sais que Pour d'autres, même si c'est n'importe quelle motivation, ce n'est pas des bonnes motivations. Mm-hmm. Même si on dit que oui, je vais chercher ma vie pour ma famille, ou bien je vais faire ceci ou cela, ce n'est pas des bonnes motivations. Mm-hmm. Parce que dans cette motivation, ne produit que la mort, mm-hmm. ne produit que l'enfer. Et ce que je peux leur conseiller aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, je parle de tout cœur. Mm-hmm. De tout cœur. Moi, j'ai dit aujourd'hui, c'est une grâce pour moi. Mm-hmm. Parce qu'en aucun cas, je ne savais pas qu'aujourd'hui, je devais être celle que je suis aujourd'hui. Mmh. Et c'est au même cri que je, la trompette que je sonne aussi à travers celles qui sont restées dans le monde. Oui. Même ces jeunes soeurs qui ont peut-être les 15, 10, 17 ans aujourd'hui qui sont dans la prostitution. Mmh. Vraiment, je sonne la lame. Mmh. Je sonne la lame que ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Oui, elle gagne l'argent pour le gain. Est-ce que le gain, là, pour les produits, quoi? Qu'elle rentre chez elle, qu'est-ce qu'elle vit? Elle ne vit que la misère, mmh. elle ne vit que le désespoir. Et comme dans ton cas, on a vu que quand tu rentres chaque fois, tu avais de remords. Oui, c'est ce que je dis. Mmh. C'est, j'ai vécu ces mêmes choses. Mmh. Donc, s'il y a quelqu'un qui. Il y a une femme qui vit dans ce domaine-là, qui veut s'en sortir, tu lui dis donc que c'est possible de s'en sortir. Je lui dis qu'elle sorte de là. Mmh. C'est seulement. Mmh. Moi, c'est la lame que je peux lui donner. Lui, mmh. vraiment, qu'elle sorte de cette vie. Mmh. Parce que cette vie n'a que la torture. Mmh. C'est l'esclavage. Mmh. Tu sers le diable, tu sers Lucifer. Mmh. Dieu ne nous a pas créés pour servir Lucifer. Dieu nous a créés pour la gloire de son nom. Mmh. Hein? Donc j'écris la lame pour celles qui sont dans, dans le monde. Là. Mmh. Parce que tout ça, c'est la prostitution. Mmh. Dieu qui n'est pas juste la prostitution. Mmh. Tout ça, c'est le monde de prostitution. Mmh. Je les appelle vraiment. Je crie vraiment de tout cœur. Mmh. Qu'elles viennent à Jésus. Mmh. Qu'elle vienne à Jésus, qu'elle se repente véritablement, qu'elle se repente, qu'elle donne vraiment, qu'elle donne parce que c'est Dieu qui attire, qu'elle se laisse attirer par le Saint-Esprit. De la même manière qu'il a fait, dans ma vie, il est aussi capable de faire ça pour elle. Parce que je ne mérite rien. Je ne mérite pas cette vie, je ne mérite rien de lui. Mais il a eu compassion de mon âme. Là, il m'a enlevé. Donc, c'est la même façon qu'il a aussi compassion de leur âme. Celui qui est mort pour eux, celui qui a donné sa vie pour eux. Aucun homme n'a pu le faire. Donc, tout ce qu'elles sont en train de faire là, tout ce que je peux leur dire, vraiment les filles, laissez cette vie. Laissez cette vie, il n'y a rien dans cette vie. J'ai fait cette vie là, cette vie m'a fait. Je n'ai rien récolté en retour. Moi, je dis Dieu, il m'a épargné des maladies, il m'a épargné de tout ce qui est mauvais, de la sorcellerie, de l'occultisme. Qui suis-je pour mériter ça? Mais ce que je peux leur dire aujourd'hui, c'est de détourner, de se laisser attirer. Je sais qu'il y a celles qui sont là qui entendent déjà la voix du Seigneur. Mais tellement, elles sont enchaînées. Elles sont enchaînées. Que Dieu les active. Oui, que Dieu les active vraiment. Parce qu'il est la seule alliance qui brise les alliances volontaires ou involontaires. Il est la seule alliance. De la même manière qu'il est venu briser. Je vous assure, frère, Dieu est venu me délivrer personnellement dans la maison. Amen. Lui-même est délivré. Mm. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait les positions de main dans ma vie. Amen. Dans ma vie, dans la conversion, j'ai vu des choses extraordinaires avec le Seigneur. J'ai vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur. Extraordinaires. Donc, c'est pour ces raisons, je l'ai dit aujourd'hui, vraiment, là, je suis assise là. J'ai même les larmes aux yeux parce que je sais ce que c'est. Je sais ce qu'elles vivent. C'est la vie de l'enfer. C'est dur, frère. Courage, ma soeur. Courage. Embrasse ta soeur. L'embrasse. Embrasse ta soeur. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te bénisse. Embrasse ta soeur. C'est fini. C'est fini, ma soeur. C'est fini. Dieu va t'utiliser pour changer. La Bible déclare dans Matthieu 23, Jésus a dit que les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux, s'adressant comme ça aux pharisiens. Parce qu'il y a des gens qui ont porté les Bibles avec les touges, voient les gens comme prostituées, mais ces prostituées, quand Dieu aime les dit, c'est pour aller au ciel. Et effectivement, ils vont aller au ciel, entrer, et ils ne vont pas entrer. Donc tu as un témoignage, mon cœur est aimé à l'intérieur. Il y a des femmes qui nous écoutent maintenant actuellement, qui d'autres ont été contaminées du VIH-Sida, comme on a vu dans ton témoignage, mais qui, au lieu de prendre la bonne décision maintenant de suivre le Seigneur, prennent plutôt la décision de la revanche. Elles vont gâter tous les hommes qu'elles vont rencontrer sur leur chemin. Hommes mariés, professeurs, n'importe quoi, médecins, ils vont distribuer le VIH-Sida. Si elles nous écoutent, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Toi, qu'est-ce que tu leur dis? Parce que j'ai eu une aussi, comme tu as bien dit, tu as subi aussi, il y a des filles aussi qui étaient malades, qui contaminaient les hommes. Consciemment. Oui, consciemment. Consciemment même. Et vous le faites du mal. Oui, la vengeance, comme les hommes aussi le font. Vraiment, ce que je vais dire à ces filles, qu'elles arrêtent tout ça. La vie, ce n'est pas la vengeance. La vie éternelle, ce n'est pas la vengeance. Parce qu'aujourd'hui, quand je m'assois, je dis, ah, même si, qui suis-je pour ne pas avoir toutes ces choses-là? Qui suis-je pour ne pas être atteint? Alors que tu étais librement, tu étais exposé. J'étais vendu à l'esclavage. Mais ces filles-là aujourd'hui, je leur ai dit non, non, non, non, non, non. Qu'elles arrêtent de se venger. Parce que le véritable, la véritable justice vient de Dieu. Ce ne vient pas des hommes. Depuis qu'elles font ça, qu'est-ce qu'elles ont vu? Elles ont vécu. Il y a d'autres qui font, elles pas de mettre les listes à la maison. Oui, je sais. Elles comptent. Je sais. Oui. Je sais. Je sais tout ça. Donc c'est pour leur dire qu'elles arrêtent tout. Elles arrêtent tout. Sincèrement, moi qui les parle aujourd'hui, je suis passé par là. Je suis un témoignage vivant. Si je coule les larmes parce que je réalise l'amour de Dieu dans ma vie, je suis un témoignage vivant. Dans ma vie, c'est toute ma vie. Parce que je parle là, c'est peu. C'est trop long. Le chemin, c'est un parcours. Donc je dis à cette fille d'arrêter tout, de se donner à Dieu. Qu'elle ne croit pas que c'est la fin du monde. Non. Elle s'atteint de la maladie, celui qui guérit. Et celui qui guérit. Puisque toi, mon grand, tu as été dans les maladies, comme on a suivi dans ton témoignage, et il t'en a guéri. Voilà ça. Étant dans le Seigneur, j'ai été malade à la tuberculose, je ne sortais plus les hommes. Voilà. Hein? Mais Dieu a permis ça dans la vie. Dans ma vie, c'était pourquoi? Celui de Dieu qui a permis la maladie vient du péché. C'est clair. Tu ne peux pas vivre dans le péché et ne pas être malade. Qu'est-ce qui l'a péché? Qu'elle soit délivrée. Parce que le salut est là pour tout le monde. Le salut est là pour elle. C'est par grâce. Et qu'elle appelle le Seigneur Jésus-Christ à l'aide. Oui, à l'aide. Elle appelle au Seigneur. À l'aide. Parce que la Bible déclare que quiconque invoque le nom du Seigneur. Parce que même moi, dans cette détresse, je pleurais toujours. Oui. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Je pleurais toujours. Matin, midi, soir, je pleurais parce que ma vie n'avait pas de sens. Je dis, quand je me vois debout, mais qu'est-ce qui manque à moi, Seigneur? Je raconte même les hommes. Les hommes me disent, tu es fait pour te marier. Il faut quitter dans la position. Tu n'es pas fait pour la propriété. Qu'est-ce qui t'amène dehors? Même ceux mêmes on me parlait dans la prostitution. Et je suis sûr qu'on les parle comme ça. Oui. Je suis sûr certaines qu'on les parle comme ça. Elles sont sourdes parce qu'en même temps, tu n'as pas la connaissance. Et tu n'as pas la connaissance. Tu ne peux pas être délivré seul. Tu es enchaîné par les chaînes de la mort. Tu ne peux pas être délivré. Même voici aujourd'hui, la tuberculose osseuse et pulmonaire c'est venu d'où je ne sortais plus des hommes. Je ne faisais plus cette vie. Mais c'est le péché qui a causé ça. Parce que je n'étais plus là, je n'étais plus vraiment dans la présence de Dieu. Parce que quand tu quittes, même quand Adam quittait la présence de Dieu, c'était tout ça. Exact. Le péché entré. Hein? Tout ça entré, la culpabilité entrée. Et c'est le péché qui a entré la séparation avec l'homme. C'est ça qui a entraîné même Adam, il s'est séparé avec Dieu. Le péché, quand le péché entre dans l'humanité. La maladie vient du péché. Tu es conscient que les gens vont t'écouter, certains vont te connaître. Je suis très conscient. Conscient que ton ancienne vie a été transformée en une nouvelle vie. Conscient que certains vont te dire, pourquoi tu dis tes choses, il ne fallait pas dire, il fallait rester tranquille. Qu'est-ce que tu leur dis? Non, je suis là. Je vais leur dire que quand Jésus-Christ vient dans la vie de quelqu'un, il n'est plus la même personne. Tu deviens une nouvelle créature. Parce que je dis qu'une nouvelle créature, ça veut dire que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, Colossiens 5, 17, deux choses bien nouvelles. Ça veut dire que quoi? On se repent véritablement avec le Seigneur Jésus. Il n'y a plus de honte à faire. Pas de honte, pas de cacheterie, pas de mensonge. Pas de mensonge. Ah oui, pas de mensonge avec Jésus. Avec Jésus, fais la vérité. Parce que c'est la vérité qui libère, c'est la vérité qui délivre. Parce que je ne peux pas avoir des choses. Mais si véritablement tu es né d'en haut, tu dois dire la vérité au peuple. Absolument. Là où tu sors, je ne sais pas pourquoi je vais cacher ce que je faisais. Je sais pas pourquoi je vais cacher ce que je ne faisais pas. Ce que je faisais, ça veut dire que réellement il ne m'a pas touché. Mais c'est lui qui convainc des péchés de justice. Si peu importe ce que le monde va comprendre, frère, je me suis déjà préparé à ça. Dans le secret. Je suis préparé à ça. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. Merci pour ce témoignage. Ça a pris du temps, mais c'est normal. Cet témoignage, c'est un merveilleux témoignage d'une prostituée inter internationale. Lévons, nous prions. Nous allons prier particulièrement, pas pour elle, parce que pour elle, elle est déjà dans l'autre camp. Nous allons prier pour que le Seigneur utilise son témoignage pour arracher. Arracher dans tout le plan, dans tous les thèmes, dans toutes les femmes. Dans la Bible, on a vu que c'est les femmes qui ont été utilisées pour faire tomber le monde dans le péché. Et dans le grand royaume, sont tombées à cause des femmes. Donc, ça veut dire que si elle parle, elle parle en connaissance de cause. Que si Dieu peut l'utiliser également de son témoignage pour faire arracher ces gens-là de la main de Satan, ce sera le victoire pour notre Seigneur Jésus. Donc, nous allons ouvrir notre bouche. On prie pour que Dieu utilise son témoignage pour briser que toute personne qui luttait encore dans ce domaine-là pour résister, s'ils sont de Dieu, que le Seigneur les arrache en écoutant ceci. En écoutant seulement, que la puissance du Saint-Esprit les saisisse. D'accord? Prions, prions, prions. Seigneur, voici, c'est pour ta gloire. C'est pour ton nom. C'est toi, Père de gloire. C'est toi, ô Dieu, qui a ouvert sa bouche pour parler. Seigneur, nous soumettons, Dieu de gloire, toute personne qui soit en train de nous écouter, ô Dieu, afin que tu les amènes à toi. Que tu amènes, ô Dieu de gloire, toute personne qui est à toi. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu de gloire, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit les touche maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth, Dieu de gloire, tu n'as pas changé. Dans les liens de la maladie, je pose par que la puissance du Seigneur. Assurément, au nom du Seigneur Jésus de Nazareth, je te prie, que par la puissance, par la puissance, ton esprit, tu viens de toucher, détache les liens qui sont gardés à l'intérieur de la puissance de la prostitution, qui est dans votre cible de cette personne, du sexe qui est dans votre cible de toutes ces choses-là. Je prie que tu les enlèves de son cœur, que tu les enlèves de cette profondeur où elles se retrouvent, et que tu leur donnes. Seigneur Jésus de Nazareth, dans le sens de cette lumière, qui les fera voir la vie de la machine. Elles en ont besoin. Elles en ont besoin. Elles sont reparties dans le monde. Elles sont de gauche à droite. Dans des moments difficiles, elles pleurent sous leur couche parce qu'elles ne savent pas ce qu'ils ont. Elles ont été allées chez les pasteurs. Elles ont été allées chez les pasteurs. Elles sont allées chez les enfants. Elles ont été abusées par les gens. Elles sont allées chez les prêtres. Elles sont été abusées par ces mêmes prêtres. Elles sont allées chez les marabouts. Ces marabouts n'ont pas pu le suivre. Ils ont besoin de prier que également toi, Seigneur, tu puisses agir. Dans ce monde, ce siècle brillant, qui est tellement mauvais, où on ne sait pas des choses, où toi, Seigneur, tu es. Je prie au Père de Dieu. Par la puissance de l'esprit, que tu sèches le nom de leurs yeux et que tu leur donnes la véritable espérance. Je te prie, que les gens de gloire, au nom de Jésus-Christ, t'en supplie. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ, merci. Merci. Merci. Merci, Père. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui le fait et c'est pour sa gloire. Que son nom se soit élevé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Venez nous asseoir. Finis ton verre maintenant, ma soeur.